Donc on joue à Channel Fear, la quatrième partie qu'on fait ici à la cale en direct. Pour ceux qui connaissent le jeu, qui sont sur YouTube, en fait je dis pas le nom du scénar, mais c'est la saison 1 épisode 2. Voilà. Et donc Channel Fear, c'est un petit sérial qui est créé par Anthony Combrexel alias Ino, qui est un auteur français qui fait des très très bons jeux. Donc un sérial, c'est un petit jeu clé en main. Ça en fait partie, puisque Channel Fear, ça s'inspire d'un système qui s'appelle Corpus Mechanica Plus. J'arrête les détails techniques. Mais c'est un petit jeu un peu d'horreur assez simple à prendre en main, puisqu'il se déroule à notre époque et qu'il met en scène des reporters du paranormal qui sillonnent l'Amérique dans leur van dans le but de couvrir les événements les plus étranges qui ont été rapportés par des pauvres hommes et femmes qui n'obtiennent pas l'oreille ni de la police ni de leurs alentours, disons. Les enquêteurs de Channel Fear ont pour travail, puisque c'est votre travail, vous êtes donc salarié de cette chaîne de télé, de couvrir ces événements, de produire des belles images, en tout cas des bonnes images, du son, bref, tout ce qu'il faut pour monter des émissions qui vont être transmises au cœur de la nuit. Pour effrayer la populace, et de par votre expérience, ce que personne ne sait ou ne veut savoir, c'est que vous avez déjà évidemment témoigné de choses assez étranges. C'était pas du montage. Donc. J'aime pas quand on n'a pas de musique, parce que quand je m'arrête de parler, mais il se passe plus rien. Sauf quand on a commencé à jouer, parce que c'est vous qui parlez. Tu nous mets un petit truc. Tu nous mets un petit... Ouais. Ouais. Il a besoin d'en savoir. Ah bon, ça pendant le générique. La radio du Colorado. Non, on n'est pas obligé de commencer avec un truc flippant là pour le coup. On peut commencer cool, Colorado. Genre dans le van, on met la radio. Sur la route traditionnelle du Colorado. Bah, du blues, à mon avis. Donc voilà pour le pitch un petit peu de la partie. Donc, je vais présenter les personnages et je vais plutôt vous lancer dedans après notre générique qui va nous mettre dans l'ambiance. En tout cas, surtout. Aux spectateurs. Donc, je propose que chacun présente son personnage, puisque ce soir nous avons quatre investigateurs, dont un guest qui a pris l'avion depuis un pays bien lointain, spécialement pour jouer ce soir, n'est-ce pas hein? Je viens du Caucase, du lointain Caucase. Les qui se lancent du coup, qui nous présente son investigateur du paranormal. Ça y est, là, je sens qu'on commence à être aux États-Unis. Eh bien, allez, je me présente. Je suis Magda O'Shining. J'ai animé, donc j'ai retrouvé le nom, c'était Instant Voyance, pendant 3 ans à la télé. Du coup, j'ai une petite célébrité. J'ai une voix plutôt apaisante, je suis blonde, bien en chair et colorée. Il faut dire que c'était effectivement Laurence Boccolini qui avait un peu inspiré le physique du personnage. Comment ça, ça y est, les petites jeunes, on attaque sur l'âge tout de suite. Oui, j'ai 45 ans, mais plutôt bien conservée. Je l'ai bien. Et donc, bien ouais, sûr. On va dire que le petit passé de Instant Voyance, ça lui a permis d'avoir des compétences en tarologie, puisque c'est un peu sa botte secrète, de pouvoir voir des éléments de la personne à qui elle est en train de tirer les cartes. Et voilà. Ça ressemble à quoi physiquement? Ouais, tu t'es pas trop. Blonde, bien en chair et colorée. Habillée de avec une voix apaisante. Une voix apaisante. C'était très important, ça, je pense, pour la télé. Très bien. Et Sunny, voilà. Sunny O. Alors, moi, c'est Sunny O, et non pas Sunny Zéro, hein, faut pas confondre. Je m'occupe du son pour l'émission, la prise de son. Je suis experte en appareil informatique et tout ce qui va de pair. Et c'est assez utile pour toute cette équipe qui n'est pas forcément très très calée en informatique. Donc voilà, je l'ai un peu pallié ce truc-là. Et puis, je suis très intéressée d'aller découvrir à chaque fois les mystères et les surprises que nous réservent nos concitoyens. Un petit manque d'expérience vu son jeune âge quand même, mais bon. On n'a pas la même sensibilité. Hein, Elle est comment ce niveau physiquement? Alors, pas brune, hein, les cheveux lisses, mi-longs, classique, discrète, passe-partout, passe derrière ses appareils techniques. Hein, donc, c'est pas elle qui cherche à se mettre en avant, elle ne passe pas à la télé. comprends le message. Très bien. Bah du coup, ça sera ton tour, Elsa, de te présenter, du coup. Moi, je m'appelle Elsa Post. T'as pas une perruque pour Elsa? Je suis d'origine allemande. Allemande. Mais avant ça, j'ai habité en Russie. Je viens d'une famille qui a fui le communisme et qui s'est réfugiée en Allemagne. Nous étions une famille très aisée en Russie. Nous avions beaucoup de terres, beaucoup de palais. Ça a l'air de te manquer, Elsa. Je n'ai jamais vécu cette époque, voyez-vous. Je n'étais pas encore né. Et pourquoi le paranormal alors? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie d'Allemande native, tombée du bon côté Tous les proches que nous avons perdus, Yannick. Tous les proches que nous avons perdus. Je comprends. Ne pas avoir pu connaître mes ancêtres m'a poussé d'abord aux esprits. Ensuite, la religion. Et enfin, le mysticisme. Et j'ai fait tout le tour de l'Europe pour découvrir de nouvelles méthodes. J'ai vécu 5 ans en Roumanie, 4 ans en Tchécoslovaquie. Des coins qui recèlent ma foi des endroits qui sont connus pour leur portée, leur potentiel de étrangeté. Maintenant, depuis la chute du communisme, j'habite à Saint-Pétersbourg. Et j'ai entendu parler de l'amour du spirituel chez les Américains. Donc je suis venu ici. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans cette chaîne locale qui fait de la recherche d'esprit dans tous les États-Unis. Et ça m'a beaucoup plu. Et vous? On avait juste commencé à son tout à l'heure, mais peut-être que vous faites ça pour l'argent, mais visiblement, Elsa, elle fait quand même vraiment ça. Vous savez, pour la cause, pour la recherche, pour... Ah, c'est sûr, quand on n'a pas besoin d'argent. Ça vanne dans le van. Elsa, c'est peut-être un peu la petite nouvelle, hein, de toute façon, parce que je crois que personne n'a jamais interprété, si je ne m'abuse. On l'a déjà contacté au téléphone. Ah oui, ouais. On l'a contacté, ouais, c'est vrai. Ah, c'était ça. À une époque où elle n'était qu'intervenante, peut-être, pour Channel Fear. Et du coup, elle a signé il n'y a peut-être pas très longtemps. Peut-être que c'est ta première enquête, du coup, hein, tu vois. Peut-être que tu as été recruté il y a peu de temps. J'avais déjà travaillé avec une équipe aux États-Unis, mais je me suis rendu compte très vite que c'était des charlatans et je me suis très vite éloigné d'eux. C'est le problème. Ce magazine. Oui, c'est. Ces personnes qui se disent. C'était eux-mêmes qui inventaient ces histoires de fantômes, voyez-vous. Ils étaient eux-mêmes à l'origine de ces. De ces appels. Comment ça s'appelait ce magazine déjà, je crois? Ghost Stories. J'ai préféré l'oublier. Et je l'ai oublié. Très bien. Physiquement, du coup, Elsa, on a quoi devant nous? J'ai 47 ans. Je suis historienne de formation. Physiquement? Physiquement, je suis historienne. Elle est physiquement historienne, donc un peu austère. Si vous permettez, je vais me présenter moi-même. Et plutôt très bonne. Bien sûr. Merci. Je suis grande. Je suis le seul mec que je peux comme faire disent les Américains, je suis de type caucasienne. J'ai les cheveux blancs avec une mèche noire sur le côté gauche. C'est pas vrai? Bon, vous ne voyez pas, bien sûr. Quelle elle était bonne. Elle est à l'âge d'être. Absolument. Et il nous reste dans le coin inférieur droit. Archie Grimm alias. Archie Grimm. Bulldog. Surnomme Bulldog. C'est un flic qui n'a pas survécu à l'époque Balance ton porc. Il s'est fait jeter de la police. Ouais, ancien flic un peu bourru, un peu violent. Je pense qu'il s'est fait virer de la police parce qu'il a dû tabasser. Il a dû tabasser, je sais pas, soit un témoin, soit un suspect, soit. Voilà. Quoi d'autre? Ouais, 53 ans, taille moyenne, cheveux blancs, blanc grisonnant, costume noir, par-dessus beige, mine renfrognée, donc voilà, bourru. Que dire de plus? Du coup, ouais, quelle compétence d'enquêteur, armé. ça propose un peu bourru. Eh ben non. Eh ben non, justement. Moi, je joue un archigrim qui ne boit pas. Il boit plus. Depuis 10 ans. Bah, peut-être qu'il boit plus, mais en tout cas, il boit pas. Voilà. Mais par moment, il peut. Il a parfois du mal à se contrôler. Et il peut. D'une seconde à l'autre, il peut complètement péter un plomb si on l'a poussé un peu. C'est des trucs qui se racontent en tout cas dans la rédaction, effectivement. Archie coupe le contact. Du coup, voilà, que faites-vous? Moi, je vais à la pompe direct. Archie va à la pompe, moi je vais aux toilettes. Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'à l'intérieur il y a un genre de petite supérette dans lequel on peut acheter des bricoles? Alors tout à fait, donc toi Archie tu vas à la pompe immédiatement, du coup tu sors la CB, la tienne hein, malheureusement, puisque Channel Fear pas très riche, pas avancé les frais. On paye pas à l'intérieur? Toujours une problématique. Effectivement à ce moment-là tu te rends compte que tu l'as déjà vu dans des grandes villes, mais évidemment qu'on paye à l'intérieur dans ce genre de station. À l'intérieur derrière le comptoir, vous voyez un jeune homme. Parce que vous pensez être un jeune homme, c'est un masque. Il n'est pas exactement celui-ci, mais vous n'arrivez pas à le distinguer. Ça nous surprend pas du tout, du coup. Bah, si. Bah, si, on est interpellé, j'imagine. Et il est derrière la caisse ou devant la caisse? Il est derrière la caisse, il est derrière le guichet, quoi. Ouais. C'est pas un braqueur. Non, on sait pas encore. Que faites-vous? Bah, là, moi, j'observe attentivement. J'ai la pompe dans la main et je suis en train de regarder le moindre détail. Ah, non, on était parti pour y aller, non? Ouais, on y va. Dis bon Archie, tu guettes? Ouais, là je guette à mort, là je fais... Alors... Prends la caméra. Moi je remarque qu'il y a un truc bizarre avec le masque, tout c'est tout, mais quand même, j'en profite pour me piquer un petit somme. Dans le van? Dans le van. Tu restes dans le van? Très bien, vous autres, Archie est en train de remettre du carburant dans le véhicule. Moi j'ai vraiment envie. J'ai la fenêtre ouverte. Tu rentres à l'intérieur de la station service, effectivement il y a un jeune homme dont tu ne vois pas le visage immédiatement puisqu'il est en train de s'affairer sur ce qui semble être un jeu vidéo sur son smartphone. Et c'est au moment où une petite clochette teinte au-dessus de ta tête alors que tu pousses la porte vitrée, il te regarde, il soulève son masque, il pousse un petit peu, il est jeune, il a la trentaine. Il a 30 ans. En fait, il a presque une bonne vingtaine. Il te regarde, il a les cheveux longs, filasse. Il rigole un peu bêtement, il a un t-shirt Metallica. Non, un geek. Je déteste ça. Il te fixe comme ça. Regarde un peu bonnet. On peut aller aux toilettes dans le coin? Les toilettes, pipi. Ouais, les toilettes c'est à l'extérieur, du coup, tu sors là, tu reprends à droite, puis c'est sur le côté là, gauche de la station. Et tu sais où on peut dormir dans le coin, pas trop loin? Là, je sais pas trop, y a pas de motel ici, là, vous êtes au milieu de la forêt, c'est pas rien. Okay. Et tu jouais à quoi? Je joue à Brawl Stars, tu connais? Ah ouais, super. Bon, écoute, t'es niveau combien? J'ai super envie d'aller aux toilettes là. T'as combien de champions? 3. Wow, t'es encore plus que moi. Bah, moi j'en profite pour faire un petit tour du coup pour voir ce qu'il y a à vendre dans la petite supérette. Quelque chose te frappe immédiatement que tu n'avais peut-être pas vu en rentrant, mais c'est que donc nous sommes le 14 novembre. Les articles d'Halloween sont encore largement présents dans cette boutique, puisqu'elle semble encore grimée aux couleurs donc d'Halloween. Ouais. Et tu remarques un petit peu de déco, quelques toiles d'araignée, quelques citrouilles. Tu remarques aussi quelques éléments que tu n'as jamais vraiment vus. Qui te rappelle le masque que tu as vu de manière rapide? Il ressemble à quoi ce masque? Le jeune homme le met et l'enlève. C'est une, c'est un masque d'un faciès blanc, rond, qui est simplement pourvu d'un large sourire en croissant de lune, avec quelques dents un petit peu pétées. Et ce qui te frappe dans cette boutique, c'est que du coup sont présents des articles qui semblent être à l'image du masque que porte donc ce jeune homme, puisque tu peux trouver d'autres masques qui sont similaires. Tu peux trouver des figurines d'un personnage qui t'intrigue, que tu vois un petit peu de loin. Et les articles un petit peu d'Halloween, un petit peu classiques, il y a des bougies, il y a aussi des t-shirts. Et c'est vrai qu'ils ont l'air d'être à l'effigie de cette créature que l'homme semble porter rapport à son masque. Ok, et il y a d'autres choses que ça ou pas ? Alors autour de la personne du jeune homme, du coup, tu as un stand de confiserie, hein, on vend du pop-corn, ils vendent des vieux pots de confiote à la rhubarbe, ils vendent des vieux bouts de tarte un peu défraîchis, il y a quelques donuts, ils vendent aussi des boissons bien évidemment. Au centre la station, tu as des articles de station un petit peu classiques, hein, tu as du PQ, tu as des mouchoirs, tu as ce genre d'accessoires. Peut-être des lampes, peut-être de l'huile moteur. Et au fond, tu as entre les frigos le rayon boisson. Okay. Du coup, avec des réfrigérateurs et entre des étals qui semblent être l'endroit où on range l'alcool. Et c'est à ce moment-là que tu remarques une personne de dos qui est en train d'hésiter entre deux bouteilles de whisky. Ok, très bien. Et ben. Donc, je vous précise que le scénario, justement, précise de décrire des éléments de manière un petit peu générale et d'attendre que les joueurs veuillent bien s'intéresser à ces éléments de détail. Okay. Donc parfois je vais être un peu succinct, mais voilà, le scénario l'exige. Okay. Moi, avant d'aller faire un tour dans les rayons, je vais saluer le vendeur et je lui dis « Waouh, mais il est super beau, votre masque, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. C'est quoi exactement ?» Moonface. Moonface. Ok. Ouais, c'est un truc d'ici. C'est quoi ce que je connais pas, je viens pas d'ici. C'est une créature, c'est un folklore un peu local. C'est il y en a un peu de partout aux États-Unis, hein, mais nous on a Moonface quoi. Tu connais pas la légende de Moonface ? Non, je connais pas la légende de Moonface. Espèce de créature fantomatique, drapée de noir, qui n'a pas de jambes. Bon, après chacun la décrit un peu comme il veut, hein, du coup. Hein. Le masque. Moonface, t'as compris ? J'ai Moonface, compris, t'as compris ? Bon, ici on dit que voilà, on dit que c'était un enfant un peu attardé qui a été abandonné par des parents qui pouvaient pas s'en occuper. Ils l'ont tué, ils l'ont enterré. Et vous faites une fête pour Moonface ici dans le coin ? Bah disons que pour Halloween on a un peu mis le paquet sur notre folklore local un peu. Ça marche pas mal hein. Là tu remarques les gros panneaux, moins 50% effectivement, ils sont en train d'essayer de brader les articles. Okay. T'expliques que cet enfant n'est pas mort ? Mais peut-être ça t'intéresse pas, c'est vrai que toi t'es pas d'ici, tu... Bah si, moi ça m'intéresse, j'adore... Hop hop hop, mais je vous reconnais ! Vous êtes les gens de Channel Fear ? Oh putain, mais je vous remets maintenant ! Oh putain, Sunny Zero ! Waouh, wow, je suis vachement impressionné. T'es vachement plus petite en vrai. Oui, c'est mon père. Waouh, c'est super vos émissions. Hein. Bah, moi, ça me fait bien marrer, vos trucs et tout ça, je trouve ça cool, hein, mais... Bah, j'ai pas dit que j'y croyais pas, hein, mais je trouve ça un peu frais, quoi. Ouais, c'est fou, ça, c'est pour ça que vous arrivez jusque-là. Raconte Moonface, nous, ça nous intéresse. Ouais, bien, coup, et ben alors, en fait, ce gamin, voilà, un peu attardé, que ses parents ne voulaient pas, ne pouvaient pas assumer, en fait, ils l'ont tué, ils l'ont enterré. Le gamin n'est pas mort. Mais pourquoi il n'a pas de jambes ? Bah non, mais ça, attends, ça, c'est la créature, ça, c'est... C'est-à-dire qu'en fait, il est revenu un petit peu à la vie, ou en tout cas, il a survécu. Il a grandi dans la forêt, prenant pour mère la lune. Son seul parent. Et la légende dit que par une nuit sans lune, Moonface s'acharne sur le corps des vivants et les tue sans relâche, comme pour se venger d'un parent qui aurait pu disparaître pensant qu'il aurait pu être kidnappé par des humains comme vous. Ok. Et c'est quand la prochaine nuit sans lune ? Tu sais ? J'ai pas regardé. Bah toi, t'es pas venu au calège parce que. Ah non, mais j'ai pas regardé, ouais. Bah, elle a pas de lune. Tu flippes un peu ou pas ? J'adore. D'ailleurs, je vais t'en prendre un masque. 6$. Ok. Et je vais faire un tour dans les rayons. Moi. Ouais. Ok. Pendant ce temps-là, j'ai fait tomber la petite goutte dans le réservoir. J'ai fait tomber la petite goutte dans le réservoir et j'entre pour aller payer l'essence. Et quand Yuri, commence à secouer le truc d'essence dans le camion, ça me réveille un petit peu. Ding ding ding. Et du coup, je sors du van pour dégourdir un petit peu les jambes pendant ce moment. Tu constates qu'Archie a terminé le plein. Il attend un petit peu ses camarades. Non, j'entre. Bling, bling. Bling, bling. J'entre, je vais au guichet. Bonjour. Oh putain, toi t'es Archie, toi. Oh putain de babloche. Oh, tu vas te calmer, quoi. Tu l'as pas vu, la déesse du métal, là, ou quoi, là? Quand même. J'aime bien tes vannes, elles sont cool. Bon, le masque, donc, il t'encaisse. Non, mais ouais, mais moi, je voudrais aller faire un tour dans les rayonnages, là. Ouais. Je regarde un peu ce qu'il y a, et je regarde ce qu'il y a dans les rayons de bouffe. En fait... Rien d'intéressant, en fait, c'est vraiment une station... Qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait? En fait, je voudrais trouver... Il y a des chips... Je voudrais des trucs qui, potentiellement, comme on sait juste qu'il y a une histoire d'animaux, de compagnie, des trucs qui pourraient potentiellement... Des croquettes, quoi. Ouais, tu vois, nourrir. Je sais pas s'il y a des croquettes ou des trucs comme ça, mais en tout cas, des petits knackis en boîte. Des jambons ou des trucs... ouais. Des knackis en boîte. Des knackis en boîte. Ok. Des knackis beaux. Et il y a des espèces de sticks de viande un peu dégueu aussi. Ce qui est gras, ouais. Quand il n'y a pas des Kit Kat Bowl, elle prend des knackis en boîte. Et là, il monte un petit peu le son de la téloche. Devinez ce qui passe à la télé, comme d'habitude. Ce bon vieux soap Golden Years. Et là, vous avez devant vous une scène où un médecin est face à un patient dans ce qui semble être une chambre d'hôpital. Il est en train de défaire le ruban du pas. Donc peut-être que toi, tu le vois parce que tu es entre les rayons. Toi aussi, Sonio, tu es peut-être pas encore sorti. En tout cas, il est en train de... Cet homme, on a un champ contre champ. On a tout juste le temps de voir la figure du médecin qui est en train de défaire les bandes du malade qui semble être recouvert intégralement jusqu'à ce qu'il y ôte ses bandes pour voir le visage de quelqu'un qui est rigoureusement identique au sien. Le médecin recule. La scène continue, les deux hommes ont l'air de parler. Mais en vérité, vous vous rendez compte qu'il y a de la musique à l'intérieur de la station et que l'homme qui est derrière le comptoir semble baisser le son comme s'il connaissait déjà cet épisode. Il reprend sa partie de jeu vidéo. Ok, très bien. Alors, à l'extérieur, il fait un petit peu frais, et du coup, j'ai un petit peu pipi. Alors, du coup, je rentre dans la station et je demande s'il y a des clés, ou s'il y a des toilettes, ou s'il y a des. Ouais, j'ai dit à votre ami, là, la Sony, les toilettes sont dehors. D'accord. Donc, elle y est déjà. Moi, j'y suis allé, ouais. C'est un peu galère à trouver, j'ai fini par faire pipi en table. À droite, ça m'inspirait pas trop. Mais tiens, j'ai des mouchoirs. Donc là, tu as effectivement une espèce de cabanon un peu dégueu qui est en fait contre un petit peu le mur extérieur gauche de la station avec un lavabo absolument dégueulasse. Il y a des mouches, il y a du savon qui coule par terre, évidemment. Il y en a presque plus dans le bidon. Et puis devant toi, tu as deux toilettes. Du coup, Sonia fait ses affaires, tu fais tes affaires après, peut-être. Du coup, ouais, je prends mes. Je vais aller voir. Ça ressemble. Ça ressemble à des toilettes. Magnifique. Dégueulasse. Ouais. Façon, moi, je retourne à l'intérieur, je vais lui demander s'il y a du wifi. J'aimerais bien trouver un coin où on peut dormir là, cette soir. Tu rentres. Rouler 200 bornes, tu sais. Bizarrement, il accorde pas tant d'importance à toi, quoi. Je demande juste s'il a du wifi. S'il joue à Rollstar. Et Wi-Fi, il n'y aura pas pour les clients, il n'y a pas de ça ici. Tu peux me le partager deux minutes pour qu'on trouve où dormir, hein. Je peux pas en fait, j'ai pas le droit. Pourquoi? C'est ta maman qui vit là? Ouais, c'est mon oncle. C'est lui qui tient l'endroit là en fait. Ouais, mais ça c'est pas ton téléphone. Si, si. Et toi t'as pas de quoi regarder? Bah si, si, mais c'est pour moi en fait. Deux minutes, ça va rien attendre. Je reste à côté de toi. Dac. Mais attends, avant, faut que je fasse un truc avec mon historique. Attends. Non mais t'inquiète, j'ai pas accès à ton historique si tu me partages ta connexion. Tu vois bien. Mais y a pas de Airbnb ici, hein. Bah on cherche un motel. Bah vas-y, tiens. Tu Ah mais avec ton téléphone, cool. Il te fixe comme ça. Merci. Bon, tu t'en dis quoi, on est loin de tout là. roule encore 200 bornes. Il est quelle heure? On ne se retrouvera pas. Il est 22h. Dans la fois que tu as regardé l'heure dans le van avant de descendre pour remplir, il était 23h55. Bah oui, effectivement, on va se trouver un motel. Donc là, il est un peu minuit passé, quoi. Et donc le gars, il a dit qu'il n'y avait pas de motel dans le coin, c'est ça? Moodface. Lui, il dit qu'il n'y aura pas de Airbnb. Ok. Mais il a l'air de passer là. Je vais aller demander au gars qui était en train de choisir à boire. Je vais juste lui demander, lui dire qu'on a fait pas mal de routes, qu'on cherche un endroit où dormir. Est-ce qu'il sait s'il y a un endroit où on peut aller dans le train? Je peux faire technologie pour trouver quelque chose? Écoute, pas besoin, tu repères un motel qui est à 60 km, une ville de taille moyenne. Petite ville, une petite bourgade, pas folichonne, avec un motel qui est sympathiquement baptisé Greenway. À la sortie de la ville, j'imagine. Ouais, c'est ça, quoi. Une soixantaine de bornes. Toi, tu te pointes devant ce qui semble être un vieux motard, la soixantaine. Il a des lunettes de soleil teintées bleues. Qui fait mieux. Il est en train d'hésiter entre deux bouteilles de whisky, et c'est à ce moment-là que tu remarques qu'il a une prothèse à la main droite. Ok. Il compare les étiquettes, il a pas l'air d'y voir bien clair, du coup, il s'approche, il galère un petit peu. Je lui dis, si vous voulez mon avis, celle-ci, c'est la meilleure. Wopo! Vous savez, ma petite dame? Bonjour! Celle-là, c'est la meilleure, tu dis? Ah bah, franchement. Four Roses. Ouais, c'est vrai que c'est classique. J'ai jamais su, parce que. Bah, non, bah, du bourbon, là. Les Américains. Ouais, je vais rester sur le bourbon, t'as raison. Ouais, c'est bien sympathique, en tout cas. De rien. Dites-moi, on cherche un endroit où passer la nuit, vous savez pas dans le coin où est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Quelle idée? On a fait beaucoup de routes, il faut qu'on puisse dormir avant de reprendre le trajet. On va pas rester dans le coin très longtemps. Je peux pas vous aider. Ok. Franchement, je connais pas de coin. Y a pas de coin pour dormir ici. Faut faire de la route. Hein. Okay. J'essaie à tout hasard. Et avant, je lui dis juste. Et vous alors, Moonface, Moonface, ça. Vous connaissez? Je connais pas. Vous êtes pas d'ici, vous? Non. Ok. Merci. Il est omnubilé par sa bouteille, du coup, il range l'autre. Je vais lui dire l'étiquette. Là, tu vois que juste à côté, il y a une espèce de liquide marron dégueulasse qui semble avoir coulé d'un des frigos. Certainement une bouteille cassée qui s'est répandue sur le sol et qui crée une espèce de nappe de sucre qui colle sous tes pieds. Et toi, tu te rends compte qu'en ouvrant les yeux que l'endroit est quand même un peu pérable. C'est vraiment, on est dans un endroit vraiment reculé. Et c'est peut-être les néons qui grésillent un petit peu, qui... Okay. On est d'accord que j'ai acheté mon masque et mes Knacky Balls? Oui, tout à fait. Je te laisse noter les Knacky Balls et le masque. De toute façon, c'est la prod qui paye. Ouais, pour une boîte de Knacky Balls. Ouais, je pense que ça devrait aller. Ouais. Bon... On prend un peu de bouffe, histoire de manière générale, histoire de bouffer dans la voiture sur les 60 bornes qui nous restent. Des trucs, je sais pas... Sandwich triangle. Chips et sandwich triangle, un truc de ce genre, voilà, et donuts. Très bien, très bien. Je prends la boîte de donuts à mettre sur le... À mettre devant. Alors du coup, finalement, je reviens des chiottes et finalement, c'était miteux. Alors du coup, je suis allé faire pipi à l'extérieur, derrière, dans le noir. Et du coup, je ramène les clés au type à l'intérieur. Il n'y avait pas de clés spécialement, oui. C'est vrai que j'ai oublié de te répondre à cet élément, mais pas de clés. Hein. Bah, c'est pas grave pour qu'on s'en fout. Je rentre pas et je reste devant à côté du van. J'attends qu'on parte. Très bien. Rejoignez à l'extérieur. Allez. Oui, moi je suis dehors. Tu as payé? Tout va bien? On a fait j'ai le plein. Payé l'essence, j'ai payé le plein, la bouffe. Je demande peut-être juste au hasard, je dis, vous n'avez pas un... Hein, un petit livre sur la légende de Moonwalk que je pourrais lire dans le van là avant de dormir. J'aime bien moi les histoires comme ça. De Moonwalk ou de Moonface? Moonface. Non, il n'y a pas, mais si tu veux, il y a des t-shirts là. Bon, les t-shirts qui sont à 10$. C'est cool. Figurine, elle avait l'air sympa. Ouais, c'est des figurines. Je voulais une petite histoire. Peut-être une vidéo. Bah non, franchement, non. J'ai pas okay. Ça quoi. Ça marche. C'est une bonne idée ceci dit. Ah ouais, je pense. Allez. Il peut peut-être te recommander une vidéo YouTube. Je le fais bien, hein. Je le fais bien, quoi. Bon, franchement, ça m'a fait plaisir de vous voir. J'ai hâte de voir la prochaine émission. Elle passe quand, du coup Eh ben, le temps qu'on tourne, le temps qu'on monte, là, c'est l'émission dans 15 jours. Ok. L'émission de la semaine prochaine, c'était notre... On l'a tourné la semaine dernière, déjà. Ciao. Ouais, salut. Bon, allez les filles, on y retourne. On a 60 bornes apparemment. Ça va vite. Et c'est quoi le motel où on va alors, enfin, le... C'est Greenway. Greenway, ok. Archie reprend le volant, vous remontez dans le van, vous êtes dégourdi les pattes, vous avez fait le plein. Je mange en même temps que je conduis. Tu manges en même temps, tu démarres. Vous reprenez ce chemin de forêt, cette route forestière donc. Orné encore une fois de quelques rares réverbères qui semblent tenter d'éclairer cette route. Vous roulez 3-4 minutes. Quand au loin, vous percevez sur la droite une lumière d'un bâtiment. Jusque là, rien d'anormal au bord d'une route. Jusqu'à ce que vous arriviez devant une station essence. Station essence est commune à toutes les stations essence avec deux rangées de deux stations de pompe devant lesquelles une Harley Davidson est garée et vous voyez sur la porte vitrée écrit en lettres blanches 24 sur 24. Je vérifie l'essence sur le compteur. Moi je mets le masque. Sec. Je vérifie que j'ai le masque sur moi déjà. Tu as le masque. Je le mets sur moi. Il n'y a plus d'essence. Il est 23h55. Oh, putain. Et toi t'as un masque. Je mets le masque et je vais rentrer à l'intérieur. Attends. Déjà, là, je pile avant qu'on... Avant la station-service. Genre, on est toujours sur la route. Il y a la station-service sur le côté. Je me suis pas engagé. Par contre, je me suis arrêté devant. Ouais. Le temps qu'on voie tout ce qu'il vient de nous décrire. La station-service, le machin. Puis je sais pas, je vous dis, on s'est... foutu Archie là. On a fait une boucle. Pas de bifurcation hein, sur cette route, elle était ma foi longiligne. Et là je vous dis que j'ai plus d'essence. Donc pour l'instant, moi qui suis plutôt cartésien, je suis en train de me demander si on n'a pas un trou dans le réservoir. Je propose un changement de playlist. Sauf que Non, pas de changement de playlist. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce à l'intérieur avant de descendre du van? Est-ce qu'on... Ouais. Derrière le van, derrière le comptoir à l'intérieur, tu vois ce qui semble être un homme qui porte un masque, qui semble être en train de jouer sur son téléphone portable. Mm-hmm. Le masque est simplement un faciès blanc, simplement pourvu d'un large sourire édenté, en forme de demi-lune. Guilac, on tentera ça au prochain passage. De tracer ? Non, il propose autre chose. Alors. Bah, on y va, hein. Les achats, ils sont faits. On a les sandwichs triangles, on les a mangés, on les a. Ouais. On a toujours les donuts sur le machin. Ouais, moi, je fais. Moi, je fais. De la voiture. Bah, moi, je fais le tour de la voiture, je regarde dessous. Bon, on est bien d'accord que ça fait que 5 minutes qu'on est parti de la station essence de tout à l'heure. Ça fait combien de minutes qu'on a quitté la première station essence? Vous êtes peut-être resté un quart d'heure quand même dans la station essence. Oui, mais on l'a quitté il y a combien de temps? On a roulé combien de temps? Le temps entre les deux, c'était combien? La temporalité semble vous échapper, là, dans l'immédiat en tout cas. T'as dit 5-4 minutes qu'on a roulé dans la route de la forêt? 2-3. 2-3 minutes. Donc 2-3 minutes après, on se retrouve dans la même station essence. Ah, bonne question. Effectivement, c'est peut-être pas. Tu ne sais pas. J'avoue que la temporalité t'échappe, effectivement. Ça se ressemble. Donc un truc. Cruellement, comment ça me... Ouais. Quelle heure il est? Bah là, il est 23h57, si tu veux savoir. Moi, j'essaye de nous géolocaliser quand même, histoire d'avoir... Archie, tu parlais du véhicule? Ok, on commence à tourner. Peut-être que là, faudrait commencer à regarder s'il n'y a pas des... Moi, j'aimerais mettre Archie, une position. Archie, tu notes qu'effectivement, il y a une fuite d'essence sous le réservoir. Ok, donc il y a bien un vrai truc... C'est un trou? Et tu notes aussi que le capot du van est enfoncé. à l'avant, il y a un choc. Sauf que, à votre connaissance, une collision ne s'est produite. Une fuite de sens. Est-ce qu'à un moment donné, on a tous quitté le van? Ouais. Ouais, on n'y avait plus personne. Oh bordel. Est-ce qu'on mettrait pas une caméra dans le van si jamais on sort? Ouais, non, mais là on commence. Est-ce que j'arrive à savoir où on est exactement? On commence le tournage de l'émission. Géolocalisation, coordonnées. Écoute, un frisson te parcourt les chines quand tu constates que tu n'as plus de réseau. Enfin, c'est pas que tu n'as plus de réseau, c'est que le réseau semble modulé en fait. Tu passes de pas de couverture à une ou deux barres. Ça semble redescendre, remonter, peut-être trois barres. C'est totalement instable. Mmh. Je regarde ma boussole que j'ai toujours dans ma poche. Mmh. Et ta carte? Ouais. Du Colorado? Ouais. Enfin, du Kansas, du coup. Oui, on est au Kansas encore. Ta boussole... Et puis je frappe des talons trois fois. On était à 60 bornes de Greenway. Rien à signaler sur ta boussole, écoute. Si ce n'est qu'effectivement, peut-être parfois une très légère variation. L'aiguille semble osciller un petit peu à droite et à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé là sur le véhicule? On n'a rien entendu. Alors du coup, moi j'essaie de trouver des espèces de preuves qui me feraient penser que c'est un endroit différent. Du coup, je commence à faire le tour parce que je ressens qu'il y a un truc comme assez étrange. Ouais, toi, t'es à peine entré en plus la première fois. Voilà, et l'extérieur, toi, tu l'as plus repéré, revoir... peut-être. Fais-nous un jet de perception, tiens, si tu veux. Et revoir l'extérieur de la même manière, avec quasiment les mêmes lumières qui clignotent ici dans le magasin. Les mêmes couleurs partout, les mêmes objets partout. Je te propose un jet de perception pour en avoir la certitude, du coup. Je t'invite à acheter autant de DS Ifas que le score en perception d'Elsa Faust. D'accord. Alors. Il faudrait que tu fasses deux succès. Yes. Les 4, 5, 6 comptent. J'en fais 3. Pour toi, cet endroit est rigoureusement identique à l'endroit précédent que tu as traversé. Je tente un truc. Tout le monde est sorti du... Je remonte dans le van. Je démarre comme un... Je démarre d'un coup et je trace tout droit. Je sors de la station service et je vais à fond. Vous entendez un bruit de moteur à l'extérieur, que faites-vous? Je vais à 100... qui a démarré le véhicule. Je vais à 140, je vais à 140 et je vais tout droit. Gros con qui nous laisse dans la merde là. En mode je vous abandonne, je tente un truc. Vous êtes effectivement stupéfait par l'action d'Archie qui démarre à toute blinde. Et là on entend un bruit de moteur qui arrive de l'autre côté. Et là Archie, tu te retrouves du coup sur cette route boisée dans la pénombre, il n'y a pas de lune. Quelques réverbères semblent grésiller sur le passage de ton van et éclairer tant bien que mal cette route. Je regarde l'heure en même temps que je roule. Et au bout de... Donc ça se passe au bout de 2-3 minutes, quoi. Ça, tu comprends même pas ce qui se passe. Tu te retrouves avec à côté de toi Elsa. Oh putain. Vous êtes derrière en train de parler de sujets, ma foi, hautement intéressants. On était dehors et on est redeux dans le van, c'est ça? Oui. En tout cas, Archie nous voit à l'intérieur. Dans sa perception. Vous êtes à l'intérieur. Je me mets à hurler. Pour vous, il s'est absolument rien passé. Vous vous retrouvez dans le van comme si de rien n'était. Mais effectivement, vous avez cet étrange souvenir qu'il y a quelques secondes, vous n'étiez pas là et tu t'arrêtes au milieu de ta phrase. Mais on parlait de quoi déjà? On parlait de... Archie, ça va? Archie, il est en panique. Je suis en train de hurler. Tu vois, 23h55, vous êtes sur une route au milieu de la forêt. Éclairé par quelques réverbères qui subrepticement éclairent une route et au loin cette lumière qui éclaire ce bâtiment qui semble être une station essence. Qui ressemble en tout point à toutes les stations essence des États-Unis avec deux rangées de deux stations de pompes à essence. Demi-tour, Archie. Je dis rien, j'ai la goutte de sueur là qui est en train de couler sur mon. Avec cet Harley Davidson qui est garé devant. Et je vais me garer sur le parking du. Je roule toujours aussi vite et je me gare sur le parking de la station essence. Et là, je bouge plus. Je bouge plus. Et je me tourne vers mes collègues. Et je fais bon. Je viens de vous abandonner il y a 5 minutes dans cette station service. Vous avez une impression de déjà vu, vous savez pas trop. Attends, on est quand même passé à la première de station. Je viens de vous abandonner. De nous abandonner. Ah, dans cette station ça dans un effort en tout cas. Il y a 5 minutes. Okay. C'est pas évident pour toi. Mais tu te souviens, ouais. Tu te souviens, on le gars. J'ai acheté à manger, je suis passé aux toilettes. T'as acheté à manger? Moi j'ai acheté, j'ai regarde dans les 5 4 balls. C'est la troisième fois qu'on arrive dans cette station service. Autant. Bon. Okay. Je crois que nous avons tous vécu la même chose. Et là, on sort la caméra. Il se passe quelque chose d'étrange à mon avis. Salut Marmotte. Salut les nouveaux arrivants. Hein. Tu peux refaire le tour du véhicule. Salut. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé sur le capot? Devant cette station essence, l'état Davidson, et vous voyez en lettres de plastique blanc collées sur cette porte vitrée les lettres. Les chiffres plutôt 24 sur 24. Derrière le comptoir, un homme se tient derrière la caisse avec un masque. Représente un faciès blanc pourvu d'un large sourire en forme de croissant de lune édenté avec ce qui semble être une bouche complètement défoncée, il semble, sur son téléphone portable en train de jouer. On peut faire le tour de la voiture? Est-ce que toi t'as la même heure sur ton téléphone? Bah, il semble dysfonctionner. Est-ce que j'ai la même heure sur mon téléphone? Vous avez tous la même heure. On passe jamais minuit en fait. Bah si, tant qu'on est dans la station tant service, on passe minuit. Du coup, on fait le tour du véhicule, on voit qu'il y a un trou. Il y a un trou, une fuite d'essence qui goutte sur le sol. Et c'est quoi cet impact alors? Le réservoir est pratiquement vide. Effectivement, à l'avant du véhicule, il y a un choc. Est-ce qu'on voit des petites taches de sang sur au niveau de l'impact? Est-ce qu'on remarque quelque chose, tu vois, comme si on avait tapé quelqu'un ou un animal? Tu vois quelque chose qui laisserait à penser ou quelle largeur que... Quelle forme que... Quelqu'un pour nous faire un petit jet de perception peut-être? Ouais, je fais. Oui, la observation. Eh ben, qu'une réussite. Mais t'as deux relances en observation. Ah ouais, c'est des relances, c'est vrai. C'est pas des dés en plus. Une fois. Deux réussites. Le 6, on les rejoue pas? Si, on rejoue toujours les 6. Ah. Donc deux réussites. Deux réussites. Deux réussites. Visiblement, ça a été enfoncé par un élément qui semblerait être vertical. Pourquoi pas massif? On s'est pris un des pylônes, là, des lampadaires. Au moment où tu parcours le véhicule, tu as un petit frisson dans le dos. Mmh. T'es absolument sûr d'avoir vu une ombre se cacher derrière un des pylônes contre lequel est posée une pompe à essence. Eh ben, je m'approche. Arme au poing. Je m'approche. Tout doucement. Moi, j'allume la caméra, thermique. Oh, joli. Effectivement. Donc tu as un halo qui représente un petit peu la lumière à l'intérieur de la station. En revanche, Sony, c'est à ce moment-là que tu vois que l'électricité semble connaître de légères chutes de tension. Moi, j'en ai des frissons. Il n'y a rien. Le poil du bras qui se... Tu t'approches, signes, tu contournes avec ton arme. Il n'y a rien derrière le pylône. Absolument rien du tout. Tu sais pas si c'est le fait qu'il n'y ait rien ou pas. Qui m'effraie, qui t'effraie le plus. Un petit peu, ouais. C'est qu'il n'y a absolument rien du tout. Et à la caméra, il n'y a rien non plus. Rien du tout. Bon. Je crois que la maison hantée, on n'ira jamais. Je crois qu'elle est ici, notre émission. Punchline. Regardez ça au montage, Sony. Qu'est-ce que vous faites? Je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque chose d'étrange ici. Sortons les équipements. Bah, tous les instruments de mesure, on va commencer à... Puis on va faire des expériences, on va faire plein de tests. Oui. Est-ce qu'on repasse à l'intérieur ou pas? Il faut, hein. Moi, je pense... Il nous a vu ou pas, le gars? Pas du tout, il est sur son jeu vidéo à fond, quoi. Pas. Il a même pas fait attention à votre arrivée, quoi. Et le mec avec la moto, il ressort pas? Non. Moi, je ferais bien, si on fait des tests et des trucs, je commencerais bien par faire des tests en bagnole, c'est-à-dire équiper la voiture de détecteurs, de caméras, ne serait-ce que pour les missions, pour documenter cette partie du voyage. Sur le tableau de bord, et une autre à l'extérieur. Par exemple, et puis peut-être... Au niveau de l'impact, tu sais, peut-être, non ? Ouais. Comme ça. Et puis une caméra thermique, une caméra justement on multiplie les possibilités, on tente de refaire une boucle. Okay. Est-ce qu'on n'en laisserait pas dehors ? Il y a quelqu'un qui monte avec toi en voiture quand même ? Alors, on peut tous monter dedans. Ou alors on en met une à l'extérieur au niveau de la pompe. Il y en a un ou deux qui peut rester dehors. Tu sais, comme ça on va voir le moment où on disparaît et on réapparaît dans le van, tu vois. Et moi, je peux faire de la prise de son, comme ça, on l'entend d'un côté, et à quel moment on entend de l'autre côté, on s'en fout. À mon avis, nous devrions tous monter dans le van. Avant d'installer du matériel dans la station service ou faire des choses, j'ai peur aussi que tout le matériel qu'on laisse dans la station service n'accompagne peut-être pas ou reste pas. Si tu veux, on peut s'équiper. Déjà savoir où. À ce moment-là, on reste tous dedans, au cas où. Être sur des règles qui conditionnent cette espèce de boucle. Alors allons-y, ne serait-ce que pour faire un enregistrement. Alors quel appareil vous équipez le van ? Dites-moi tout. Franchement, le van, un peu tout. Hein. Bah déjà, on a deux caméras de base juste pour filmer le tableau de bord et ce qui se passe un peu dans la cabine, tu vois. Genre, vu du siège arrière, on voit un peu Archie. Une à l'avant, une à l'arrière, quoi. Une qui est au-dessus du véhicule. À l'extérieur. Qui voit devant, mais qui voit aussi le bas du capot et un peu l'horizon. Ok. Et une à l'arrière. Oui, okay. De toute façon, tout ce qu'on a dans l'équipement du van, hein, caméra de toute taille, caméra numérique, appareil photo, téléphone portable, lunettes caméra, on met tout, les lunettes infrarouges, les thermomètres pour choper les différences de température, on enregistre tout. Magnétophone électronique, ça, tu t'en occupes. On va mettre un paquet de temps à déranger. Ultrason, infrason. Très bonne idée. Le magnétomètre. Bon, okay, le magnétomètre, bien sûr le magnétomètre, j'ai déjà fait un essai avec la boussole. Le magnétomètre, on va choper des données plus précises avec le magnétomètre. Un détecteur de mouvement, pourquoi pas. Ouais. Est-ce qu'on a des genres de thermomètres pour voir nous nos variations de température ? Oui, ouais, carrément. Tu vois ? Pas forcément dans l'habitacle, mais nous. On démarre ? Allez. Alors vous démarrez. Ouais. On y va tranquille. Hein. Oui, on y va tranquille. Le coup d'avant, j'ai tenté un truc, je suis allé à fond, mais là on roule tranquillement, le temps qu'on fasse les images et qu'on. Vous reprenez petite route au milieu de la forêt. Est-ce qu'il y en a un de nous qui reste quand même ? Non. Qui reste tout quand même sur la station avec une caméra. Si une caméra posée. Bah non, on va pas refaire 15 fois le tour en bagnole. On va pas rester un tout seul, soit on fait 2-2, soit... Et bah un 2-2 sinon... Moi je pense que 2-2 ça peut être cool d'avoir une caméra et de voir disparaître et réapparaître. Bon bah moi je veux bien mettre sur la station, comme ça je peux faire de la prise de son. Tout à l'heure j'ai eu Avec une caméra où on voit la bagnole partir, vous panotez du côté où la bagnole semble arriver. Et on voit ce qui se passe, on enregistre et on vérifiera les images. Donc Sonia reste toute seule chez... Non, je reste avec quelqu'un. Qu'est-ce qui reste avec moi ? Je reste dans la van. Et moi je vais utiliser un point de ressource pour sur cette action là percevoir les sons inaudibles, etc. Essaye de peut-être repérer les lampadaires. Je pense qu'on a pu se prendre un lampadaire. Et s'il y a peut-être un son d'impact qu'on n'entend pas nous. On démarre, je suis avec Elsa à côté de moi. Je lui demande si elle a déjà entendu parler de ce genre de choses. Si ça lui évoque quelque chose. Si ça lui évoque des choses similaires pendant qu'on roule tranquillement. Rien de plus précis ? Quant à la question à Elsa, bah, si avec ses connaissances en histoire et tout ça, s'il y a... Ce que je peux simplement te dire, Elsa, c'est que quand Archie te pose la question, la seule réponse que tu as à l'apporter, c'est que ce que tu sais, c'est que les... T'as envie de répondre que les légendes folkloriques ont toujours un temps soit peu de... Une base de vérité, quoi. Quelle qu'elle soit, aussi normale soit-elle, mais en tout cas, il n'y a pas de fumée sans feu, et certainement que... Toutes les bonnes vieilles légendes ont pour dans l'absolu pour origine quelque chose en tout cas qui s'est passé et ont inspiré peut-être cette légende rurale pour le coup. Mais enfin voilà, pour répondre à est-ce que t'as déjà vu un truc pareil là, Moonface, non, tu ne connais pas du coup. Okay. Simplement, tu sais que le folklore a toujours pour origine. On la voit la lune. Pas de lune. Il n'y a pas de lune du tout quand on est sur la station service. Le mec, ça l'intrigue pas, on fait nos installs, tout ça, nous on reste alors, dehors, devant, il vient pas voir, il nous a pas vu. Il nous a même pas vu en fait, il est dedans en train de jouer à son jeu. Le vendeur, il nous a pas vu, il s'en fout. Ouais, il s'en fout complètement. Et le gars, il est toujours devant ses trucs d'alcool et... Tu as... Je sais pas. Peut-être... Tu te trouves à l'intérieur, toi? Non, on est dehors, mais on guette quand même, parce que moi je sais qu'elle lui a parlé. Juste, on veut voir s'il bouge et s'il s'intéresse à nous ou pas, quoi. Installe du matos. Moi je voudrais faire un petit tas de cailloux ou un petit truc qu'on ferait juste là pour voir si ça reste. Petit terme. Tu vois, tu vois, quand ils reviennent quoi. Okay. Je trouve quelques gravats effectivement pour faire un petit tas de cailloux. Mm-hmm. Le van démarre, vous vous éloignez, à quelle allure du coup? Tranquille, là on y va à 50 km/h genre. Ok. Puisque le but c'est de laisser tourner, de que les instruments enregistrent des données qu'on pourra éventuellement consulter après. Ok, ok. Ça marche. Toi, tu as les oreilles pourvues du casque Sony, alors que le van est en train de s'éloigner. Est-ce que je dépense un point de ressources hein? Tu entends un très léger tic-tac. Qui semble bouger un petit peu autour de toi. Tu te retournes. Regarde l'heure. Il n'y a rien. Regarde. Un petit frisson. Le tic-tac semble s'estomper, s'éloigner de la station comme pour rentrer dans la forêt. Dans la direction où ils sont partis? Non, plutôt de manière perpendiculaire. Okay. Donc face à côté station ou côté en face? Elle traverse la route en fait. C'est le bruit semble traverser la route. Elle est en face de là où on est, c'est ça? En face de la station essence? C'est ça. Okay. Ok. C'est à peu près tout et tu entends le moteur du van qui semble s'éloigner. Elsa et Achille, vous parcourez cette route donc à une faible allure de ce que vous m'avez dit. Oui. Jusqu'à ce que, ça vous semble évident, mais il y a devant vous, en vérité, vous ne l'avez pas vu sur vos précédents passages, mais ce qui semble être une flaque au sol. Sur la route? Sur la route. C'est la flaque d'essence. Sur le bord de la route. Enfin, sur la route, mais sur un sol... Après, sur la route. Après qu'on ait quitté la station-service. C'est ça. On s'arrête. Tu t'arrêtes. Ah. Pour examiner cette flaque. Je sors avec lui. Toi, t'entends rien de spécial? Oui. J'entends plus le tic-tac. Ou c'est pendant ce temps? C'est après. Le van a eu le temps de s'éloigner. C'est une gigantesque flaque de sang. Ah, de sang? Vous arrêtez. Le moteur en pleine nuit. Elsa. Vous l'avez devant vous maintenant, vous avez les phares du véhicule qui éclairent cette énorme tache de sang, cette flaque de sang. On filme la tache de sang avec Elsa. Je regarde tout autour de la tache s'il y a eu des passages d'animaux ou des pattes, des traces de pattes ou s'il y a quelque chose qui a été traîné ou je sais pas. Je regarde autour et finalement. Vous êtes dans le noir, hein, du coup, le dernier réverbère qui tentait sur le piston d'éclairer la route. Mm-hmm. On a la lampe torche. Ne vous permettent plus de voir. On a le phare des... On a le maglight. On a les phares du... Vous êtes dans le noir total, mis à part ça. On peut utiliser les phares du... Oui, tu t'approches de cette énorme flaque de sang. Tu trouves à l'intérieur, mêlé au sang de la fourrure. D'accord. Qui semble être celle d'un animal. Filme-moi, on va faire une image pour l'émission où je m'approche et je trempe le petit doigt dans la flaque. Tu la goûtes. Perception. Ça sera 3 succès. J'ai observation, j'ai 2 relances. C'est pas observation, on est sur. C'est pas observation. On est pas sur l'œil, on est sur le goût. Ok. Ah, j'ai pas goûté là, mais si tu veux. On est sur le odorat. De toute façon, ça change rien, j'ai pas réussi. J'ai qu'une réussite. Et d'un fourrure te semble être un animal, du coup. Je l'ai peut-être déjà dit, mais. Et pas je fais ça à la caméra, je fais. Alors, du coup, bah, je vais. Ça semble être un animal. Je vais lancer punchline. Le. pour l'émission. Des trucs de connaissance, là, un peu, pour voir. Je vais lancer mes dés de connaissance pour voir qu'est-ce que c'est comme animal. Nous, on les voit toujours pas de l'autre côté. Pardon, vas-y. J'observe les poils. Voilà. Ok. Je trouve les poils et je vais essayer de découvrir ce que c'est. De succès, j'ai envie de te dire cervidé. Cervidé. C'est un cerf. Ou une biche. C'est un peu technique, Elsa, quoi. Oui, non, mais je sais bien, mais... Ah, c'est poisseux, c'est dans le sang, c'est assez compliqué, mais... Au vu de au vu de l'épaisseur, de la nature du poil, de la couleur, de sa densité, tu penses cervidé. Il n'y a pas de peau, il n'y a que des poils. Ouais, ouais. Ça gratte. La réverbère derrière vous semble légèrement clignoter. Et je regarde l'heure. Pour être minuit 20. Ok. Bon, voilà, on a fait des images, on a pris une ou deux photos, et puis on va... Et nous, il est quelle heure, là, où on est ? Attends. Quelle heure il est ? On peut regarder. Ah, c'est vrai qu'on a dépassé les minuit, là. Oui, oui. À ce moment-là, Elsa, que tu entends comme venir... Quand on quitte la zone. C'est pas la journée sans faute. Que t'es un tic-tac. Il est fort, il est fort, il est juste à côté de toi, et c'est... Quand tu te retournes, que tu as tout juste le temps de voir une forme... Obscur, masqué, drapé de noir, pourvu d'une espèce de masque. Tu n'as pas le temps de le voir, tu vas devoir jeter agir. Il faut faire 4 succès. Utilise des points de ressources. Attends. Si tu fais des 6. Des points de ressources, tu dis ? Il faut que tu les dépenses avant si tu veux en utiliser. T'as une réussite plus une réussite automatique. Ça donne des réussites automatiques. Attends, mais non, là, je n'autorise pas de points de ressources. Ah, ok. C'est trop immédiat. Je vais ouvrir, alors. Allez, j'agis alors. Oh, merde. 1. Bah, Elsa, t'as dit que t'agissais. 0, ouais. Ah, 0, ouais. La créature te pénètre de son regard et elle semble te traverser. Archie, tu as quelques mètres, tu as à peine le temps de voir ça. Et c'est sous tes yeux. Terrifié que tu vois le corps d'Elsa qui commence littéralement à vieillir seconde après seconde. Elle se dessèche. Des rides parcourent son visage. Elle semble prendre 40 ans en quelques secondes. Une odeur de brûlé t'atteint les naseaux. Ses cheveux deviennent blancs. Elle devient un cadavre totalement flétri. Elsa s'écroule au sol. La vie l'a quitté. Quoi ? Tu te retrouves seul. Mais attends. Je te retrouves seul au milieu des bois avec pour seul éclairage les phares du van qui éclairent cette scène macabre puisque Elsa est tombée dans la flaque de sang du cerveau. Je l'attrape et je la mets sur le toit du van. Ok. C'est plus facile que dans le van, le chasseur. Force. J'ai de force. Sur le toit du van plutôt que de le rentrer dedans. Ah bah c'est dégueulasse. Hein. Il peut pas voyager à côté. Une réussite. Ça ne suffit pas. C'est haut quand même hein, le van, je veux dire. Il est peut-être quand même à 1m80, 90. Voire 2 mètres. Putain. Tu entends derrière toi. Je monte dans le van. Tu montes dans le van. Je monte dans le van, je laisse le cadavre d'Elsa. Je laisse le cadavre d'Elsa, je monte dans le van. Et je démarre et je repars. Alors tu t'enfonces dans la nuit. Toujours à 40 km/h, 50 km/h pour les données. Je regarde pas dans les rétros. Je regarde devant moi. Tout ce que je veux, c'est relancer une nouvelle boucle. Tu parcours quelques mètres. Cette route de forêt, au loin une lumière qui semble témoigner d'un bâtiment. À ta droite, il y a Elsa. À l'arrière, tes deux comparses qui semblent échanger sur un sujet de nature autant intéressante. Ça va, Elsa ? Tu la regardes quand même. Ça va, Elsa ? Et là, Sunny, tu n'as plus ton matériel sur les oreilles. Tu n'as matériel, ton matériel est rangé dans le van. Alors attends, on commence à rentrer dans un truc un peu technique, mais normalement le matériel est dans le van, effectivement. Archie, tu vas me faire un jet de se contrôler. On a des souvenirs quand même, on sait qu'on était resté dehors. Ça vous demande un effort. Mais potentiellement, c'est pas évident, c'est pas immédiat. On est dans le van ou on est dans à la station? Vous êtes dans le van. On peut potentiellement... Il est 23h55. Potentiellement, regardez quand même s'il y a des images sur ce qu'on a filmé. Normalement, ce qu'on emmène dans le van, on le ramène jusqu'à maintenant. Hein, donc, j'ai envie de dire que bah, vous allez vérifier sur les appareils. Après tout, combien? Une réussite. Une réussite. Tu lances quoi, donc, toi? Donc, je me contrôle la main. Écoute, c'est le premier, je te le laisse, celui-là. Hein, c'est pas beaucoup, beaucoup, mais je te le laisse, on passera à deux juste après. Ah, tout va bien, Elsa? Vous êtes au ralenti, du coup, il y a Archie qui roule en première sur la route. Et au loin, ce bâtiment sur la droite. Alors, est-ce qu'on s'en rappelle? Est-ce que je me rappelle, moi, de ce qui vient de... Ça te demande un vrai effort. Donc, tu as une impression. Simplement une impression. Bon, moi, je me souviens d'un tic-tac. Du coup, je me réveille pas tout de suite, juste après. C'est comme un rêve, en fait. D'accord. C'est comme un lointain souvenir. Je sursaute pas, quoi. Tu forces un... Tu as une odeur de brûlé, peut-être, qui te revient. De brûlé. Ensuite, tu perds connaissance. Et tu te réveilles dans le van à côté d'Archie, quoi. Genre, tu sais, t'es fatigué, t'as les jambes lourdes, vous avez besoin de faire une pause. Et c'est tout, quoi. Cette impression, ouais, de ce qui vient de se passer avant. Et maintenant, tu t'en souviens, tu te souviens que t'étais dehors. T'étais devant les feux. La flaque de sang. Tu fais un effort, tu te souviens de cette flaque de sang. Ouais. Moi, je sors et je fume une clope. On se gare, de toute façon. Et premier truc que je fais avec les légères tremblotes, je me sors une clope que je me grille au milieu de la station service, le truc interdit normalement. Et là je me rapproche d'Archie et je le regarde dans les yeux et je lui dis, est-ce que nous avons vraiment vécu ça? Moi oui en tout cas. Ce n'était pas un rêve donc. Cette station essence est commune à toutes les autres stations essence, elle est pourvue de deux rangées de pompes, du coup. Je t'ai vu mourir devant une Harley Davidson est garée devant la station et en lettres blanches. Mon Dieu. 24-24 sur la porte vitrée. Bah nous on va voir Elsa, on lui demande ce qui s'est passé, on n'y était pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Archie roulait très lentement et à un moment donné nous avons aperçu une flaque de sang. Et nous sommes sortis du van, tous les deux, il a arrêté, nous nous sommes rapprochés de la flaque de sang, il y avait des poils qui me faisaient penser peut-être à un cerf. Et après j'ai entendu un tic-tac. Moi aussi j'ai entendu le tic-tac, derrière juste moi. Quand vous êtes parti, en direction de la forêt. Il est 23h57. Et là je me suis retourné, et j'ai vu cette chose avec un visage rond, un sourire très pointu qui remonte. Là, je mets mon masque et j'ai fait Jette-nous se contrôler, du coup, Elsa, s'il te plaît. Exactement. Hein? Jette-nous se contrôler. Se contrôler. Merci, combien? 4. Ah, je pensais qu'elle se contrôlait à 5, Elsa. Mais... Ah, c'est bon. La mauvaise blague de Magda, au-delà de t'avoir surpris et un petit peu fait froid dans le dos, ne t'a pas atteint plus que ça. Ah donc je ne hurle pas, d'accord. Tu peux éventuellement la réprimander, mais... Ce n'est pas drôle. Mais moi j'ai pas vu ce que t'as vu, donc du coup je voulais être sûr. Tu n'as pas vécu, oui, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu, oui. Bon, il faut y retourner. Parce que moi je l'ai vu mourir devant mes yeux, Elsa. Mais on va regarder les images, on avait fait des images, c'est non? C'est ça, là c'est le moment où on va vérifier tous les enregistrements. Et la température corporelle de Elsa? Si on a une espèce de courbe... Ouais. Sans le thermomètre qu'on t'a mis dans le cul avant de partir. Ça me semble compliqué, ça. Mais je fais quoi qu'il ait remonté? Non. Bon, qu'est-ce qu'on a sur les caméras? Est-ce qu'on a trace de ça? Parce qu'on avait quand même une caméra qui... Allez, Sonny, fais-nous un petit jet de savoir-faire pour expertiser toutes ces données que vous avez recueillies. On a vu la scène avec la caméra. Savoir-faire. J'en ai 3. Après, j'ai des relances technologie. Bah, ça passe. Ça passe. J'ai 4. toutes les masses. J'ai une relance de 6. 4. Tu te rends compte au niveau du timecode que quand le tic-tac que tu as entendu comme sortant de la station pour rejoindre la forêt, de manière synchrone rapport au timecode, c'est à peu près à ce moment-là que sur la caméra qui est donc vision nocturne placée à l'arrière du van, que vous voyez une forme fantomatique s'extraire de la station essence pour rejoindre la forêt. Les réverbères grésillent sur la route, le véhicule avance à vive allure, vous matez les rushs au ralenti, vous rematez certaines séquences. La caméra thermique perçoit, elle, à l'avant, la tache de sang, bien avant que vous ayez pu la voir. Toujours ces réverbères. Le véhicule s'arrête, tes deux comparses descendent, essayent de comprendre quelle est la nature de cette flaque de sang au sol. Tu entends ce tic-tac. Tu l'entends dans ton casque. Tu l'entends, comme eux l'ont entendu. Et c'est à ce moment-là que le champ magnétique semble s'emballer. Juste après, tu es terrifié par ce que tu vois, du coup. Je te demanderai pas de se contrôler, comme tu as la distance offerte par l'écran, du coup. Mais tu vois effectivement Elsa vieillir en quelques secondes, c'est horrible. Après qu'une forme que tu n'as tu n'as que peu pu distinguer de par l'angle de la caméra, et Elsa s'écroule au sol. Ce qui te semble étrange, c'est que quelques secondes après, quand le véhicule repart alors que Achille est parti en trombe, c'est au moment, c'est-à-dire qu'en fait il y a le même champ électromagnétique qui semble s'exercer au moment où l'horloge, le timecode, retourne à 23h55. Et vous vous retrouvez tous les quatre assis. Effectivement, au niveau du van, on a une espèce de brouillage, une espèce de neige qui semble apparaître, qui coupe deux, trois fois. Et vous, dans la neige, vous apparaissez un petit peu... Il n'y a pas le moment où on apparaît à l'image. Pas vraiment, c'est en fait. C'est pendant un moment où il y a de la neige, quand l'image revient, ils sont là. C'est ça, ouais. Comme semblant se dessiner à travers le grain offert par la neige, du coup, aléa vidéo ou pas, mais en tout cas, vous reprenez place dans le van, vous apparaissez à vos places respectives. Il est 23h55. Je vais faire une copie, là, de ce que je viens de visualiser. Sur Un support externe. Parce qu'on avait, on avait mis un disque numérique de sauvegarde, tu as ça dans le van, pas de problème. On avait mis une caméra sur la station, au niveau de la station service. Elle est plus là. Non, c'est... elle n'a plus rien. Il n'y a plus rien là sur le bord de la route. Et on n'a pas vu, par contre, on avait vu quelque chose dessus. On peut examiner l'enregistrement de cette caméra qui filmait la route. Là où les filles étaient restées. Oui, l'équipement n'a pas disparu, il est dans le camion. Y a rien sur les bandes, et je précise que quand tu as fait la prise son en entendant le time, en entendant le tic-tac, en fait la bande est vierge, c'est tes souvenirs qui t'ont permis de recouper ça avec le timecode. Voilà, c'est ça, mais effectivement, je considère que tout le matériel qui est resté sur place est dans le van, parce qu'il l'était au début de ce qu'on pourrait maintenant appeler une boucle, hein, vous l'avez compris. En revanche, les bandes sont vierges. Seules les données ont été recueillies par les instruments qui ont été embarqués par le véhicule qui a franchi cette séparation, cette boucle. Donc, à partir de maintenant, quand on fait des images dans la station-service, on les remet dans le van avant de relancer une boucle. Okay. Alors, nous sommes devant la station. Voilà, elle est comme toutes les stations. Au vu de deux rangées de pompes à essence avec une Harley Davidson et devant la porte vitrée, les autocollants en lettres blanches. J'ai 24 sur 24. J'ai envie d'essayer un truc, un autre truc encore. Rester dans le van peut-être. Et dans la station. Et attends, rester dans le van, attendez-moi, quelqu'un prend le volant. Qui prend le volant? Bah genre exagère, mais dis-nous d'abord ce que tu veux faire. Non, je vais vous faire la surprise, ce sera plus drôle. Non mais tu vas arrêter de faire des trucs dans ton coin, Archie, là, déjà tu démarres, tu nous laisses... Je tente des expériences pour comprendre ce qui est le volant. Je vais prendre le volant. Allez. Je pense qu'il faut que si on redémarre, on est tous ensemble, juste que vous voulez vivre. Et je vous dis juste, je vais tester un truc. Et là, vous me voyez partir. Dans l'autre sens? Non, j'entre dans la station service. Et j'arrive, volant. Je dis bonjour au mec. Je rentre pas dans le van, hein. Mais on veut pas s'en... Bonjour. Archie, je te reconnais. Oh, Le gars, je lui explose la tronche. Ouais. Là, je me retourne, il y a le mec qui est près des bouteilles. Il a les deux bouteilles. Ouais, il t'en jette une dessus. C'est donc pour ça que t'es... Je remets mon flingue. À la télé, Golden Years te montre la scène d'un hôpital. J'éclate la télé. Et là, vous me revoyez ressortir en courant et je fais... Trace, Elsa. Moi, je suis complètement tétanisé, bien sûr, forcément. Et finalement, roule. Au bout de 30 secondes, je commence à démarrer la voiture, toujours en panique. Braque sur la route. J'appuie sur le champignon. Je braque sur dans le van. C'est pour toi, Sony. Tu vas nous faire un agir. Il faut que tu fasses 4 succès. On pourrait pas essayer de partir dans l'autre sens pour une fois aussi, voir si ça marche dans les deux sens de la route là. Faut que je fasse. Bah attends, là on va déjà essayer de faire revenir le truc à la normale pour être sûr que. Ouais, j'utilise une ressource. Allez. Oh. J'ai 4 succès, 2 relances. Oh. Oui. Attention, on relance les dés qui ont raté, hein, je rappelle. Hein. Non, même sur les 6. Bon, pardon, oui, ça on a le droit, oui. Mais alors là j'ai un autre 6. Pas possible. Alors j'ai 1, 2, 3, 5 plus mon. Ça a touché mon doigt. 5 réussites plus mon point de ressource. Je vais relancer. Ça fait 6 réussites. Tu es la dernière, tu réussis à monter dans le van et tu as tout juste le temps de voir des espèces de griffes en forme d'aiguilles, comme de gigantesques trotteuses qui semblent vouloir t'enlacer le visage. Mm-hmm. C'est là que tu as un réflexe de te baisser, de passer juste en dessous. Je te jette dans la porte latérale alors qu'Archie démarre en trombe et le van part dans la nuit. Mm-hmm. C'est moi qui conduis. Ouais, c'est Elsa qui conduit. Tu conduis, quelle allure, qu'est-ce que vous faites? Bah là, on est à fond. Roule. Bah, j'ai pas levé mon pied du la pédale de gaz là. Non, on est à fond sur la route pas. Comme ça. Vous roulez. Quelques réverbères qui semblent subrepticement d'éclairer une route déserte de forêt. Jusqu'à ce que vous rejoigniez ce qui semble être à 30-40 mètres une lueur d'un bâtiment qui témoigne la présence d'une station tôt, essence. Ah ouais, venez pas nous chercher à la station là. Bon là, il y a peut-être une provocation un peu. Ok, bah on... Attends, mais qu'est-ce qui se passe à la station? L'arrivée? Garde-toi. La station essence commune à toutes les stations essence avec deux rangées de pompes à essence devant une Harley Davidson qui est garée. Ouais. Les lettres en autocollant blanc 24-24 sur la porte vitrée et derrière le comptoir, un homme pourvu d'un masque en caoutchouc. Il n'a pas une petite cicatrice. Rond, avec une large bouche édentée, avec un rictus affreux qui semble s'effréner sur un jeu vidéo. Bon, moi j'aimerais bien qu'on passe à l'envers, parce que s'il y a une histoire de temporalité, peut-être qu'on pourrait remonter. Moi je vais le saluer quand même. Je crois qu'on va tous quand même à l'intérieur. Je sors, j'entre et je vais saluer le. Bonjour. Je crois qu'on va tous aller le voir, hein, le mec. Salut Archie! Ouais! Channel Fear! Bah ouais! Wow, j'aime vachement votre émission! Ah oh, merci! Bah, elle est super cool, elle me fait bien marrer! C'est sympa! C'est cool! Tu regarderas la prochaine! Tu regarderas la prochaine! Ah ouais, sans deck! Ouais, ouais, c'est. Franchement, moi j'y elle crois... va être très très j'y cool! Je crois pas trop, mais ça me fait vraiment marrer, je trouve ça super frais! Tu veux être dans la prochaine émission? Putain, ça me ferait vachement plaisir! Bah putain! Ça va être. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah rien, c'est toi-même! Peut-être on peut laisser. Attends, attends, je tente un truc, dis ce que t'en penses! Ça sert à rien, faut qu'on l'emmène avec nous. Ouais. On peut le filmer là, mais. Ouais. Donne-moi ton âme, donne-moi ton âme. Pourquoi ouais, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, vas-y. C'est quoi, donne-moi ton âme? C'est un truc que je viens d'inventer. Mais, ouais, mais tu l'as super bien fait, hein. Mais Magda! Tu penses que j'ai un talent d'acteur ou. Ah, mais moi je pense que t'as un truc. Putain, je tiens ça avec mon oncle, là, je le remplace. Là, il y a un employé qui est pas venu, je suis là depuis. Putain, je viens d'arriver, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis là, mais... Ouais, comme nous, ouais. Ouais. Toujours ces néons pourris, c'est quel endroit pourri, franchement. Et là, je me rapproche de toi. J'aurais dû travailler à la fac, bordel de merde. Je me rapproche de toi, là, et je te regarde dans les yeux, et je te dis... Wow, wow, messieurs, je connais pas vous. Est-ce que depuis 5 minutes, avez-vous senti ou ressenti quelque chose de bizarre? On sent là, il y a une bouteille qui a pété dans le frigo là, tu sens, ça sent un peu l'alcool là, un peu. Je l'ai pas senti, non, madame. Étrange. Et je ouais, me le tiens. La bouteille déjà ouais, cassée. Je entre les... Mais par contre, vous sentez des trucs là, pourquoi vous êtes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on est en plein tournage là. Oh putain, pourquoi ouais. Ça veut dire pas pourquoi vous tournez là? Ça veut dire que comment? Tu pourrais nous expliquer qui c'est ton oncle? Mon oncle? C'est qui est qui mon oncle? C'est mon vieil oncle Patrick Maurice, qui tient la station. Ah, le frère de Philippe. Que tu le connais? Ouais. Et en fait, bah en fait, il y a un de ses employés, il est pas venu bosser, du coup il m'a appelé en fin d'après-midi. Et en fait, j'ai dû remplacer, du coup, je suis arrivé un peu à la bourre, du coup, donc j'ai pris le service, là, il y a, je sais pas, ça fait quelques minutes, là, je sais pas qu'il est arrivé, mais putain, ouais, j'ai l'impression d'être là depuis 5 heures. Ça te fait un peu de blé pour te payer ta drogue? Oui, carrément. Bah, bloche. Donc, attends, c'est moi... Non, mais je suis plus flic, t'inquiète. Et là, il ferme un tiroir. Non, mais moi, moi, je veux pas d'histoire, il ressemble sur son jeu vidéo. Moi, je lui dis, du coup, t'aimerais pas que Magda, elle te tire les cartes? Comme dans les vrais épisodes de Channel Fear, voir un peu ton avenir, qu'est-ce que tu vas faire après avoir tenu cette station-service, tout ça. C'est l'occasion, hein. Ce qui m'embête, c'est que moi, j'y crois pas à vos histoires, mais des fois, c'est bizarre ce que tu dis. Bah, obligé d'y croire, c'est juste pour le fun, regarde. C'est drôle, t'es avec Magda. Fais-nous un petit symposé. Mais j'ai pas raté, que je pouvais refaire sur s'imposer pour une relance. 3, ça marche. Je veux bien. Ok, moi je les file. Tu filmes? Ok, mais vous dites pas mon oncle, hein. Vous foutez mon visage et vous changez mon nom, vous dites pas je m'appelle Laszlo. Bah mais ton masque, oui. Il aurait été appelé comment? Je voudrais m'appeler Georges. Ok, ouais. Ok. Georges de son vrai nom. Nous sommes en direct avec Georges et je m'apprête à lui tirer les cartes. Attention, Georges. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu fermes les yeux et que tu passes ta main sur les cartes. Et quand tu ressens quelque chose de fort, tu me montres la carte en question. Tu vas voir, ça va te paraître limpide. Celle-là? C'est toi qui sais. Oh putain, c'est quoi cette meuf à poil? Je ressens une certaine frustration sexuelle. J'ai touché une copine. Bah, j'ai plus de copine depuis longtemps. Les arrêts, je fais. Facile. C'est tout? Bah, du coup, là, j'essaie de me concentrer pour voir ce que je pourrais voir dans le... C'est une déformation professionnelle, ça, ou pas? Oui, c'est ma déformation. Dépense un point de ressources. Ouais, j'avoue, j'ai jamais trop compris. Mais... Bon, aussi, si. Ouais. Mmh. Abuser de ses pouvoirs. Qu'est-ce que tu veux savoir? Passé, présent, futur. Non, c'est un truc qu'on fait instinctivement en fait. Je voudrais voir peut-être le passé, parce qu'on vient quand même de le buter. Je voudrais voir si. S'il y a quelque chose par rapport à ça. Tu sens qu'il a, il était bien pressé de prendre son boulot. Il était en retard, le petit Laszlo. Il a roulé vite, trop vite. Mm-hmm. Tu vois qu'il s'est passé quelque chose sur la route, mais c'est brouillé, tu n'arrives pas à voir. Ok. Mm-hmm. Tu sais qu'il est arrivé un petit peu penaud à la station essence. En retard, il s'est fait engueuler par son oncle. Mm-hmm. Son oncle est parti en 4x4. Enfin, non, ça, les cartes ne te le disent pas. Enfin, voilà, tu sais qu'il a relevé son oncle. Du coup, je lui dis, mais... du coup, Georges, il me semble que vous étiez un petit peu en retard pour reprendre le travail tout à l'heure. Vous étiez un peu pressé sur la route, non? Ouais, je suis toujours en retard, c'est une maladie. Et vous avez pas... Il s'est pas passé quelque chose d'étrange sur la route? Vous rouliez très vite, ça arrive, un accident. Moi, je me rappelle pas bien, mais j'ai l'impression d'avoir percuté quelque chose. Mm-hmm. Ça ressemblait à quoi? Vous me regardez tous bizarre. C'est parce que les prises sont, ça vous inquiétez pas. Je sais pas, ils réverbèrent, ils clignotaient un peu, puis ils se sont un peu éteints, et en fait, je crois que j'ai manqué un peu de lumière, et franchement, j'aurais dû mettre un coup de volant et tout ça, j'ai juste pas eu le temps en fait. J'ai percuté quelque chose. Vous êtes sorti de la voiture? C'est bizarre, je me souviens pas quoi. Vous êtes sorti de la voiture pour voir ce que c'était? Ouais, mais je me souviens pas ce que c'est. Je me revois que ici à la station essence et. Je ne peux plus, j'ai l'impression depuis des heures, j'ai l'impression d'être bloqué dans ma vie, d'être bloqué dans cette station. Et. Vous Mais j'espère que ma voiture est encore là d'ailleurs, j'y pense. C'est quoi comme voiture? C'est une Ford. Elle est dehors, vous l'avez pas vue? Je vais aller l'examiner. Ouais, on va aller voir, ouais, on va aller voir. Vous avez le numéro de votre oncle, si vous voulez le joindre pour l'émission? Ouais. Je le note sur un papier, Claude. Ok. Non. Mais vous l'appelez pas pour dire ce que ah, quoi? Non, mais ça, vous inquiétez pas. Non, c'est plus pour l'émission, vous savez, pour savoir si on peut tourner tout ça. Non, mais ça restera entre nous. Ah, mais moi, de toute façon, je bouge, j'en ai rien à foutre, c'est pour remplacer une nuit, hein. Ouais. D'ailleurs, je vais me barrer, putain, il va jamais arriver ce jour. La Ford, je vais aller l'examiner, moi. Je vais faire. On n'a pas une Ford de... Bah oui, il n'y a pas de Ford, mais vas-y, fais le tour. La question, c'est est-ce qu'on lui dit qu'il n'y a pas de Ford pour voir comment il réagit? Il n'y a pas. Je fais le tour, il n'y a pas la bagnole du mec? Il y a la bagnole du mec. Ah. Ah. Du côté des chiottes, un petit peu à l'écart, garé sur ce qui semblait être finalement la seule place privative. Une vieille Ford. Il y a des traces de mains ensanglantées au niveau du coffre. Au niveau du coffre? Tout à fait. Le phare et la carrosserie sont endommagés. À l'avant. Est-ce qu'il y a une fuite sous le capot? Je regarde à travers la vitre pour voir l'intérieur. C'est un ensemble de sièges belges, ma foi de très mauvais goût, certainement usés par les années et des corps un petit peu trop bien portants avant que Laszlo n'accède à la propriété de ce véhicule, mais ma foi, rien de plus intéressant. Hop, et les mains ensanglantées? À l'arrière du capot, comme l'ayant fermé du coffre. Je fais une ou deux photos. Tu l'ouvres? Hein? Tu l'ouvres? Allez. Ou tu vas le chercher pour qu'il l'ouvre? Non, on va ouvrir nous. Allez, j'ouvre le coffre. Dans le coffre, un cerf, J mort. En sang. Je l'examine, vite fait. Genre, est-ce qu'il est mort, percuté, genre? Je peux pas faire la différence entre un cerf qui a été percuté et un cerf qui a été tué au fusil ou ce genre de choses, j'ai dit. Il se pourrait que tu puisses noter un train arrière qui aurait pu être dévasté par un choc, effectivement. Ouais, avec, ça semble cohérent avec... Moi, je demande à Elsa... Mais c'est à ce moment-là que tu entends derrière toi, Achille. Putain de merde. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux. Ça se rapproche. Nous, on est où, là? On est dans la station. Ok. Tu sors ton plan. Que je fais? Tu ne fais rien puisque tu sens ton corps se réchauffer, se consumer de l'intérieur. Tu es parcouru de quelques soubresauts. Tu te sens vieillir. Tu vois tes mains crépir. Boum, vous entendez une détonation à l'extérieur de la station service. Je sors en courant et je vois Achille qui gît par terre. Je vous demande, tout le monde sort? Ouais. Ça paraît logique. Vous trouvez le corps d'Achille par terre. Je vous demande tous un jet de se contrôler. Faudra faire 3 succès là par contre, s'il vous plaît. Moi j'ai self-control en relance. Pas mal, ça marche. Moi j'ai volonté. Tu peux faire 3 relances là, Caro. Contrôle, j'en ai une. Qu'une. Ouais. Je peux relancer avec plus le 6. Volonté. Donc je relance le 6. Oh, je relance le 6. J'ai qu'une seule... J'ai 5. Allez, Sunny, elle se contrôle à donf. Et je filme le corps d'Archie. J'ai qu'une seule... Perds un point de ressources. De ressources. De ressources, ok. Attends, moi, il faut que... Bah, j'en ai 2 déjà. 2. On aura plus. Tu as pas de relance, pas de 6. Si, j'ai un 6. Oh. Donc, tu relances le 6. Ça ne marche pas. Ouais. Ça commence à être beaucoup trop... étrange pour vous, même pour toi. Tu vois ton, votre camarade en fait qui gît, s'est mis une balle dans la tête. Vous savez pas exactement qu'est-ce qui a pu le pousser à ça. On a peut-être une petite idée, ouais. C'est effrayant pour vous, vous imaginez dans la même situation, vous perdez tous les deux un point de ressources du coup. Ouais. Vous guettez ce tic-tac qui ne semble pas se reproduire cette nuit sans lune. Bah, et fraîche. Coup, moi je filme et je dis, on monte dans le van, on redémarre, on refait la boucle. On veut récupérer Archie. Ouais. Elles obéissent. Ça se produit sans encombre. Vous laissez le coffre de la Ford ouvert, vous reprenez votre route laissant Achille dans son propre sang. On s'arrête pas. Vous parcourez quelques minutes. Mm-hmm. 23h55, Achille. Archie est en train de conduire. Le allez, van. Je me. D'accord. Une fois qu'on a passé le truc, je me retrouve au volant. Ouais. Bon, moi je demande à Elsa si ça lui parle Laszlo. Et je fais waouh. Du coup, j'avais filmé les trucs avec nous dans le van. Est-ce que je peux les visionner là pendant qu'on finit de rouler? Je voudrais visionner pour voir si j'ai pu garder le corps d'Archie mort à l'écran. C'est pas resté à la station. Ouais, et ben en fait t'as pu filmer jusqu'à ce que t'es parti. Ouais. Oui. Tu vois que c'est une forme qui semble surgir du toit, simplement. Qui semble couler. Nous, on l'a pas vu se faire attaquer, hein. Juste je l'ai vu après quoi. Ouais. Juste on a pris la vidéo. Bon, ça peut être une vidéo mort, qu'Archie il avait peut-être. Bon, maintenant okay. Que je l'ai dit, une caméra sur lui, tu vois une ombre qui semble glisser tout doucement du toit jusqu'à le rejoindre. Tu vois Archie fermer les yeux. Tu vois cette ombre se mouvoir à l'intérieur de son corps, le faire vieillir, flétrir. Espèce de combustion, un petit peu de fumée, décrépit. Donc Achille, autant vous dire que ça va super vite vu qu'il est vachement vieux. Et tu le vois s'effondrer. Tu le vois dans un lent mouvement sortir son arme à feu et tu le vois se mettre une balle dans la tête en fait. Ouais. Et puis c'est tout quoi. Effectivement, au moment où il se met une balle dans la tête, le corps d'Archie tombe et à la place se tient une forme fantomatique. Avec pour seul élément qui n'est pas noir, un masque avec une espèce de sourire carnassier, édenté. Une forme humanoïde ou une forme animale? C'est une forme tu ne sais pas, une forme fantomatique, un volume. Il n'y a pas de membre. Il n'y a pas de membre, il n'y a rien quoi. Qui flotte. Mais du en coup... fait, le corps d'Achille tombe et à la place, il y a encore cette forme qui seconde après s'évanouit également. Qui a un visage du coup. T'as parlé d'un sourire. Qui porte le masque. C'est le lune. Ouais. Lune face. Comme la face d'avant. Face de lune, ouais. Ouais. Bon, moi je voudrais. Est-ce que Elsa, ça lui parle Laszlo, c'est Space comme prénom, non? C'est pas trop un prénom typique des États-Unis, ça fait un peu légende, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une légende avec autour d'un Laszlo, ou avec du feu, avec une espèce de truc un peu diabolique de. Jette-nous connaître. J'en ai un. Le 2. Mais t'avais pas fait le 6? Bah c'était le 6 que j'ai rejeté. Ouais mais ouais, ça se cumule du coup le 6 que 3 tu relances. Attends, j'ai fait quoi? J'ai fait 4 et 6. T'as fait 5 et 6, et du coup le 6 te donne le droit de lancer un dé en plus. Ah bah j'en ai 3. Lequel tu fais 4? 3. Tout à ta connaissance, il n'y a aucune légende qui met en scène, en récit, un Laszlo et du feu, tout ça. Ça ne t'évoque rien. Moi je propose qu'on essaye de faire le van dans l'autre sens, juste pour avoir... Bah oui, en plus là on n'est pas encore descendu. Voir si en termes d'horaire, si on revient au même endroit, est-ce qu'on revient à la même heure, tu vois, ou est-ce qu'on revient plus tôt. Vu que lui il est censé avoir pris il y a 5 minutes son truc. Et si on le fait en marche arrière? Ouais. Salut Rasco. J'ai ouais, pas d'autre idée, mais on peut tenter. Allez. En toute façon, allez. On est tous dans le... Shit. Vous remontez dans le van. Que s'est-il passé sur cette boucle en vérité? Alors, rien on en fait. On a récupéré, bah si, on a quand même vu et du coup moi vous êtes arrêté devant la station simplement pour checker la caméra d'Archie et peut-être que. Bah du coup on a déchargé le truc dans le van histoire de garder une copie de. Ouais, de tout ça. De, du corps d'Archie qui se décompose et de la silhouette quand même fantomatique. Très très bon rush ça du coup. Ouais. Vous parcourez donc le chemin dans l'autre sens. Ouais. Vous éloignez de la station service. On laisse tomber, on rentre chez nous. Quelques réverbères, tentant subrepticement d'éclairer une route de forêt. Et au bout de quelques minutes, au loin, sur votre gauche cette fois, un point lumineux semblant témoigner d'un bâtiment isolé. Donc on arrive de l'autre côté quand même. Qui semble être une station service. Bon, les bois, faut qu'on aille voir les bois. Ah ouais, je crois que... Et le toit? Le toit. Ah oui, il venait du toit. Non, mais même l'intérieur, à mon avis. Pour tout ce qui est fantôme, c'est quoi qui fonctionne? Bah, on a vu que tout ce qui donc était magnétique... Donc cette fois, vous êtes arrivé avec la station sur la gauche, hein, si on schématise un petit peu, vous avez compris. D'accord. En partant dans l'autre sens, on est aussi arrivé dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut juste guetter si à vue d'œil, il y a des chemins qui partent dans la forêt, côté gauche ou côté droit, autour de... Putain, zéro, même pas un putain de sentier forestier, mais comme c'est une nuit sans lune, effectivement, c'est assez difficile de le savoir. Et avec les maglites, vous réussissez à constater qu'en tout cas, il n'y en a pas là où vous vous trouvez. Et le bâtiment de la station-service, il est que en rez-de-chaussée ou il y a un étage? Le bâtiment de la station-service n'est que fait que d'un rez-de-chaussée, effectivement. C'est un baraquement, en fait, en tôle. Ok, avec un toit plat. Tout à fait, avec devant, comme toutes les stations-service, deux rangées, deux pompes. Pourquoi pas faire le tour et essayer une de une Harley Davidson garée devant et en lettres de plastique blanches découpées, collées sur la vitrée. 23 sur 24. 24, 24. Merde. Et on a toujours le numéro du... De l'oncle. Ouais. Parce qu'on peut pas faire de recherche même, c'est ça, on n'a pas d'internet, tout ça. Hein. Non mais on pourrait l'appeler, on pourrait lui dire qu'on est à la station, on a un problème, est-ce que vous pourriez venir maintenant? Non mais comme ça, on pourrait voir de s'il arrive ou pas. Ouais. Tu vois, ça ferait un élément nouveau quoi. Oui mais est-ce qu'on peut téléphoner? On peut essayer de téléphoner? Ça vous dit ou pas? On l'appelle ou... Parce qu'après on l'a dans les pattes s'il vient. Il y a peut-être un téléphone fixe à l'intérieur. Moi je, sors mon portable, et j'appelle ma petite amie. Mais t'as pas de réseau. Mais t'as pas de petite amie. Aussi. Ça ne marche pas en fait, après plusieurs essais d'appeler l'oncle, d'appeler ta petite amie, de vous appeler vous, vous constatez qu'en fait vos appareils de communication fonctionnent entre vous, bizarrement. Ah ouais. Vous pouvez vous appeler, mais les appels ne sortent pas de cette zone. Même les appels fixes. Tu ne sais pas, vous n'avez pas de téléphone fixe. Bah si, il y en a une forcément dans la station. Peut-être, vous ne le savez pas pour l'instant. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que même les communications qui sont internes, donc entre vous, elles sont de qualité dégueulasse. Vous n'avez jamais vu ça, quoi. Ou pas que vous pensez que c'est vos appareils qui dysfonctionnent. Ça fonctionne. Vous voulez qu'on aille voir le téléphone ou on va voir sur le toit? Bah on essaie d'appeler l'oncle d'abord. Donc on rentre tous ensemble dans la station. Apparemment, tout ce qui est fantôme, c'est sensible aux différences de température. Et puis on a déjà vu que le magnétomètre, enfin les champs magnétiques, il y avait une perturbation. On l'a déjà enregistré une fois, il y a peut-être un truc à faire avec ça quoi. Un détecteur de fantômes. Ou alors attends, ouais, mais ça c'est si on reste dehors, si on va dedans. Comment il était mort cet enfant là dont il parlait dans sa légende? De quelque chose comme ça, c'est bien contre qu'il était pas mort, qu'il était abandonné par ses parents. Vas-y, si tu me refais l'histoire. Il a été abandonné par ses parents, donc du coup il a pris la lune. Il a fini par vivre dans la nature et donc du coup prendre la lune comme parent et. Il a été enterré et il n'était pas mort en vérité. Ah, il l'a enterré? Je crois qu'il l'a enterré. Donc il est mort de quoi alors? Il est pas mort, il s'en est sorti et en s'en sortant, il a épousé il a pris la lune comme parent, il a grandi comme une bête sauvage et c'est pour ça que lors des nuits sans lune, il tue des adultes. Je crois. Pensant que ces derniers auraient kidnappé son parent. Oui, ils l'ont enterré vivant, mais il pensait. C'est l'histoire d'un enfant. Tu t'en souviens maintenant, c'est vrai que ça tu mets bien 3-4 minutes. C'est un enfant dit différent, donc un petit peu attardé, on pourrait dire, de manière un peu vulgaire. Qui semble avoir été abandonné par ses parents, ne voulant pas lui. Mm-hmm. Il aurait été tué dans la forêt, sauf que l'enfant n'est pas mort. Il a réussi à survivre dans la forêt sauvage, comme une bête sauvage, prenant la lune pour mère. Et on dit que par les nuits sans lune, il se met à tuer toutes les créatures autour de lui, comme pour récupérer une mère qui aurait été kidnappée par ces personnes-là, quoi. Ok, ok. Sinon, on rentre dans la station-service et on fait croire au gars, salut, on est Channel Fear, vu qu'il nous connaît. On fait un reportage sur Moonface. Ouais. Comment on peut faire pour le voir? On nous a dit que commencer ici le territoire de la légende de Moonface. Tu vois, on fait poser. Il faut essayer d'en savoir plus en fait sur cette légende. Ok. Et par la même occasion, on lui demande de passer le coup de fil. Ouais. Pour interroger. On a une panne. Ouais. J'ai besoin de passer un coup de fil. Pour voir déjà si on est dans le monde réel. Ouais. Si vous rentrez dans cette station essence, derrière le comptoir, il y a... Vas-y, tu t'imposes. Une jeune personne portant un masque en caoutchouc. Salut Laszlo. Avec simplement un sourire édenté en forme de demi-lune, il l'enlève immédiatement. Achille, de Channelfear. Laszlo, de la station-service. Putain, on se connaît. Bah ouais. Ouais, il y a 5 minutes, on était là. Il est un peu subjugué. Attends, ouais. Je baisse la télé. Surtout cet épisode, je le connais déjà. Oui, nous aussi. Ah oui, c'est celui où le médecin révèle un mec qui a la même tête que lui. Tu connais aussi? Bah ouais. Je suis hyper fan de Golden Years, je trouve ça génial. C'est un masque de face de lune que t'as? Ouais, Moonface, tu connais? Bah bien sûr. Il vit sur le toit. Quoi? Arrête, même moi je l'ai fait aux visiteurs. Putain, mais là il s'est passé un truc, c'est comme si j'y croyais. Ouais, ouais. C'est comme si... Il m'a tué une fois déjà. Toi aussi, t'as tué une fois quoi, sur quoi, la quoi, route. Quoi, quoi, quoi, quoi? Laszlo, bah, fais un jet de se contrôler. Oui, c'est ça. Il rate. Quoi? Elsa, ça lui est arrivé tout à l'heure quand on a fouillé ta voiture et qu'on a trouvé le cerf mort que t'as percuté sur la route. Putain, quoi? Comment... Non, ça c'est à toi que c'est arrivé. Moi c'était ouais. Avec la flaque de sang. Ah oui. Du cerf mort qui est passe, sur la route. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre voiture? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que... Bon écoute, Laszlo, tu... Mais c'était... Ça c'était quand? C'était avant ou après que je t'ai tiré une balle dans la tête? Quoi? C'est pour ça que j'ai un peu mal là? C'était... Ah oui, ça c'est... C'est... Tu sais... Wow, prends la caisse! C'est à cause de Simone. Achille, tu... Dire, c'est bon, il est rangé. J'ai vu une fois un épisode, t'as tiré sur quelqu'un qui courait de dos, j'ai pas trouvé ça très classe, mais... Ah, là de face, t'inquiète. Mais c'est toi, mais t'es recherché, c'est normal. Monsieur. Et là, dans le fond, il y a un vieux biker avec des lunettes teintées bleues qui se retourne avec ses deux bouteilles de whisky. Qu'est-ce qu'il y a, gamin? Non, rien. Bon, alors, on fait quoi? Est-ce que nous pouvons utiliser votre téléphone? Tout ça. Bien sûr, il est dans le coin là-bas, derrière les frigos. D'accord, merci. Avec son accent. Ça, vous avez vachement changé de méthode chez Channelfear. C'est devenu juste... vachement... C'est coupé au montage, t'inquiète. Mais moi j'aime vachement ce que vous faites, j'y crois pas trop, mais ça me fait marrer, je trouve ça super frais. Ouais, c'est un téléphone aussi, à monnaie ou pas, pas trop. Ouais. Téléphone à pièces. Ouais. Alors, non, mais tu veux des pièces. Quoi? Bah, je reviens voir les gens et je dis, vous n'aurez pas quelques pièces, des fois, pour le téléphone. Je pense que Laszlo va pouvoir t'en dépanner. Vous prenez la caisse. C'est un braquage. Non, c'est juste que tu nous permets de téléphoner. Ça sert à rien. Est-ce qu'on peut multiplier l'argent? Si on emmène la caisse, qu'on fait une boucle, est-ce que l'argent réapparaît? Et celle qu'on a embarquée? Sauf qu'il reste à savoir qu'on est combien dans la caisse. T'inquiète, on va te le niquer, ton scénario temporel, on va trouver tous les paradoxes. Je sais, 70$. Ça va être long. Ouais. Il y a la CB sinon, hein. Si vous voulez faire des gros achats. Il y a les costumes, il y a les... Je peux baisser les bras ou je peux... Ouais, ça prend un braquage en fait. Non. Tiens. Bon, est-ce que je peux avoir des pièces? Est-ce que vous avez des pièces? Non, laisse le temps de... Il te donne 2-3 pièces. Mais tu peux acheter un truc avec après, comme ça tu le récupères. Non mais fais comme tu veux. Je vais voir. Et donc tu nous disais cette histoire de cerf, Moonface, tout ça, pendant quel téléphone... Tu connais? Pas très bien. C'est un enfant cerf, c'est ça, qui a été abandonné par ses parents? En fait on dit c'est un enfant attardé à un débile un peu... Comme ça. Tout ça. Non. Ouais non mais c'est bon parce que là moi c'est... Alors, tu décroches ce combiné dans ce téléphone public qui est disponible dans un renfoncement de la salle principale. Et tu notes... J'appelle un numéro que je connais. Que quand tu écoutes, comme pour entendre cette tonalité commune à tous les téléphones que tu as pu rencontrer jusque-là, tu entends tout doucement, de manière presque imperceptible, la voix d'une jeune fille. Je vais te demander un jet de perception, s'il te plaît. Perception. 6. Tu relances le 6. Dis-moi combien de succès? Pour l'instant, 3. 4. Wow. 3. Tu entends la voix d'une jeune fille. C'est extrêmement faible. Tu entends de l'autre côté du combiné, tu entends. Papa, c'est moi. Je suis parti de la maison. Je suis avec une amie. On est à la station de service 160. Je voudrais te voir, papa. Est-ce que tu peux venir? Je t'attends. Putain, on est plein dans cette espèce de boucle là. Et j'entends plus rien. Non, jusqu'à ce que la voix reprenne. Papa, c'est moi. Je suis parti de la maison. Je suis avec une amie. On est à la station de service 160. Je voudrais te voir. Est-ce que tu peux venir? Je t'attends. J'attends un troisième. On voit, pas de yeux. Papa? C'est la même. Bon, c'est moi. Faut savoir s'il le fait. S'il je suis parti de la maison. Je suis avec une amie. Il y a pas de respiration en ce moment-là, je crois. On est à la station de service 160. Je voudrais te voir, papa. Est-ce que tu peux venir? Je t'attends. Alors là, je pose légèrement le combiné sur le téléphone sans le l'accrocher. Peut-être que et tu je peux retourne, m'appeler. Je retourne voir tout le monde et j'appelle tout le monde et je leur dis venez écouter ce qu'il y a dans le téléphone. Du coup, connaissant l'histoire de la snow finalement un petit peu par cœur, tu interromps, tu romps la communication. Excuse-moi, la soirée, je reviens. Ah bah d'accord. Ouais. Mais finalement, il est un peu rassuré, il se met sur son jeu vidéo. Et moi, je lui dis mais Laszlo, tu voudrais pas que je te tire un peu les cartes? Bon. Moi, je vais écouter et je fais une déformation professionnelle sur le combiné pour voir si j'entends des trucs en plus en même temps. C'est la première fois, je crois, ça va te demander donc juste un point de ressource. Non, c'est la deuxième fois, mais j'avais déjà dépensé un point de ressource. Ouais, donc là, il faut jeter les dés, donc tu vas faire un jet de perception. Ah, ok. Mais je perds quand même un point de ressource. Oui. Simplement que la réussite est automatique sur la première. Ah, ouh, c'est dur ça. Perception, percevoir. Moi, j'ai l'impression que tu me restes. Et t'as écoute. Et j'ai écoute, j'ai une relance. Ouais, elle a une relance en écoute. Alors, attends, je fais ma relance de 6 d'abord. Ouais, la relance de 2. Ouais. J'ai 4 de réussite. 4? Tu entends le même message qu'Elsa a pu entendre. Est-ce que je peux peut-être pas, mais un petit peu de temps. J'entends la voix de cette jeune fille. Le seul c'est truc archi. Que tu ressens, toi, en tout cas, c'est un peu. Un peu étrange, mais tu as une impression de lointain. De lointain aussi. En termes de temporalité, comme une voix qui viendrait du passé. Mais qui a quand même un langage actuel, pas du ouais, passé. Mais d'un passé proche. Il y a un mois, genre. Non. La dernière 800 lunes, quoi. Non, moins que ça. Non, plus long. Moins que ça, en heure. Je sais pas trop, mais c'est immédiat. Ok. C'est très proche. Ok. Elle dit pas de nom. Non. Elle dit juste papa. Ouais. Papa, c'est moi. Je suis parti de la maison. Je suis avec une amie. On est à la station service 160. Je voudrais te voir. Est-ce que tu peux venir? On demande à Laszlo si. Ouais. Quelle déjà, station on va aller service c'est ici? Ouais, c'est ça. Avant c'est la combien? C'est la 160. Okay. Pendant ce temps. Peut-être que toi, t'as percevoir si. Je sais pas s'il y en a qui ont des bons percevoirs. Moi j'ai un super percevoir. Je vais aller écouter aussi, peut-être que vous aurez d'autres. Moi je reprends le téléphone après qu'il ait écouté et j'essaie de dire allô pour voir si elle m'entend. Personne ne répond, tu entends le message à nouveau. Elle n'entend pas du tout. Vous voulez écouter ou pas? On retourne voir la salle. Bah t'as déjà fait une super. Moi je voudrais essayer de faire tirer les cartes à la salle pour le futur. Ok. Avant ça, il te rapostrophe, il dit oh, Sony Zéro, mais la légende, du coup. Ouais. Ici, il y a des petites figurines, il y a des t-shirts et il y a des. Ils sont super les Il y a des figurines. Trucs, et puis le masque que j'ai là, bah, il fait 10 dollars si tu. Ouais. Et puis là, sur les murs, je sais pas si t'as vu, mais il y a quelques photos de la forêt là, du coup. Et okay. Si tu te concentres bien, je peux voir des trucs. Ah ouais. Comme laquelle, par exemple? Celle-là, là, qui est au fond, qui est encadrée, c'est la mieux. Ok. On effectivement, voit contre un mur, il y a quelques photos grand format, d'une qualité extrêmement médiocre, scotchées. Seules deux d'entre elles semblent encadrées, étant de meilleure qualité. Qui les a fait ces photos? Laisse-toi te répondre, c'est mon oncle, des amis, je sais pas exactement, mais c'est les gens du coin. Et qu'est-ce qu'on voit dessus alors? Dessus, tu vois une photo relativement floue de la forêt, donc sur lesquelles, si tu te concentres et que tu fais un peu preuve d'imagination, tu vois effectivement ce qui pourrait sembler être une espèce de silhouette qui pourrait correspondre à la description de Moonface avec un corps constitué d'un drap noir et pour seul visage un masque, une espèce de tête pourvue seulement d'un large sourire pointu, un rictus carnassier laissant apparaître un sourire édenté. Je le montre à Laszlo et je lui demande ah c'est lui Moonface. On pense à scanner c'est les lui, photos ouais, c'est ça là c'est là. On scanne les photos ou on les prend en photo nous-mêmes pour les mettre dans l'émission. Et Laszlo, dis-moi, on est bien station 160? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. Est-ce que t'as... La lumière grésille. Vous entendez comme venir de... À l'intérieur de la station. Ouais, comme venir de derrière le comptoir. Casto qui est terrifié. Vous le voyez. Il te regarde. Toi, Elsa, qui est au fond. Et tu vois une espèce de truc monter un petit peu derrière lui. Tu vois des griffes sortir un petit peu. Je sens le magnétomètre. Et tu vois ces griffes traverser son visage, le faisant vieillir instantanément. Une odeur de chair brûlée parcourt vos naseaux. Il semble vieillir instantanément, décrépir, devenir décharné. Les cheveux blancs, il s'écroule derrière son comptoir. Alors que le tic-tac cesse. Mais semble tout doucement revenir. Il est quelque part, il est dans la pièce. L'électricité est totalement instable, jusqu'à provoquer... Ouais, tant qu'on n'a pas d'armes, on se barre dans le van. Un arrêt. Tout simplement, la station semble tout à coup plongée dans le noir, en fait, en vérité. Mm-hmm. Magda, je vais te demander un jet d'agir, s'il te plaît. Il est quelle heure ? Je sais pas, mais... C'est le dernier truc que je fais avant que ça s'éteigne, c'est que je regarde l'heure. Il doit être 20-30, minuit 20, hein, c'est comme ça. On se barre dans le van, hein. J'ai deux réussites. Deux réussites, ça ne suffit pas. Et là, c'est. Non, mais on n'a pas d'armes. C'est. Une créature qui semble ramper au sol, qui semble comme te saisir par les chevilles, puis se propulser à l'intérieur de toi. Tu sens la température monter. Tu esquisses un cri, mais ta gorge est déjà en train de prendre feu, de se calciner de l'intérieur. Magda vieillit sous vos yeux. Il faudra un petit jet de se contrôler, tous, s'il vous plaît. Un petit jet de contrôle. Magda semble prendre 70 ans en quelques secondes et sa peau flétrie fume légèrement alors que son corps s'affaisse au sol. Une réussite. 5 réussites. Wow. De réussite. Tu perds un point de ressource à Chine. Que moi ? Ouais. Qu'est-ce que vous faites ? On est dans le noir là. Là c'est le vieux biker. C'est toi qui dit wow, vous avez fait quoi gamin ? Qu'est-ce qui se passe ici là ? Là il rigole plus du tout. Il casse une bouteille de whisky sur un des étalages. Qu'est-ce que vous faites là ? Je vais appeler la police, la lumière effectivement revient un petit peu. Wow, pardon monsieur l'agent. La police. Tu poses cette bouteille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui pose se passe cette ici ? Bouteille. Ok, je pose la bouteille, ok. Ok, je pose mon flingue. Il la regarde. Vous êtes qui vous là ? Il se passe quoi ici là ? On va savoir, vous êtes là depuis combien de temps ? Franchement, je viens d'arriver il n'y a pas très longtemps. C'est le fantôme de face de lune. Une demi-heure. Face de lune, c'est qui ça ? C'est la légende locale. Bah pendant qu'ils discutent, je vais faire les relevés de température sur les corps. Et j'avais utilisé le magnétomètre, essayer de comprendre quelque chose. Tu vois la même variation magnétique au moment où il a frappé pour emporter Magda et Laszlo. Ok. Et leurs corps sont chaud, dépourvus froid. De vie, donc les corps sont froids. Déjà froids. Non, pas déjà froids, ils sont en train de refroidir. Ah, tu vois cette chaleur qui est en train de les quitter. Mais est-ce qu'ils sont plus chauds que la normale ? Nouvelle variation de lumière. Le vieux biker semble un petit peu inquiet. Vous voyez sa prothèse du coup à la main droite. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah, tu vas mourir. Moi je sors fumer une clope dehors. Oh. Voilà. Je suis dehors moi. Je regarde depuis l'extérieur. Bah on va au van Elsa. Ok. Ok. Hein ? Ok. Au revoir. On prend le van, on fait le tour. Le vieux sort. Allez, on s'en va. Le vieux sort qui ? Quel vieux le biker. Le biker. Il retourne sur sa bécane. On le filme. Il met son casque, une espèce de bol un petit peu noir avec une tête de mort à l'arrière. Il quitte la station essence en pleine nuit. Il va revenir. On va attendre son retour. Donc On n'a jamais vu son arrivée. Hein. On se tourne tous de l'autre côté pour voir s'il va arriver. Mais surtout qu'on va se rematérialiser dans le van, non ? Je suis très curieux de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on fait la boucle pour voir s'il est. Non, on attend un peu. C'est intéressant de voir un autre, un PNJ. Et est-ce qu'on peut réfléchir à une arme potentielle contre cette forme contre des fantômes? Ah bah, nouveau grésillement de lumière. Et elles sont là-bas, les expertes en paranormal. La lumière semble chuter. Chute de tension. De plus en plus répétée jusqu'au noir total. Non, démarre. Là, la lumière revient. Non, non, attends. Là, allez, Sunny, je vais te demander un jet de agir, s'il te plaît. Bien sûr. Tu sens que quelque chose s'approche de toi. Un. Et quand la lumière réapparaît, Archie et Elsa, ce n'est pas Sonic, vous voyez, mais une autre personne, c'est elle, avec 60 ans de plus, c'est une vieillarde qui s'écroule au sol. Le visage décharné, les orbites creusées, semblant fumer légèrement, avec cette odeur de chair brûlée toujours qui remplit vos naseaux. Vous bon. Cassez les gars là. À ce bon, moment, là, vous n'êtes encore un peu. Vous n'êtes plus que deux dans la station. Quand il n'y en a plus qu'un. Chargez les corps peut-être au moins pour gagner du temps. Achille. Quand il n'y en a plus qu'un. Attendre. Nous devons. À la bagnole. Nous devons attendre. Un peu. Ils ont envie de jouer. La soirée se reproduit tout le temps. Oui, mais il faut faire la boucle. Allons-nous nous retrouver encore une fois dans le van. Quelques grésillements. Mais si tu fais rien, ça se passe pas. Quelques chutes de tension. La station semble plonger dans le noir, mais non, la lumière revient. Et pourquoi? Et le biker, pourquoi il revient pas? Il n'est pas revenu, c'est vrai. Est-ce que la boucle, elle se produit pas tant que vous reprenez pas le van? Là, c'est une nouvelle extinction de lumière. Station plongée dans le noir, il n'y a absolument plus un seul bruit. Bon, faut y aller les gars. Tout à coup. Vous êtes déjà mort une fois. C'est pour toi. On se tient les mains. Je suis avec toi. Vous allez juste y passer les dents en même temps. Est-ce qu'on voit la forme? Lâchez-vous. Vous voyez la forme, elle est entre vous, elle se lève, elle semble vous regarder. Elle écarte les mains et elle vous pourfend de ses griffes. Trotteuse immédiatement. C'est le blackout. Je m'écarte. C'est le noir, tu n'as pas eu le temps de t'écarter. En quelques secondes, tu es décrépit, tu te sens brûlé de l'intérieur. Jusqu'à ce moment où tu es derrière le van. Tu conduis, à ta droite, il y a Elsa Faust. À l'arrière, Sonio et Magda qui discutent de sujets hautement intéressants, n'est-ce pas? Alors qu'il est 23h55 et qu'au loin, tu vois la lumière d'un bâtiment le long de cette route de forêt qui semble être une station essence. Il ressemble à quoi? On arrive devant? Vous arrivez devant, c'est une station essence commune à toutes les stations essence, avec deux rangées de pompes, avec une Harley Davidson qui est garée devant, les lettres en écriture blanche de plastique collée contre la porte vitrée, donc affichant les chiffres 24 sur 24. Les amis... Putain, c'est un scénar où on peut mourir autant qu'on veut, on est bloqué. Vous savez bien ce que ça veut dire. Il faut trouver une porte de sortie. Là, nous sommes coincés. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas fait explorer le toit et la forêt. On n'a pas fait appeler l'oncle. Ouais. Moi, j'attrape les lunettes thermiques et je monte sur le toit. Et nous, moi, j'ai fait le tour du bâtiment. Allez. Je monte, il doit y avoir, je sais pas, je monte sur des caisses, il y a peut-être une échelle à l'extérieur ou un truc, ou je monte sur le transfo. Tu montes sur le toit. J'escalade pour monter sur le toit. Fais-moi un petit agir quand même, juste pour voir si tu te pètes la gueule. Moi je vais faire le tour de la boutique pour voir s'il y a un truc qui m'a échappé. Voilà, on fait une le tour. Une grosse horloge, un des deux côtés. Magda, tu pars de la gauche, moi je pars de la droite. Tu veux qu'on fasse le tour du bâtiment? Et on se retrouve derrière. Il y a Guilla qui propose faire demi-tour en partant dans l'autre sens. On l'a déjà fait, ouais. 5 réussites, dis donc, en agir pour grimper sur le toit. Je vous impressionne, comme un cabri. Sur le toit aussi. Comme un cabri, je suis grimpé là, je vous ai bluffé là, du haut de mes 53 ans. Effectivement, malgré son âge, Achille semble progresser sur le toit du baraquement avec une agilité... Puis une fois en haut, je vous regarde d'en bas et je fais... Extrêmement efficace. Non, mais c'est parce que j'ai fait un peu de parcours quelques années. Quand t'étais chez les Marines. Tu sors quoi, des jumelles thermiques? Ouais, super. Et il y a de la barre. Tu peux ressortir du rosé, s'il te plaît? Après, mais... Elle sera plus bonne demain, donc on va autant taper dedans. Tu peux ressortir du rosé, je suis juste peu. Juju. Ouais, je comme ça. Dire, tu vois. Tu l'as senti comme ça. Ouais. C'est osé. Je me suis dit, il y a peut-être des chances qu'elle ait plus envie de le faire. Que ça soit moins chiant. Bon, mais... Ça propose un suicide collectif, mais bon, c'est pas ce qui s'est fait. Bah, Archie, il a testé déjà ça. Un suicide tout seul. Ouais. Ça n'a pas de soucis. Bah. Moi, je veux bien monter sur le toit avec lui. Nous, on fait le tour équipé. Avec Elsa. En étant équipé. Ça va te demander à agir, hein, s'il te plaît. Ouais, mais je l'ai un peu merdé la dernière fois. Agir. Un. Un. Ouais. Écoute, on va pas se casser la tête, t'en as déjà fait un. C'est Archie, du coup, qui. Avec force, te saisis l'avant-bras et t'aide à. Je commence à grimper, je t'attrape, je te hisse. Merci. Nous, on fait le tour par l'extérieur, on part chacun d'un côté, et on regarde si on voit des traces. Alors, sur le mur opposé aux toilettes et la Ford, c'est un mur lisse, comme le mur du fond, qui est absolument. Linéaire. Et qui est absolument pourvu de rien du tout, si ce n'est quelques fissures et un petit peu de mousse témoignant de l'âge, de la vétusté du bâtiment. Il n'y a absolument rien à se mettre sous la dent. En revanche, toi, Bulldog, tu es donc en train de scruter les horizons avec... Les lunettes thermiques, j'ai dit que je les avais enfilées en montant. Les lunettes thermiques, je vais te demander un petit percevoir, s'il te plaît. Percevoir-observation ? Percevoir-observation, ça va marcher. Oui, c'est vrai, ils sont fait tuer, c'était pas un suicide. Putain. Oh putain, deux, quand même. Tout juste, bien joué. Figure-toi que c'est à l'intérieur de la petite dépendance dégueulasse qui sert de toilette. Après avoir évidemment vu des traces de chaleur de par les quelques réverbères alentour et leur... Il doit y avoir une sortie d'aération, je suis sur le toit, donc il doit peut-être y avoir une ou deux cheminées d'aération. Et là. C'est dans la dépendance que tu sembles voir... En contrebas. Dans les toilettes. Qui sont en contrebas, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Tu es sur le toit, tu vas en contrebas, côté gauche quand on est face à la station, à quelques mètres de la Ford, à l'intérieur de ces toilettes qui ont été visitées dans une autre vie peut-être, dans un autre temps, un autre espace ou pas. Tu vois quelque chose. Il y a une trace de chaleur. Je le dis. Elsa, Magda, il y a quelque chose dans les toilettes. Ça bougeotte. Okay. Ça bougeotte dans les toilettes. Alors on y va. Ok. Attends, on y va. Qui est devant Comme ça, là, sans rien. Bah, je sais pas, on a pas de matos. Qu'est-ce qu'on a Bah, je sais pas, je trouvais un morceau de. Un morceau de barre de fer. Ça propose une trappe, la trappe secrète et un sous-sol. Mais effectivement, nous n'avons pas d'éléments de cette nature pour l'instant. Mais c'est toi qui pousses la porte, Elsa ? Moi, je prends la croix. La barre de fer quoi ? Alors en tout cas, c'est vrai que quand vous arrivez dans la dépendance, vous avez sous vos yeux une espèce de lavabo absolument dégueulasse, recouvert en partie d'immondices. Le lavabo semble avoir débordé plusieurs fois. Vous avez devant vous deux portes de toilette. L'une est ouverte, c'est celle que tu as utilisée pour aller pisser. Mmh. Et que j'ai pas pissé. Et l'autre est fermée. D'accord. Comme condamné, la porte ne semble pas s'ouvrir sous la pression de ta main. Alors du coup, oui, je prends pas de barre de fer, je prends une pierre. Ouais. Tu prends une pierre. J'avais décrit des gravats aux abords de la station-service. Moi, au préalable, tu peux du coup trouver une espèce de moellon, de bout de moellon, un fragment de moellon, quoi. D'accord. J'ai dit que je prenais la croix qui pourrait servir de... De biche, là, tu prends la croix qui sert à démonter les pneus, c'est ça ? Non, je prends la croix qui sert comme matériel d'exercice. Ah, une croix, d'accord. Ouais, enfin, c'est une croix, hein, c'est pas non plus... Une croix, je voyais une grosse croix, moi, comme ça. Non, mais elle peut peut-être ouvrir le verrou, avec tu la ne peux croix. Pas. Mais... Sinon, tu ne peux pas. La porte semble condamnée, du moins verrouillée de l'intérieur. Bah, on toque, peut-être. Ouais, on toque. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Pas de réponse. Tu utilises la pierre, je te propose de la fracasser contre la porte, nécessitant un jet de forcer. Et est-ce qu'il y a un cadenas à la porte ? Non. Est-ce qu'on a une caméra qui permettrait de voir dans la serrure ? Il n'y a pas de serrure. Non. Un petit coup de Moi j'observe d'en haut, hein, je filme avec les lunettes. Moi j'aimerais bien prendre une caméra infrarouge thermique pour faire des plans de la forêt aux alentours et voir si je repère quelque chose depuis le haut. Écoute, je considère que tu as monté ce matos au préalable. Fais-nous un petit jeu de perception. Réussite totale. Récit total. C'est au premier jet de pierre que tu réussis à enfoncer cette porte, qui de par sa nature légèrement pourrie ou en tout cas assez pour qu'elle se pulvérise au premier choc. Mm-hmm. Et sous tes yeux ébahis, tu as une jeune fille qui te regarde, un air apeuré, elle est contre la cuvette, comme ça elle la serre de toutes ses forces, cette cuvette. Elle marmonne des mots que tu ne réussis pas à comprendre. Faut pas rester tout seul dans les bois. Je me rapproche d'elle et j'essaie de la sortir des toilettes en la rassurant. Fais-nous un petit se contrôler pour la contrôler. Qu'est-ce que tu lui dis ? En perception. Je lui dis, ne t'inquiète plus. Tu n'as plus raison d'avoir peur. Nous sommes là. Nous avons entendu ton appel. Ah mais vous savez que c'est elle. C'est chaud. Allez, la contrôle. Ouais. 3 sur 4. 3 succès. Je m'appelle Jessica. Donc la jeune fille semble cheveux bruns, plutôt courts. Mmh. Elle a pas mal de colliers, elle a un petit top blanc qui est maculé de boue. Ouais. Elle porte en bas une salopette en jean. Elle a les yeux complètement flippés, elle a l'air terrifiée. Mmh. Même si elle semble légèrement rassurée par ta présence, du coup, elle te demande comment vous vous appelez, madame. Je m'appelle Elsa, mon enfant. Bien, maintenant tu es dans de mains très sûres. Raconte-moi ce qui t'est arrivé. J'étais avec Véronica et on a fugué. Partie de chez nous. On s'ennuyait trop. On voulait rejoindre Las Vegas. Las Vegas. Et on s'est arrêté dans la station. On s'est marié. Et Véronica a voulu appeler son père. Mmh. Je sais pas pourquoi. On a attendu longtemps. Longtemps et il n'est pas venu. Alors nous sommes repartis et nous avons décidé de couper à travers la forêt. C'est là que nous l'avons vu. La forme. Qu'est-ce que tu as vu, mon enfant ? Le visage. Alors j'ai couru en pleine forêt pour échapper à cette forme et j'ai rejoint la station et je me suis caché ici. J'ai vu à l'intérieur la même créature derrière le comptoir. Alors je n'ai pas osé rentrer dans la station et je me suis caché dans les toilettes. À l'extérieur. Je me demande où est Véronica. Et tu attends là. Vous n'allez pas me faire de mal, hein. Depuis combien de temps tu attends là? Ça fait combien de temps que tu es là, mon ami? Là, niveau notion du temps, ça me semble un peu complexe. Elle saurait pas quoi te dire. Ça fait. Elle sait pas quoi te dire. Elle te dit même pas. Peut-être une heure. Et comment tu as fait pour venir jusque-là? Tu étais à pied avec ta copine? Oui, je suis venu à pied en stop. Personne ne nous a prié. Et tu viens de quel village? De quelle ville? Je viens d'une ville qui s'appelle Tipwood, dans l'Est. C'est loin? Un petit peu, je crois qu'on a fait 80 km. Et tu as quel âge? On a fait le bus, je crois. J'ai 15 ans. Et vous êtes qui? Magda. Je m'appelle Magda. C'est marrant comme nom. Elsa, Magda, vous êtes sœurs? Vous ressemblez pas trop pourtant. Non, nous travaillons ensemble. C'est quoi votre travail? Nous faisons des émissions sur les activités paranormales. Quoi? Je peux pas t'inquiéter. J'ai envie de rentrer chez moi. Mais tu ne dois pas t'inquiéter. Je te l'ai dit, nous sommes là maintenant. Mais vous n'êtes pas américaine, vous avez un accent bizarre. Oui, j'ai un accent américain. Mais c'est rassurant, mon accent. Tu verras. D'accord. Tu as croisé d'autres personnes dans cette station? Non. Personne? Quand nous sommes arrivés la première fois, il y avait une sorte de vieux mec avec un débardeur. derrière le comptoir. Oui, on lui a acheté de l'eau, Véronica a passé un coup de fil. Et ensuite, nous avons attendu longtemps et nous sommes partis. Véronica a proposé de couper à travers les bois. Je ne sais pas trop pourquoi, quelle idée stupide. Mon enfant, est-ce que tu peux me dire par où vous êtes parti? Par où vous êtes rentré dans la forêt? Nous avons longé la route vers l'ouest. Tu veux dire par ici ou par ici? Et toi, tu veux dire par où? Si tu dis que je puisse te répondre. Mais... Non, mais le long de la route. C'est-à-dire le long de la route qui est en face de la station service. Bah, la route à double sens, de toute façon. Mais voilà, mais par ici ou par ici? Bah, dis-moi quel pari si tu veux. Où est la station? Bah, celui dans le sens du premier cycle, quoi. Non, mais en vrai, tu montes la direction la de la tache de sang ou pas? Ou La tache de sang ou pas la tache de sang? Elle te dit pas tache de sang parce qu'elle n'en sait rien, mais elle t'indique qu'elles sont parties en direction de ce qui te semble être la tache de sang. D'accord, donc ils sont allés vers là-bas, d'accord. Comme on est parti. Ouais, non. La tache de sang, elle est plutôt avant pour nous sur la route. Enfin, sauf là parce qu'on était dans l'autre sens. Non, elle est après. Non, elle était dans. Non, c'est quand on est arrivé la première fois qu'on est arrivé à la station. Elle était la à droite. Tache de sang, c'est la route. La station route. Sans la droite, ça continue. Tache de sang, ça boucle. On revient. Mmh. Ouais, donc c'est. On sait pas pourquoi il est pas venu bosser. Non, Patrick Maurice. Non. Nous l'a pas. Enfin, dit, ça c'est son oncle. Patrick Maurice. Ouais, le jeune, enfin l'autre, celui qui devait venir bosser, on ne sait pas. C'est pas lui. Oh, oui, donc Philippe, c'est son père. Non, on ne sait pas. Mais du coup, oui, là, il a plusieurs oncles. A priori, c'était pas le jeune, c'était le propriétaire qui était là quand elle est venue. Il n'existe pas. Sûrement, son oncle, on pourrait demander à Laszlo si son oncle est un vieux avec un débardeur, quoi. Mais oui, puisqu'il a dit que c'était son oncle qui l'avait relayé. Par contre, on ne sait pas pourquoi l'autre n'est pas venu bosser, mais il y a peut-être un milliard de raisons. De toute façon, il faut qu'on aille dans les bois, là. Est-ce qu'on lui demande ça ou pas? Et est-ce qu'on essaie d'appeler ou pas? À mon avis, il dira rien. Et est-ce que Achille perçoit autre chose à partir de l'étoile? Est-ce qu'il voit autre chose? Il a avec nous, elle est partie. Quand il regarde dans la forêt et tout. Toi, tu as remonté, toi, tu as le matos, du coup, tu vas faire un jet de perception, j'imagine, un peu réussi. Non, il était un peu naze. Un peu naze? Ouais. Écoute, rien de notable. Dommage. Donc, il perçoit rien d'autre, Achille. On a fini la playlist ou quoi? Peut-être. Tu nous la remets? Il va se passer un truc. Bah, on va avoir une attaque. On peut partir vers la forêt, de toute façon, on a, est-ce on a rien pour se... Dans les chiottes, du coup, la petite. Bon, on a trouvé la petite. Dans la petite, on la met dans le van. Juste entre deux morceaux. Ah, ok. La petite, à mon avis, on la met dans le van. Et on va dans les bois? Et on va dans les bois. On l'enferme dans le van, la fille? Enfin, on la laisse dans le van. Et si on emmenait la gamine, qu'on donne une boucle, elle disparaît. Oui, non, elle va disparaître de la bagnole. Elle va réapparaître dans les chiottes. Peut-être qu'elle peut nous montrer où elle est partie dans les bois, si on rencontre sa copine. Mais je viens de le dire, mais il veut pas le... C'est la direction qu'elle t'indique, elle a continué sur la route et elles sont parties dans les bois. Si on va dans les bois, on va juste se faire buter et... Bah, elle fera pas. Est-ce que... On n'essayait pas d'appeler le gars, là, avant d'aller dans les bois? Laszlo? Non, le père. Son oncle. L'oncle de Laszlo? Ouais. On a essayé, ça femme, marche pas, on entend le truc. On tombe sur c'est là qu'on entend la fille. J'ai cru que j'étais juste en aveu. Ok. Bah alors on va aller voir dans les bois. Là, on y a Achille, ouais, qu'on va aller dans la forêt. Qu'est-ce qu'on va faire contre ce fantôme? Et sur le toit, du coup, on est d'accord qu'il n'y a aucune raison de rester sur le toit, il n'y a rien qui... A priori non, et Sunny n'a rien repéré de supplémentaire. Il n'y a rien qui reste en sommeil sur le toit, on a mesuré au magnétomètre. Avec un enfant, ce sera différent aussi, tu vois. Et tu fais un jet d'agilité? Bah la petite, le 15 ans. Parce que les vieux, c'est pas grimper, mais c'est descendre qu'il fait. Clairement, comme les chats. Non, bah non, les chiens ils retombent sur leurs quatre pattes tout le temps. Ça propose de découper le cerf pour en mettre la peau, j'imagine, pour parcourir les bois. Un peu tribal. Dégueulasse. Un peu dégueu. On fait la petite. On n'a pas de personnage de chaman. Ah, c'est dommage qu'il n'y en ait pas. Non, ça se pourra. Ouais, ça s'est joué à ça. Hein. Ah oui, je te dis. C'est pour ça que j'essaie de transformer les uns en chaman, mais ça marche pas. En chamane ukrainienne. Tu nous trouves un petit tire-bouchon, Yannax, top, dans le... Oui, c'est ça. Dans le truc rouge, là, il était sur les tables tout à l'heure. Ok, cool, merci. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que on attend le tic-tac ou qu'est-ce qu'on fait? Non. Allez, on se bouge alors. Allez, allez, allez, allez, allez. Bah non, on va dans la forêt. On va dans la forêt. On partait dans la forêt. On prend des caméras, tout ça. Mais on va en face direct de la station. Un détecteur de mouvement de loin. Je me dis pour qu'on puisse repérer quelque chose qui arriverait. On vous partait avec le détecteur de mouvement, caméra, prison, vision nocturne, j'imagine. Magnétomètre, en tout cas le. La totale. Le MP qui va relever l'électromagnétisme, si je ne m'abuse. Le magnétomètre. Ouais. Les torches, les tout ça. Vous prenez la route de la forêt accompagnée de Jessica, qui peine à vous suivre. Elle reste collée à toi. Elsa, elle te contrit. Ça existe ? Je sais pas, c'est bon, elle ce que contrit. Tu veux dire. Elle me rappe plutôt. Elle te contrit le bras. Elle me rappe le bras. Elle t'en serre vigoureusement le bras comme pour rester au plus près de ta personne. Vous quittez la route à peu près à l'endroit où elles ont quitté la putain de route. Mm-hmm. Quelques réverbères, quelques chutes de tension. Angoissé d'entendre ce tic-tac, à nouveau Myriam se produit. Progresser dans la forêt avec vos lampes, quelques frontales, quelques maglites, mm-hmm, pour permettre de parcourir cette végétation, ma foi, pas si dense que ça, plutôt des sous-bois. Mm-hmm. Jessica est de plus en plus nerveuse, tu la sens transpirer, elle te serre de plus en plus le bras, elle tend le sien comme pour t'indiquer une zone qui se trouverait devant, te disant c'est là, c'est juste là. Les amis, c'est juste là. Je crois que c'est ici. La petite me dit que c'est par là. Avec ta torche, Archie, peut-être que devant tu pourrais. C'est le cas, du coup, tu dévoiles une espèce de clairière. Qu'est-ce que vous faites? On chante la chanson au clair de la lune. Et on commence à avoir une démarche très sur une voix rassurante. Joli, joli. On espère de l'appeler. Au pire, si ça marche pas, ça fera des ça très belles images pour l'émission. Sunny est toutouille, armée de sa perche son. Elle semble scruter peut-être l'obscurité. Vision nocturne, perception. On voit toujours de loin, on distingue de là où on vient. Et elle fait un chant pour rassurer le fantôme. Comme pour se rassurer elle-même, comme un petit chat qui pourrait ronronner pour... Après j'ai écoute, je suis en écoute ou pas? Oui, bien sûr. T'es en écoute et t'es en visuel là et... Okay. 3. Au milieu de la clairière, tu vois une forme drapée de noir, avec pour visage un rond blanc orné d'un masque... Orné d'un rictus en forme de demi-lune, parcouru de quelques dents cassées, qui semblent te fixer de loin. Je lui dis, tu continues ton chemin. Jessica est terrorisée. On ne veut pas de mal? Pas de réponse. La petite Jessica. Elle veut plus avancer. Elle veut plus avancer, mais elle le voit aussi, non? On le voit tous. Non, elle se cache dans ton épaule comme ça. Oui, voilà, elle commence à paniquer. Je sais pas comment il s'appelle. On est là pour t'aider. On ne veut pas de mal. Aucune réponse. J'ai été tranquille en train de boire un verre. Et vous venez me déranger. La forme est immobile. Qu'est-ce que vous faites? On n'a pas un doudou, un truc comme ça qu'on pourrait lui envoyer. Un quoi? Un doudou, une peluche, je sais pas, lui envoyer un truc, un symbole d'enfance. Alors moi, après que... Ouvrir les bras en symbole de câlin. Non, je me mets accroupie et j'écarte les bras. Tu te mets accroupie, tu écartes les bras? Ouais, et je l'appelle. Rien ne se passe, aucune réaction. Toujours cette forme stoïque au milieu de la clairière qui semble te dévisager. Ok, je fais signe à Archie pour qu'il fasse le tour à revers et on essaye d'avancer tranquillement. On lui dit... On va s'avancer. On peut s'approcher? Vous pouvez vous approcher. pouvez vous approcher. Mais on lui parle, je veux dire. Aucune réaction. Alors je dépose Jessica derrière un tronc d'arbre. Elle refuse de rester seule. D'accord, ben je la pousse. La forme semble bouger légèrement, alors que le vent se lève. Un petit vent froid qui vous frissonnez. Tu es assez près, Sony, maintenant, pour constater que ce n'est qu'un épouvantail. Putain. Qui semble te dévisager. L'épouvantail trône au centre de cette clairière. C'est véritablement un épouvantail, du coup. En paille. Drapé de noir avec ce masque. Peut-être une blague des gamins du coin, tu ne sais pas. Est-ce que je reconnais que c'est le même masque qu'ils vendent dans la boutique? C'est exactement le même masque qu'on vend dans la boutique. Sur le chat, on nous dit jette l'enfant. Ah, bravo. Jette-la pas, on pêche au vif. Qu'est-ce que vous faites? Bah du coup je la souche Jessica déjà et puis après je dis bah il faut aller dans la clairière de toute façon. Je cherche des. Elle nous a pas vraiment dit ce que je cherche des traces en mode flic rôdeur. Parce qu'il y a l'autre gamine, c'est ça, qui serait passée par là, donc elle a pu laisser des traces de. Des traces de pas, des branchages cassés, j'en sais pas. Perception. Ah oui, je demande à Jessica. Il est au milieu de la clairière, c'est ça. Je demande à faire Jessica observation si, ou pas si elle a déjà vu cet endroit. Elle a déjà vu cet endroit? Oui, c'est là que nous sommes arrivés. C'est là que nous sommes partis en courant, nous nous sommes séparés dans la nuit. Est-ce que ce que vous avez vu était cet épouvantail? Non, je ne veux pas le voir. Mais est-ce que crois-tu que c'était cet épouvantail? Je ne sais pas ce que c'était, c'était une créature dans la nuit, elle m'a fait peur. Et nous sommes partis, Véronica a crié, moi aussi. Si réussite. Ouais. Tu vois, instinct de... Genre j'ai l'infravision comme dans les jeux vidéo, tu vois, avec les indices qui sont en surbrillance. Instinct de flic, peut-être. C'est ça. Tu prends du coup, pas la tangente, mais la perpendiculaire, si je puis dire. Comme pour rejoindre la route à toute vitesse. Moi je fais ça? Ouais. Serge, je suis des traces. Moi je fais ça. Il est attiré par. Non mais je sais, plus un instinct. Mm-hmm. D'accord. Au vu de la disposition des arbres, ça semblait être un terrain dégagé qui aurait permis à quelqu'un de fuir. Mm-hmm. Et c'est justement au bord de la route que. Tu trouves le cadavre d'une jeune fille. Vieillie ou pas? Ou est-ce qu'elle est encore... si jeune, c'est juste la taille. Ou... Elle est extrêmement vieille, c'est un cadavre en partie brûlé. Donc c'est pas une jeune fille. Oui, ouais. Mais elle est habillée comme une jeune fille. D'accord. Oui. Ouais. Voilà. Elle a la taille peut-être... Ouais, elle est digne de Britney Spears, c'est... Ah putain, mais les vieilles dans le coin. C'est la campagne, ça. Elle a les cheveux longs, blancs, elle porte une robe rayée moulante. Et avec en dessous un jean déchiré, des baskets blanches. Je la elle fouille. Semble avoir 100 ans. Je la fouille. Tu trouves des papiers d'identité. Je les prends. Au nom de Véronica Chivan. Ouais, je les prends. Je les mets dans ma poche et on verra la prochaine boucle si j'ai toujours les papiers sur moi. C'est quoi l'emplacement là où elle est? Je repère l'emplacement. On est loin de la station service. Vous êtes loin de la tâche de sang. Tourner vers la route. Vous êtes loin de la tâche de sang. Vous êtes loin de la station service. À proximité, il y a. Le corps de Véronica. À 1,50 m, il y a un de ces réverbères massifs qui semble crépiter d'une lumière comme pour subrepticement tenter d'éclairer cette route de forêt. C'est après la station service. Ouais, c'est ça. Le cadavre semble donc calciné et ses jambes semblent être bizarrement écrasées, comme aplaties, comme ayant été pulvérisées par quelque chose. Bah en même temps, il a un cerf dans son coffre. Mais oui, il a pu percuter la gamine en même temps. Lui, on l'a écrasé. C'est peut-être nous qui avons écrasé la gamine. Mais nous, on avait un impact sur le van aussi. Ouais. Mm-hmm. Enfin, comparer. On y avait du sang, nous, sur le van. Il y avait rien, je crois. On va regarder ça. Mais c'est difficile devant une voiture de découvrir la différence entre un animal et un humain. Bah, ça dépend. Alors, soit un bout de tissu, soit un bout de pelage. Parce que. Ouais, avec un plus. Bah, on peut aller voir sur la route, du coup, s'il y a des traces qui nous font penser. Est-ce qu'on en profiterait pas pour fouiller un peu plus la forêt quand déjà, je vous dis. Je te dis à toi qui a l'autre gamine, je te dis. Je te fais signe de ne pas venir. D'accord. Et je comprends, du coup, que. Mais du coup, nous on le voit, non, on ne voit pas le cadavre. Est-ce qu'il y a le moindre indice sur ce corps Non, c'est de toute façon, c'est là. Pas plus que ce que j'ai décrit. Oui. Ces jambes, elles semblent être écrasées, c'est ça que t'as dit. Ouais. C'est là de la forêt. Ça se rapproche. Le machin, il avait pas de jambes non plus. Hein. Vos torches semblent parcourir. Moi, j'ai toujours les lunettes thermiques. Tout regarde tout autour. Bah, on va se mettre sous l'éventail. Sous l'épouvantail. C'est pour qui? Je regarde à mes pieds, je regarde tout le monde avec les lunettes thermiques. J'ai mon masque. Ouais, c'est bien. Oh, c'est pour toi. Oh merde. Alors que tu vas tenter de jeter agir, et c'est alors que tu es éclairé par les torches de tes camarades. Je la filme en thermique. Que derrière toi, une créature s'avance. Arrête. Sort de l'ombre de grandes Arrête. Aiguilles à la place ouais. des doigts semblant être de gigantesques croqueuses. Ouais. Ouais, Explique-nous. Il a une espèce de tête pourvue d'un grand sourire carnassier en forme de demi-lune. Je relance les 2-6 du coup. 2-6. Je peux les relancer, c'est tu peux les relancer. On peut t'aider, on est là pour t'aider à retrouver les vrais fautifs. Arrête-toi. Oui. Comme un bruit de forme qui grossit derrière Magda. Wow, oh, attention, c'est un truc de ouf que je vais elle faire. Elle ne t'a rien fait, c'est une innocente comme j'ai toi. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Réussite pour agir. Alors là... La créature semble s'attaquer directement à l'ombre de Magda. Et c'est peut-être grâce à vos torches que la créature semble gênée par votre lumière. Et vous réussissez à empêcher la créature qui s'apprêtait à bizarrement attaquer à l'ombre. Formée par la lumière de vos torches. La lumière semble la gêner. Elle disparaît tout à coup dans un silence qui retombe au milieu de cette forêt. Que faites-vous? Déjà, on a trouvé un je crie, ha ha, on t'a bien niqué. Déjà, on remarque elle a peur de la lumière. Pourquoi mon ombre? Parce que ça en refait une zone d'obscurité derrière. Ouais, c'est juste ça, je pense. Ouais. Jessica est terrorisée. Elle disparaît dans le noir, elle part. Qu'est-ce que vous faites? Elle te lâche le bras, elle part. Pendant tout ce temps-là, j'ai essayé de la retenir, elle est partie. Elle a réussi à se défaire de son... J'ai pas su quoi faire. Est-ce que ça peut être... Allez, je vous demande tous un petit jet de se contrôler, s'il vous plaît. Il n'y a plus de carreaux, là, avec tous les succès avec ses dés. Allez, toi, tu peux t'en passer, Magda, avec tous tes succès, tu te sens gonflé à bloc. Viens, je te redonne un point de ressource pour la peine. C'est ouf comme lancer, hein, avec 3D, je crois. Ouais, effectivement, ça annule. Je crois pas. Et est-ce qu'il y aurait pas. Moi, je contrôle la moitié. Super. Et moi, j'ai volonté. 2 sur 4. 3. 3 pour toi. 2 pour moi. 2. Et 3 pour moi. 3 pour toi, 2 pour toi, tu perds un point de ressources. Oh non. Tu es paniqué peut-être à l'idée de cette jeune fille qui, par les bois, s'est évanouie dans la nature. Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu chelou avec cette histoire de pied, enfin tu sais, pas de jambes là, la figure qui n'a pas de jambes, la petite qui a des jambes écrasées, je sais pas. Je crois que ça peut pas être la petite Jessica. Enfin, pas Jessica, comment elle s'appelle Véronica. Véronica, c'est celle qui est morte à l'enjeu. Je crois que ce serait le fantôme de Véronica. Mais non, mais elle est morte vieille, Véronica aussi. Elle a été attaquée par le fantôme. C'est une victime, c'est juste deux gamines, c'est deux PNJ qui sont en plus dans la zone. Et à chaque fois, comment ils nous ont attaqués jusque-là? Par les jambes? Moi, Non, il a monté 12 ans. Parfois c'est arrivé par le haut, parfois par en dessous. Il n'y a pas de. J'ai l'impression que ça change toujours à chaque fois. Toujours avec une histoire de temps, du coup, vu qu'il a des mains en aiguille de. Ouais. Il y a un truc avec la durée, il y a un truc avec l'absence de lumière. Il y a le tic-tac à chaque fois qu'il arrive. La nuit, ouais. La lune qui éclaire et qui empêche la bête, enfin le monstre d'arriver, quoi. Qui se présente a priori que les jours où il n'y a pas de lumière. C'est pour ça que l'absence de lune... Donc les nuits sans lune... Mais c'est une nuit sans lune ou c'est... Ouais, c'est vraiment... C'est la nouvelle lune, quoi, aujourd'hui. C'est la nuit sans lune. Je vais vérifier si le 14 novembre, c'est vraiment une nuit sans lune. En gros, on va de toute façon jouer jusqu'à ce que vous n'ayez plus de points de ressources, hein, et que vous tombiez tous inertes, terrifiés à l'idée de rester bloqués dans cette boucle temporelle. Pour là, on est toujours à côté de la clairière. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que... On fait un cauchemar, c'est ça ? Je sais pas. On est tous dans le rêve de Hachi. Traumaté le film. C'est quoi le film Bon, tic-tac ou quoi? Ah non, pas tic-tac, attends. Qui redémarre tous les matins, là. Ah, la marmotte, je sais pas quoi. Là. Je dis. Un jour sans fin. Tant qu'on n'a pas eu une journée parfaite. The Groundhog Days. Le jour de la marmotte. Non, les amis, il faut qu'on retrouve la sortie de cette boucle infernale. Ou pas, où il a dit on va jouer jusqu'à ce qu'on soit tous morts. Mais est-ce qu'il se passe un truc à chaque fois que ça apparaît? Est-ce qu'on dit un truc? Est-ce qu'on fait un truc? Non, ou est-ce que c'est complète de temps en temps? À mon avis, c'est spatial, c'est quand on sort d'un d'une bulle. Moi, ça me fait l'effet d'une bulle. On est dans une bulle et quand on en sort, on réapparaît. Non, ça arrive dans la station des fois. Oui, mais parce qu'on est tous morts. Enfin, la non, fois ça a eu mal, station, bien vu. La première fois c'est arrivé, c'était sur le gap, on était tous morts. Ah, tu veux dire quand ça reboucle? Oui, quand ça reboucle. Est-ce que... Donc je vais à côté du cadavre. Bon, de toute façon, si on meurt pas tous et qu'on reste et qu'on a la lumière, on peut essayer de faire passer le temps. Cadavre de Véronica. Là, a priori, il n'y a rien qui va faire de nous mourir, mais nous, on n'aura pas d'action active pour faire recommencer le temps. Et ces gens bah oui, mais quand on était dans la station, comme oui, t'as si, dit, la lumière s'arrêtait. Et à chaque fois, la lumière s'arrêtait pour qu'il puisse apparaître. Comment on fait pour empêcher une source de lumière de s'éteindre? Est-ce qu'il n'aura pas le pouvoir de faire éteindre nos lumières? Un peu comme aplati par quelque chose qui... Là, ça a marché. Il n'a pas fait éteindre nos lampes torches. Ça ne semble pas être un choc de véhicule. Comme si quelque chose était tombé sur elle. On ne peut pas reconnaître de roue ou un truc comme ça, quoi. Non. Non, mais tu vois, il y a un truc chelou avec ses jambes, quand même. C'est pas chelou, ça. Est-ce que j'arrive à faire le tour du cadavre? Tu arrives à faire le tour du cadavre. Ah, faire cramer la bête. On pourrait faire un feu au milieu de la clairière déjà, pour essayer de se protéger. Ça fera de la lumière. Un feu sur le parking de la station service. Oui, bien sûr, sur une station essence. Ah oui, on a un dépôt. C'est une bonne idée. On a un dépôt d'essence. On peut essayer de faire sauter la station, mais on se met un peu loin si c'est possible. C'est le petit côté anard de... Non, mais faire cramer la bête quand elle arrive, par contre. On peut aussi faire cramer la station, ça ne me dérange pas. Elle nous fait cramer. Non, mais on lui jette... Non, mais on était sur les sources de lumière. Là, il semblait... On peut aller prendre de l'essence à la station. Prendre l'essence avec nous. Ah bah oui, c'est vrai qu'on a des réserves d'essence. Bah, il y en a là-bas. Ça y est, non, on se met dans la clairière. C'est premier degré, là, j'étais. Et pour le coup, ouais, on fait des armes, des boulettes d'essence enflammées. Ouais, on essaie de la faire cramer. Et à chaque fois qu'elle vient, on contre-attaque et on essaye de tenir le plus longtemps possible pour voir si ça empêche de rebooter le temps. Ouais. Parce que là, la dernière fois qu'elle est apparue, t'as dit qu'on l'éclairait avec nos lampes torches. Oui, et que c'est l'ombre de Magda qui semble avoir été attaquée. Et mais nos lampes torches, elles ont pas décliné en luminosité. Parce que jusque-là, à chaque fois, quand on était dans la station service, quand on était sur la route, les sources non, elles n'ont pas. S'éteignaient quand le monstre apparaissait. Et là, elles n'ont pas. Et ça peut venir de quoi, ça, alors? Ça peut venir de... Qu'elle se déplace dans les conduits. Non, mais peut-être qu'elle est liée... Est-ce que une source qui n'est pas reliée au réseau... Bah, elle ne fait pas non plus protégée. Éteindre nos caméras ou des trucs comme ça. Elle n'a pas de rapport avec le lieu, ouais. Bah, no, bon, ouais, je trouve que vous discutez dans un endroit bien peu approprié. Bon. Ah, merde. On n'a pas de feu, c'est ça ? Si, moi j'ai un feu. Achille, c'est pour toi, tu l'as repoussé ! Non, j'enlève ma veste, j'ai la lampe de poche au-dessus de moi. Je fais comme ça. Il faut que tu nous fasses 4 succès sur un agir tout de même. Non ! Moi j'enlève ma veste et je fais comme ça. Regarde, je fais comme ça, c'est mieux qu'un lancer de dé. Elle va se faufiler par quelques pas. Agir 4, vas-y, c'est maintenant. Moi je mets le feu à ma veste en ayant enlevé ma veste d'abord. T'enlèves ta veste, tu fous le feu. Ok, je vais nous lancer. C'est vite, ça, c'est filé. C'est visé. Visé, ouais. Ouais. Oh. Allez, allez, allez. J'éclaire la bête. Trois, j'ai mes clairs, moi, j'éclaire la bête. J'ai fait un succès. Trois succès sur le lancer de la veste enflammée sur le... Et encore une fois, c'est la veste enflammée qui semble projeter lumière suffisante pour que l'ombre d'Achille permette à cette créature de naître juste derrière toi et... C'est par le pubis qu'elle semble t'attraper. C'est une griffe quand tu baisses la tête qui semble remonter vers ton visage, qui parcourt ton corps. Pas ça. Comme si tu étais une sorte de créature éthérée alors que tu vieillis immédiatement. Non. Tu lâches ton arme. Pas de coup de feu, vous voyez Achille qui commence à vieillir de seconde en seconde. Mais attends, elle a le truc enflammé sur elle. Mais il y a Achille en même temps, tu nous fous le feu Achille. Vas-y hein. Ouais, peu importe, c'est trop tard, dans la panique, c'est, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu le jettes, peu importe, Achille prend feu, jette-nous se contrôler, c'est très bizarre. Désolé Achille, mais de toute façon tu tuais la viande brûlée. J'ai 3. Chair brûlée. Il est moche. Cheveux blancs, 3. Tu te contrôles malgré le geste étrange que tu viens de produire. Le corps d'Achille est en train de se consumer en fait, hein, jusqu'à rejoindre un petit tas de cendres, certainement dans quelques minutes. Vous êtes dans cette... Et la bête, le truc a disparu, l'esprit a disparu, le fantôme. Ouais. Ça lui a rien fait. Ça lui a rien fait. Fais un petit jet de connaître, s'il te plaît, Elsa. La lumière du feu l'a pas empêché d'agir. La lumière des flammes, ça l'a pas... En tout cas, ça semble peut-être avoir créé une ombre pour, du coup, la faciliter son... Son œuvre quoi. Allez Elsa, démêle-nous ce merdier. Mais pour moi c'était pas clair vu que t'as enflammé la veste, tu vois, tu l'as pas jeté sur Achille, tu vois la créature elle est née, tu as allumé le truc, ça a projeté de la lumière sur Achille, c'est de son ombre qu'est née la créature et elle l'a pourfendue et c'est après qu'il y a eu. Pour voir s'il se passe un truc, mais ouais, elle ouais effectivement, elle craint pas les flammes. Combien de succès Elsa? 2, ça suffit pour que tu. 2 sur 5. Maintenant, tu ne connais pas exactement la nature de cette créature, ni vraiment ce qu'elle est ou ce qu'elle pourrait être, mais en tout cas, il te semble maintenant absolument certain qu'aucune forme de dégâts semble l'atteindre. Mais vu que la lumière. La lumière semble la gêner, mais en tout cas, le feu ne semble pas l'avoir. Enfin, en tout cas, tu le sais pas, elle a disparu, mais bon, avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, il te semble que ces dégâts physiques, enfin, peu importe les attaques, et en fait, c'est juste une question de temps, vous pouvez éventuellement lui échapper, comme Magda l'a fait, mais ça ne fait que repousser, en vérité, comme une espèce de némésis, quoi, qui vous aura de toute façon à l'usure, et effectivement, tu penses que ces espèces de... Voilà, d'assaut physique un petit peu classique, rien ne pourrait. Cette créature, tu penses à ce pauvre Achille et tu vois son arme posée au sol à 50 cm. On va ramasser son arme. T'imagines que même un coup de revolver n'y pourrait rien. Moi je ramasse quand même son arme, ok. Ouais. Ça devient chaud là. On voulait pas rebooter sinon. On va y aller. Attends, elle a pas rebooté toute seule. Non. Comment? Elle a pas. Il n'y a rien qui a repris tout seul. Bah, on voulait faire quoi? On se tue avec l'arme, on va au van, on refait une boucle. Et on récupère Jessica dans les toilettes ou... On reprend la route, je pense, pour voir si un truc a changé. Parce que quand on avait pris la route, il y avait. La première fois, on n'avait pas vu. Ouais, c'était juste parce qu'on était allé trop vite, en fait, c'est ça? Parce que sinon, si on suscite tous, on reprend, c'est ça? Ben, ça on ne sait pas, on est mort par la base. Nous devons sortir de la boucle et revenir. Nous donc, devons le faire. Tu veux dire, on refait la boucle? Oui. Donc on va au van et on refait la boucle pour récupérer Archie. On retente d'aller dans le van avec la petite, du coup, voir si ça change quelque chose peut-être. Mais elle a disparu. Ah oui. On peut prendre le corps si tu veux, mais... On peut, ouais. On ramasse le corps de Véronica, on traîne jusqu'au van. On regarde quand même si c'est des traces de pneus. Non, il a dit c'est un truc qui est tombé, comme si c'était écrasé. C'est pris la lune dessus. Voilà. Le truc qui est tombé. Bon, bah, on retourne au van, on démarre le van et on fait la boucle. Vous retournez en arrière à pied ? Avec Véronica, ouais. Oui, avec le cadavre de Véronica. Ok. Et on laisse Achille se faire bouffer par les vers. Mort. Terre. Vous rejoignez cette station essence, donc qui est pour le coup sur votre gauche, avec ce corps, ma foi, bien difficile à trimballer. Comment on s'y prend pour trimballer un corps carbonisé, du coup, savoir, il va sûrement se démanteler à la moindre pression, à la moindre contrainte physique. Tu parles de Schindler, voix, comment ? Non, je parle plus de l'autre corps. Parce qu'elle est brûlée, elle aussi. Elle est brûlée. Elle est... elle semble vieillie, carbonisée. Ok. Bah on la laisse aussi. Bah il y a toujours eu cette chaleur, cette chair brûlée, cette combustion, qui en fait, maintenant que vous le dites, effectivement, ce vieillissement semble plutôt être le produit d'une combustion finalement. D'accord. Mm-hmm. Toujours est-il que la donnée temporelle, elle semble... semble être notable et du coup voilà, glissement, temporalité, brûlé, carbonisé, tu vois. Bon, si c'est trop chiant, on se voit. Ouais Barry. On peut tenter ou pas? Qu'est-ce que vous faites? Vous ramenez le corps, mais comment vous ramenez le corps? On prend trois bouts de bois, on les tient côte à côte. J'ai une longue robe. Trois planches, on les tient côte à côte, on la chasse à la moitié dessus. Non, mais moi j'ai une longue robe, je remonte par le bas, et je fais une espèce de panier, et vous mettez ce que vous pouvez choper de Véronica dans ma robe. Soit, vous arrivez, vous rejoignez la station essence devant, il y a une Harley Davidson, deux rangées de deux pompes à essence, et contre la porte vitrée, ces chiffres en lettres blanches, 24-24. Mmh. On remonte dans le van, moi je suis à côté du passage, du conducteur. Bah je conduis. Tu as toujours ton cadavre. Toujours, je l'ai. Ta poussière de Véronica. Dust. Qu'est-ce que vous faites de, effectivement du corps de Véronica, chose atrocement dérangeante. Sa tête semble détachée de son corps maintenant que vous l'avez trimballée. C'est de la tenir. Mais je crois qu'Elsa, elle a une passion un peu secrète là pour les corps. Je n'ai aucune crainte des corps moches, ni des corps morants d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devant la station essence. On rentre dans le van et on prend la route. Vous rentrez dans le van et vous prenez la route? Oui. Et on essaie de refaire la boucle. Avec Véronica. Avec Véronica dans les... ce qu'il en reste. Ou ce qu'il en reste. Dans ma robe. En espérant qu'elle réapparaisse. Vous reparcourez la roue, vous reparcourez, donc vous retournez dans le sens où vous êtes revenu à pied. Vous traversez vraisemblablement la flaque de sang, l'endroit où vous avez trouvé donc Véronica. Et tout à coup, Achille est au volant. À sa droite, il y a Elsa. À l'arrière, Magda et Sonny qui semblent discuter de sujets hautement intéressants. Et moi d'un coup je réalise que je n'ai plus Véronica. Véronica a disparu. Elsa, tu es à côté, tu te demandes bien. Toujours pareil, 2-3 hein, secondes pour se remettre de ses souvenirs immédiats ou pas, tu ne sais pas. Ça tient plus de la sensation, du lointain souvenir, quelque chose d'imperceptible et... peut-être ce souvenir de chair carbonisée. De chair carbonisée. Et là, peut-être ça pourrait me déclencher quelque chose au niveau de la connaissance. Vas-y, jette-nous connaître. Est-ce que ça pourrait me faire rappeler un espèce de... le truc que j'aurais lu il y a très très longtemps. L'épisode du souvenir de chair carbonisée. Merde, non, ça fait toujours. Je me souviens de rien encore. T'as pas des bonus par exemple, la connaître en paranormal, tu peux avoir une relance, non, quand même? Paranormal? Deux relances, même. Deux relances. Bah, allez, je relance. Allez, au vu du contexte, je te le laisse. Ouais. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Mais deux, quand même, c'est mal. De rien. Te vient à l'esprit un concept qu'on pourrait appeler le ruban de Mobius. Le ruban de Truc, un concept qui crée une boucle de causalité qui semble être des éléments logiquement impossibles, qui pourtant se sont produits les uns après les autres, semblant entretenir comme une espèce de ruban infini, des événements se succédant à jamais. Le ruban de Mobius. Mobius. Ça devient comme ça, une espèce de, voilà, de boucle de causalité, d'événements... Qui tout à coup se mettent à tourner à l'infini et qui s'entraînent les uns les autres, en fait. Comment on casse un ruban de Mobius? Je me rappelle pas encore, mais je crois que la prochaine fois je vais finir par me rappeler, si j'ai un petit peu de chance. Ah, il n'existe pas. C'est quoi nos pistes? Il y a l'idée d'essayer de tenir le plus longtemps possible sans se faire attaquer. Mais ça marche pas. Ça marche. Si, moi j'aurais une option, mais... Faut qu'on soit éclairé tout autour de nous, en fait. On pourrait... On forcément une ombre, et en fait, l'ombre on, on pourrait, avec de l'essence, justement, faire un grand cercle de feu et nous se mettre au milieu. On serait éclairé de partout en même temps. Exactement. Il y aurait pas d'ombre. Forcément des ombres entre nous. Oui, mais elle serait, mais elle serait minime. Elle serait minime. S'il y a de la lumière vraiment tout autour de nous, dans un cercle, et qu'on est au centre du cercle. Oui, puis faudrait peut-être à combien en source, vous tous, pour juste pour avoir une idée. 3, 4. 3, 4, toi. Et toi, pas mal quand même, non? 5. Bon, on fait des trucs avec tes ressources parce que. Il veut qu'on ait plus de ressources pour qu'il se passe un truc. Si on a plus de ressources, on a perdu ses game over. Je crois pas, je crois que... Si, si, il l'a dit tout à l'heure. Je crois qu'on peut pas gagner, en fait. Causalité. Là, on vient d'arriver dans... Des événements logiquement impossibles qui semblent s'enchaîner, pourtant. On vient d'arriver dans la nouvelle boucle, là. On est dans la voiture encore, on est dans le van, là. Ouais. Causalité. Je vais vous rouler... Vous êtes devant la station essence. Non. Si on attend... Justement, je roule, je continue de rouler pour aller au niveau de la gamine morte. Ok. Voir si au moment où la boucle commence, est-ce qu'elle est déjà morte à ce moment-là ou pas? Est-ce que c'est un truc qu'on peut éviter? Ou est-ce que c'est... La gamine est déjà morte. Elle est déjà morte dès qu'on arrive. Et si on ne s'arrête pas à la station service? Bah on reboucle à nouveau. On peut essayer tout de suite. Voilà. On continue tout droit. Allez, on monte dans la voiture et on trace tout droit. Allez, tracez tout droit. Bah on n'est pas descendu là de la voiture. Si, vous avez, juste pour vous voir le corps, en tout cas. Oui, c'est vrai. Vous continuez, du coup, sur ce chemin de forêt, jusqu'à ce que, sur votre droite, la lumière d'un bâtiment qui semble être une station essence. Vous traversez une station essence, dans laquelle une Harley Davidson est garée. Quelques réverbères crépitent, comme pour éclairer subrepticement une route de forêt. Jusqu'à ce que, sur votre droite, un bâtiment semble éclairer ce qui pourrait être une station essence. Quelques réverbères qui crépitent comme pour éclairer une route de forêt. Et l'heure? Est-ce que l'heure avance à chaque fois? Ah, il est 23h55 et au loin, tu vois sur la droite, la lumière d'un bâtiment. Mais si on fait rien, il se passera rien. Voilà. Permet d'exister de... On s'arrête et on fait rien. Non, on continue. Achille, c'est à ce moment-là que... Au moment où tu t'adresses à... Tes camarades à l'arrière pour dire Sonny, qu'est-ce qu'on fait? Il se passe vraiment rien. Sonny! Je la sens, derrière je la sens à la pas, place de boucle. Sonny, la créature qui vient de la buter. Paf. Sans faites bruit. Tous un jet de se contrôler, s'il vous plaît, dans la voiture. Sonny se désagrège, semble vieillir, carbonisé de l'intérieur, ses orbites sont vides, décharnées, sa peau craquelle, ses cheveux deviennent blancs, la chair. Putréfié, remplit vos naseaux, c'est horrible, c'est dégueulasse, c'est ce petit cadavre qui vient se rouler entre la banquette et le siège avant. Contre la combien? 4. Salut Sonny. Combien? 2. 2. Moi, un seulement. Un seulement? Tu perds un point de se contrôler. Tu perds un point de ressources, toi? 4. Tout va bien. Toi, tu vas nous faire un jet de agir. C'est toujours celui qui en a le moins qui prend. Parce qu'en vérité, tu perds un peu le contrôle du véhicule. Ça dépend du niveau de peur. Chut. choqué, apostrophé par cette vision d'horreur. Maintenant, la créature vous attaque à l'intérieur. Oh putain. Deux. Deux, ça suffit. Pour éviter la mort. Du coup, ça suffit pour empêcher au véhicule de faire un tonneau, mais tu fais un tête à queue et tu te retrouves avec le véhicule en travers de la route. Au niveau de la station-service ? Juste avant la station-service. Juste avant. Alors, je suis toujours morte ? Ou on a fait le tour entre-temps ? Vous êtes juste avant la station-service. T'es morte toi encore ? Je crois. La réponse était pas très claire. Alors, je suis tétanisé, oui. Donc. Je descends de la voiture. Tu descends de la voiture ? Qui est à l'arrêt, de toute façon, au travers de la route. Au milieu de la nuit, à quelques mètres, il y a un réverbère qui crépite pour produire une lumière qui semble subrepticement éclairer une route de forêt. Qu'est-ce qu'on a fait avant? Je sais pas, moi je marche jusqu'à la station service. Tu arrives devant une station service commune en tout point, une station service avec deux rangées de pompes, une Harley Davidson, et ses lettres, ses chiffres plutôt blancs. Collé le 24-24 contre la porte vitrée permettant d'accéder à la station essence derrière laquelle une silhouette se tient derrière le comptoir. C'est un homme avec un masque, une tête blanche avec un sourire sadique, carnassier laissant dépasser quelques dents. L'homme joue sur son téléphone portable. On essaie de prendre la Harley Davidson. J'y vais, je lui demande s'il a des chewing-gums. On essaie de prendre la Harley et de se barrer. Achille! Channel ouais. Fear, Laszlo, super cool. Ouais. Station 160. Lui, il a bien tenté de se barrer avec. Plein de fois. Il a tenté de te barrer avec Harley. On vient d'avoir un accident là sur la route. Ah merde. Ouais. Bah il y a une station de gonflage à l'extérieur à côté des pompes à essence. Ouais, mais tu peux venir nous aider à pousser la voiture? Je suis tout seul. Ah bah faut que je tienne mon passe, sinon l'oncle il va gueuler. Ah bah oui, mais la voiture elle est en travers de la route. C'est hyper dangereux, il y a peut-être d'autres voitures qui vont percuter. Et là, tu as un motard qui semble se ramener devant toi. Il a une prothèse à la main droite. Il a de petites lumières teintées de bleu qui te dit « Moi, je peux t'aider, mon gars. » Allez. Mais à ton avis, je prends laquelle de ces deux bouteilles? Tu prends la... C'était quoi, la Four Roses? Les deux. Excellent choix. Il pose l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben... Perte de contrôle... Moi, je voudrais m'imposer pour deux. Il y a eu un... La lumière s'est éteinte, perte de contrôle du véhicule. On dirait que quelqu'un t'a entendu, la lumière semble crépiter. Chute de tension. Et je lui dis, viens avec moi. Et comment tu t'appelles? Comment je m'appelle? Je m'appelle Lenny Neumeyer. Lenny. Bah, viens... Et toi, t'appelles comment? Moi, c'est Archie. Achille. Ok. Enchanté, Achille. On a repris la main. Ouais. Et et je lui dis bah suis-moi et pour m'aider à pousser le van. Je sais pas. Comment il s'appelle? J'ai pas de plan, hein. Je me dis juste je ramène un mec et puis on verra bien. On a peu interagi avec lui. Le meilleur. Tu te rends compte maintenant qu'il a une espèce de grosse verrue? Je fais comme dans Austin Power, j'essaye de pas la regarder, de pas en parler, de pas être obnubilé, de pas en parler. Elle est où cette bagnole? Vous l'avez depuis longtemps, votre... moto. Moto. Il te propose de monter à l'arrière de sa bécane, effectivement. Oui, mais enfin, on va pas loin. Enfin, je crois pas. Bah, vous voyez le van, non? Ouais, oui, je dis... Enfin, oui, d'accord, allez. Non, mais ça se trouve, elle pourra tirer le van. Carrément. La bécane, elle a l'air. Carrément. Tu montes à l'arrière? Je monte à l'arrière. Pas de casse, par contre, hein. Tu m'en veux pas? C'est pas grave. Elle démarre. Hop, je me tiens au truc pour se tenir. Il s'est pas passé 10 mètres. Par-dessus le moteur, tu m'entends. Ça semble le suivre comme le ronronnement du moteur. Ouais, je dis arrête-toi. Elle a terrifié derrière toi, tu Lenny, vois une arrête-toi. Une créature qui est accrochée à l'arrière de la moto. Fonce Lenny. Agir 4. Je suis sur la moto et j'essaye de tirer. Vous entendez des coups de feu venant de l'extérieur. Agir 4, Achille. Deux. Tu perds un point de ressources, je vais te demander un jet maintenant de endurer. Puisque les mouvements que tu as fait, le coup de feu a occasionné une perte de contrôle. Ulani a donc éclaté sa bécane qui a fait une glissade. Comment tu fais de succès sur endurer? J'en fais pas. T'en fais pas. Tu as donc perdu un point de ressource, c'est ça? Tu perds maintenant 2 points de santé à cause du choc de l'accident. Ta gueule est râpée. Tu es tout rouge, tu pisses un petit peu le sang de sous le menton. T'as une main qui a morflé également, un coude. Tu as un petit peu mal à la hanche. Lenny est inconscient à côté de sa bécane. Bon. Et je l'achève. Ouais. Moi je vais essayer. Je tire dans le réservoir de la bécane. Tu te mets à portée. D'explosion, non. Tu prends tes distances. Qu'est-ce que vous faites vous pendant ce temps? Moi j'essaie de me m'auto-tirer les cartes dans le présent. Oh. Donc, c'est présent. Côté boucle temporelle. Ouais. Ok. Ça n'a aucun sens, mais c'est pour ça que ça en a peut-être. Justement. On essaye. Eh ben écoute, ça va être se contrôler du coup. Avec un point de ressource pour utiliser ta déformation professionnelle. Toi, Achille, tu tires dans le réservoir, tu as 5-6 mètres. La moto s'embrase immédiatement, provoquant un halo de lumière qui semble embraser la zone. Tu penses être protégé, mais tu te souviens que ton ombre pourrait permettre à la créature de venir. De toute façon, tu es en pleine pénombre, tu te retournes, il n'y a rien. Je me rapproche du feu. Tu te rapproches du feu. Ouais, on a deux. Tu es très près du feu, ça te crame un peu la gueule, ça te brûle un petit peu la mâchoire, le menton, tout ça. Deux. C'est la même que tout à l'heure. C'est vrai en plus, quoi. Boucle temporelle, non. Le cœur. Le cœur. Tu sens, quant au présent, évidemment, une espèce de blocage, hein, une espèce de présent. Eh, hey, j'ai un indice. J'ai l'impression qu'on vit la même chose depuis tout à l'heure. Oh. Terminable. Oh, ouais. Attends. C'est un métier. Du coup, tu sens une espèce de présent qui oscille, évidemment, entre le passé et le futur. Hein. Traditionnellement, tu as toujours senti que... l'avenir te réservait de plus belles choses. Là, tu as une sensation comme si le passé te proposait une issue, te permettait de plus belles choses. Comme si l'avenir se trouvait dans le passé. Achille, tout à coup, tu l'entends. On trouve la clé dans c'est le tout doux, il n'arrive pas, il n'avance pas. Peut-être des pas chassés, tu te retournes. J'avance dans le feu. Tu avances dans le feu. Le bruit se réduit. Je me mets dans le feu, j'ai le pantalon qui commence à cramer et je fais à l'adresse du fantôme. Ah ah, tu l'avais pas vu venir celle-là. Tes vêtements commencent à prendre feu. Ouais. Mais je suis content de mon coup. Je défie le fantôme. Hein, tu vas faire quoi maintenant? Ça commence à remonter le long de tes jambes. En fait, je pense qu'il y a un truc qu'il faut qu'on trouve dans le chat. Je commence à me dire que je suis super con. Fais-nous un jet de soi contrôlé. C'est même pas forcément là, c'est vraiment l'histoire quoi. Putain, ça relance, Quatre réussites. 4 réussites, je me contrôle à mort, j'ai les jambes dans le feu. Je tiens le choc moralement. Il y a Achille qui est en train de se suicider dans le feu, il tient le coup, les flammes sont en train maintenant de te ronger l'abdomen. Et je crie, ouais, je fais... C'est complètement surréaliste ce qui est en train de se passer, puisqu'Achille... Ah oui. Tu prends feu tout d'un coup. Tu prends littéralement feu. C'est comme je lève les bras et je fais des trucs impressionnants. Et... Jette-nous un petit enduré. Enduré. Et je fais un moonwalk. Et là, comme tu es en train de faire un truc à l'inverse de ce que la logique voudrait, autant de succès seront des points de dégâts. Oh merde. 1, 2. Oh putain. Oh merde. 3. Oh merde. 4. Tu es carbonisé en fait, mais là on est peut-être bien dans la réalité, tu ne sais pas ce qui se produit. Je suis mort. T'es à zéro? Je suis à zéro. Oh putain. Achille est carbonisé. Mais depuis tout à l'heure ça reboucle. Pourquoi ce coup-ci je meurs pour vrai? C'est vrai. Tu es carbonisé, tu te transformes en un petit tas d'os. Alors moi, pendant tout ce temps, forcément, j'étais dans le van en train de... de réaliser... Concrètement, je suis à 30 mètres devant vous. Ouais, donc et du coup, t'es fait... je repars sur la connaissance. Que ça me revient, c'est que ça va me revenir, tout ça. Allez. Non, mais je suis à zéro de santé, mais je... Tu vois que je vais revenir à la prochaine boucle. Les règles d'agonie nous... Oh putain. Tu vas jeter inconscient, agonie, un dé tour. Donc jette-nous un dé à six faces. J'en ai trois. Il va falloir faire endurer sur quatre pendant le nombre de tours du dé. Ouais, mais ça n'a aucun putain de sens, on va voir ce que ça donne. Oh, bah c'est mal parce que après un tour, tu es complètement mort. Donc tu agonises pendant un tour. Ça n'a aucun putain de sens. Sauf si on me soigne. Soigner un petit tas d'os carbonisé, ça c'est compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a l'air plus efficace de rebooter en tout cas. Il y a Gilak qui se tient les mains comme ça sur le chat. Je pense qu'il a, il a perdu toute sa, tous ses points de ressources et sa santé mentale. Trois succès. Que te dire, Elsa peut-être que Magda t'a fait part de son pressentiment qu'elle vient d'avoir. Toi, tu as une idée de peut-être, effectivement, ce ruban, comment on inverse, comment on lutte contre une boucle temporelle, ouais. Peut-être en inversant la tendance, inverser le temps. Voilà ce qui te vient à l'esprit. Je l'avais proposé de te rouler en arrière. Ouais. Ou alors, si on a une horloge, on peut essayer de la remonter en sens inverse. Ouais. Il y avait des horloges dans la station ? Vous pouvez toujours essayer de faire une boucle, on est morts tous les deux. Bah on prend le van et on... On repart en arrière. Bon, on repart en arrière. Tu marches arrière du coup ? On essaye. Vas-y. De toute façon. On appelle. Alors du coup... Est-ce qu'elle a l'air à manœuvrer ? Donc là comment ça se passe ? Parce qu'il y a Lenny qui est inconscient. Bah non, Lenny il a explosé avec la moto. Donc vous voyez direction à gauche quoi. Un brasier. Vous avez entendu hurler. Il y a le van qui est à côté, qui est éclairé par les éclats de flammes qui se reflètent dans les vitres. Au loin, qu'est-ce que vous faites? Ça sent cette petite brise, ce petit vent vous ramène une odeur de chair calcinée qui ne vous inspire guère. D'abord, on va dans le sens, le sens habituel qu'on a pour essayer de refaire la boucle et récupérer les deux là. Tu veux faire un tour normal là, c'est ça? Un tour normal et essayer peut-être de les récupérer, leur expliquer la situation et essayer de faire un tour inverse. Vous ne voyez pas Achille. Ouais. Vous montez dans le van. Ouais. En vérité, le van fonctionne. Hein. Simplement, il a vraiment du mal à démarrer. Il n'y a plus d'essence. Vous voyez le... la réserve qui clignote. Ça vous suffit à reparcourir cette route pour passer devant la station essence. Okay. Jusqu'à un point lumineux, une source de lumière sur votre droite. Il laisse présager d'un bâtiment qui est en fait une station essence. Qui c'est qui est dans la voiture? Pourvu comme toutes les stations essence de deux séries. Non mais on n'a pas rebooté encore. De on n'est jamais arrivé à la station là sur ce... sur cette boucle. Non, c'est ça. Si vous êtes allé chercher Lenny. Ils sont passés devant là et... Si vous êtes allé chercher Lenny, vous êtes revenu. Moi tout seul je suis allé chercher Lenny. Oui mais on était juste avant. Ouais. Donc et là ça y est, on a repassé devant cette fois. Bon, en tout cas, toujours est-il que vous avez rebouclé et vous vous retrouvez à proximité de cette station essence. Donc à 4. À 4. Donc là, je conduis. Et... Bon, alors là, avant d'arriver... Donc moi, là, je conduis. Et le fait que ma santé soit à zéro... Je sais pas, ça n'a aucun putain de sens, mais techniquement, t'es guéri, quoi. Guéri. Tu es intact, tu es en train de conduire le van et tout va bien. Donc tu remontes à 6, c'est ça? Tu es mort de l'intérieur. Non, tu vas rester à zéro, quand même. Le moindre dégât, là, te met out de toute façon. Oui. Écoute, Archie, cette histoire de station, là, je pense qu'il faudrait qu'on reparte en marche arrière tout de suite avant d'arriver. Alors, moi je propose même, j'ajoute, tout ce qu'on a... On repose ce qu'on avait pris, hein. Tout ce qu'on a pris, on le repose, pour éviter le paradoxe. Il faut y aller alors. Mais du coup, on recule. Le problème, c'est que si on va au bout de cette idée, il faut qu'on efface toutes les données qu'on a sur tout ce qu'on a enregistré depuis le début. Si on veut vraiment c'est le moment de l'histoire où c'est déjà hyper complexe. Il y a complexifier encore le truc. Ah non mais qu'on repose les objets qu'on a achetés, tu vois. Tout oui, ce qui est le masque, les bouquins, la bouffe... Achille ! Channel Fear ! Oh Sunny, t'es ma préférée ! Pourquoi vous voulez moi... Vous voulez que je rachète le masque ? J'arrive déjà pas à en vendre... Ouais. Écoute, c'est hyper important, on viendra te les racheter plus tard, t'inquiète. C'est hyper important. Je vous dois me rendre l'argent ? C'est temporaire. Je sais même pas comment on fait avec la caisse. C'est pas grave. Ah bah putain, mon oncle il va gueuler. Oui, j'appuie putain, sur le klaxon. C'est à la con. J'appuie sur le klaxon et je dis il faut qu'on y aille. Il monte le son juste après le baisser. Cette scène. Oh putain, je crois que quelqu'un vous attend dehors. Ouais, dépêche-toi. Là, le biker semble regarder à l'extérieur comme si pour checker que sa bécane va bien. Il est rassuré. Il reprend la comparaison de ce petit Bourbon et de ce petit Fort Rosies. Enfin, de ce petit Jack Daniels et de ce petit Fort Rosies. Comme s'il y avait une différence entre ces deux Bourbons. Mais en tout cas, lui, il a l'air d'en voir une. Bon, bah voilà l'argent, d'accord. On tire l'info de près. Ok. Allez, on remonte dans la voiture. Archie démarre en marche Achille. Arrière. Hop, et je démarre en marche arrière, tout à fait. Tu démarres en marche arrière, donc carrément, c'est-à-dire que tu passes la marche arrière, tu un contact et tu débrayes en marche arrière directement. Ouais. Le van. Et je sors de la station service en marche avec arrière. Les stylos dans la VHS, là. Exactement. Vous reculez. Et on recule. Non. bien joué. Si. Pas mal. C'est plus joli. Oui, tu vois. Vous reculez avec le van en pleine nuit. Ouais. En marche arrière. En marche arrière et toujours en marche arrière jusqu'à ce que, dans le rétro, Achille, au loin, tu vois, sur le côté droit, du coup, cette fois, au loin, une source de lumière. Je continue de reculer. Si la clé est dans le passé, c'est le passé. Je continue de reculer. C'est l'histoire de gamin, quoi. Vous reculez sur la route. Donc ça monte pas bien vite, hein, un fourgon en marche arrière. Je suppose qu'il peut-être aller jusqu'à 40 km/h, grand max. Encore que ça me paraît. Donc ça fait un bruit phénoménal. C'est absolument cocasse. Vous traversez cette station essence commune à toutes les autres stations essence avec deux rangées de pompes, une Harley Davidson et les LED 24-24 sur cette porte vitrée permettant d'entrer dans cette station avec un jeune homme derrière au comptoir avec un masque en demi-lune pour sourire. Vous continuez. Je fais une manœuvre. Et, ouais. je fonce tout droit dans la vitrine. Sur le mec qui a le masque à travers la vitrine avec le van. On fonce. Toi, t'as plus de pot de bière. Donc non. Là, au moment où vous rentrez, vous n'avez pas le temps de dire non à Achille, vous savez pas trop ce qui se passe, le véhicule se propulse à l'intérieur de la station. Visiblement, Sunny, elle est derrière, elle est là, ouais, vas-y. Là, vous voyez que... Je pense tout. Il y a un biker à l'intérieur. Le biker vient de remettre quelque chose dans sa poche et il est en train de se diriger, vous le voyez de dos, vers les frigos. Il est en train de se saisir de deux bouteilles au moment où le véhicule pénètre dans la vitrine et l'explose. S'ensuit un fracas mémorable avec Laszlo. Ah, William scream. Ah, tout éclate. Le van est encastré à l'intérieur du rayon qui chevauche et se propulse au fond de la paroi de la station essence. Et le van prend feu malgré le peu d'essence qu'il y a à l'intérieur et rapidement c'est un brasier qui enflamme l'intérieur de la station essence. Ouais ou pas. Ah putain, Laszlo. Non mais. Ah, il se barre en courant dehors. Et ben, on fait il a eu le temps de se barrer. Ouais, il a eu le temps de se cacher dans le comptoir, il y a le van qui est passé comme ça. Oh, hop. Il est parti, il a quitté le machin, qu'est-ce que vous faites? On sort du van. Le van, il peut être utilisé ou il est mort? Il est en train de cramer. On se laisse cramer. Mais je crois... Bah, on fonce sur le gars, il fait quoi, le biker? Le biker, il a été pulvérisé par le van. Il est mort? Il est mort. Ok, moi je vais prendre dans sa poche arrière. Tu vas prendre dans sa poche arrière? Ouais, ouais, c'est le brasier partout, il y a tout, est en train de tomber, c'est cool. Grave, il faut faire agir 4 pour ça. Tu parce qu'en plus... Le faire. Je crois en toi. Je crois. Semble surgir des ombres puisque l'obscurité est totale comme l'électricité a été coupée à cause de l'accident. J'ai dépensé un point de ressource, ouais. Ouais. À la 4. Tu as fait 4. Tu as fait 4, bravo. Tu réussis non seulement à éviter Moonface qui, repoussé par le brasier, ne réussit pas à te choper puisque tu réussis à choper le téléphone portable dans la poche arrière de ce pauvre homme qui a été littéralement écrasé, qui est en train de cracher du sang. par le véhicule, les hémorragies sont absolument dans tout son corps. Tu as le portable, la lumière semble réapparaître subrepticement, mais en fait non, c'est juste le brasier qui augmente d'intensité. Qu'est-ce que vous faites? Je me rapproche du feu. Tu te rapproches du feu? Vous l'entendez, il tourne autour de vous. Moi aussi, de... Moi, on fait quoi, on court? On va se mettre à l'abri dehors, je sais pas. Ouais, ça va sauter là, il y a de l'essence. Allez, cassons-nous. Vous courez à l'extérieur. Effectivement, le bruit cesse dans une explosion. C'est la station entière qui est pulvérisée par les flammes. Ah oui. Une chaleur incommensurable, un éclair dans la nuit. C'est pour ça que je suis venu aux États-Unis. Enfin. Les grandes explosions. Devant ce spectacle mémorable, quand derrière toi, Elsa, tu l'entends, il est sur toi. Il va être sur toi. Bientôt, il faut que tu testes. Comment on agir. On peut repartir en courant sur le chemin en sens inverse de là où on est venu. Ouais. On va tenir le plus longtemps possible. On a que ça de façon. J'agis à 2 sur 3. Tu meurs carbonisé. Tu perds un point de ressource immédiatement. Non, mais 2 sur 3 non. Il faut en faire 4, un terme depuis le on début. On avec ce... Mais je peux avoir que 3. Nous, on court, on se barre dans le sens par où Elsa s'est faite carbonisée, décrépie. Elle n'est plus qu'un petit tas de cendres. Un point de ressource en moins, maintenant, on est cash, hein, on y va. Moi, je vais vous buter, hein, si ça marche pas. On court. J'avoue que c'est pas simple, quand la mort physique n'est pas possible, c'est pas facile de buter les joueurs. Ils ont envie de se suicider, c'est n'importe quoi. Toi, t'es mort, toi? Bah non, là, je crois pas, pas sur cette boucle encore. Tu veux pas te cela dit, j'étais au volant du camion quand on a défoncé la vitrine. Ouais. Mais non, moi, je suis sorti et j'ai assisté à l'explosion. On court, on part en sens inverse de là où on est arrivé. Bah non, ou on continue tout droit. Vous allez en direction flaque de sang ou direction début? On continue avec la station sur notre gauche. On repart en direction du tout début. Non, on va essayer de revenir en arrière. Comme on vient de faire. Bah non, on était déjà en arrière. Oui, mais ça a fait reculer le temps de 5 secondes. Avant, il avait pas mis le truc dans sa poche. Là, maintenant, c'est peut-être plus court de ce côté-là. Bah justement, on continue d'aller en arrière. Oui, c'est ça qu'on va dire. Dans la direction de par là où on est arrivé au départ. Je vais vous dire. D'accord, c'est ce que je disais aussi. On court. Tu cours avec tous, d'accord. Vous courez vers le début de la boucle et vous courez jusqu'à ce que... Ce brouillage. Vous êtes dans un van, vous êtes en train d'avancer, mais côté flaque, et vous dirigez à l'inverse. Donc vous êtes au bout de la boucle, côté cadavre de la gamine flaque de sang. Et si vous continuez, c'est maintenant donc dans le van, alors qu'Achille conduit à sa droite Elsa. Mm-hmm. Vous avez sur votre gauche la station essence. On continue. Non, alors on ralentit en passant devant la station essence pour voir ce qui se passe au moment si où veux. On arrive. Vas-y. Mais on continue. On observe à l'intérieur, on est sur la route. Jusqu'à ce qu'on est toujours avec la station à gauche. Je ralentis au niveau de la station service. Vous voyez un motard à l'intérieur qui semble être au téléphone. Okay, on continue. Il semble faire des gestes. Jusqu'à ce qu'on ait plus d'essence, de toute façon, on fait là. On s'arrête. On a déjà plus d'essence. Bah, sauf si on compte en arrière, peut-être qu'on n'a pas plus. Non, mais on s'arrête au pire sur une des boucles, on s'arrête faire de l'essence. Peut-être que la jauge augmente si on est à l'envers. Ouais. Plus on va rouler, plus on aura d'essence. Peut-être. Ça se tente. Voilà, c'est vrai. On continue, on roule. Pour rouler cette fois, on marche avant? On marche avant, mais avec le truc sur la gauche. De toute façon, à gauche, effectivement, vous roulez. Jusqu'à percevoir sur votre gauche une lumière d'un bâtiment. C'est une station essence commune à toutes les stations. Elle ressemble à quoi? Il est quelle heure? Il est 22h52. 22h52, on continue? Non, pas 23h. 23h52, pardon. Ok, on le jour. On continue. Vous continuez jusqu'à ces réverbères qui crépitent toujours et vous repassez devant cette station-service. Mm-hmm. Est-ce que le masque est déjà là? Elle ressemble à quoi la station-service? La station-service, c'est une station comme toutes les autres stations avec deux rangées de pompes devant une arrêt Davidson et en lettres de plastique blanc collées sur la vitrine qui permet de rentrer à l'intérieur, les chiffres plutôt 24-24 et un homme. Qui semble donc il était déjà là. Sortir, rentrer dans sa boutique, il ronde sa braguette, il va derrière le comptoir. Il y a un homme qui est en train d'hésiter entre deux paquets de chips. C'est un biker. On continue. Il a d'abord pris les chips avant de prendre de l'alcool. Mmh. Il les avait les chips. Les comment, du coup? Parce que s'il avait deux bouteilles. Non, ouais. Bah, non, mais il a peut-être pris aucun des paquets de chips. Là, il est, ouais. Là c'est en avant. Temps, il a passé un coup de fil. Là. C'est avant qu'il choisisse. C'est avant qu'il choisisse les bouteilles. Il est en train de choisir des chips. Pourquoi est-ce que le mec avec le masque avait le masque avant d'arriver au magasin? Pourquoi il remonte sa braguette? Et pourquoi il remonte sa braguette? Allez, on continue, on veut tout savoir. Vous remontez, vous reparcourez la station essence, vous rebouclez, il est 23h50, vous arrivez devant la station essence. Et l'essence, elle est dans l'essence, là. C'est un homme. Ressemble à quoi, la station essence? C'est une station commune à toutes les autres stations essence, avec ses deux rangées de pompes, avec une Harley Davidson qui est garée devant, et les chiffres en plastique blanc collés contre la porte qui permet de rentrer, cette porte vitrée avec les chiffres 24-24. Comment est notre essence? Et là, c'est un homme bedonnant en débardeur qui sort de la station essence, qui semble saluer un jeune homme qui n'a pas de masque, qui semble expliquer quelque chose. Son oncle semble l'engueuler copieusement. L'oncle repart dans un gros 4x4. Attention, le jeune homme se met à l'intérieur du comptoir et au passage, il saisit sur l'étalage un masque blanc avec un sourire carnassier formant une lune à la place de la bouche et un sourire édenté. Il le met sur sa tête, il commence à prendre son téléphone et à jouer une partie de jeu vidéo. Entre temps, l'homme a choisi ses chips, il a tenté de passer un coup de fil, il est en train de... Oula, attends, je suis en train de dire n'importe non, quoi. Ça passe trop vite, si c'est là, possible. Pour l'instant, vous êtes devant. Ça marche. Il est en train de se diriger vers le rayon alcool. Notre essence, elle est comment? On continue? C'est ça. Notre essence? Notre essence, elle réduit ou elle augmente? Votre essence, non, elle est à peu près pareille. D'accord, bah on continue alors. On continue, mais je propose que dans une boucle ou deux, on s'arrête pour parler à l'oncle. Attends, je l'ai. Vas-y, on continue. Vous continuez Ouais, mais ça sert à rien. Bah si, non, mais est-ce qu'on va choper l'oncle derrière le comptoir? On roule. Dans quel sens? Toujours avec la station à gauche. Toujours avec la station à gauche. C'est ça. On remonte encore dans le temps. D'une minute. Attendez, là, vous m'avez fait bugger du coup. Ah, c'est toi qui t'es excité. Qu'est-ce qui se passe juste pas avant que l'oncle rentre dans la... Bah, on va finir par croiser le jeune en train d'enfoncer le... On va savoir ce qu'il a renversé. On va croiser les filles. Ah oui, on pourra essayer de voir le moment. On peut voir le moment où il y a l'accident, où le jeune il percute. Je crois qu'en tout cas, c'est à peu près ça qui se... Non, je crois qu'à la fin, c'est nous qui allons percuter la fille. Le véhicule, tu roules en marche avant, et tout à coup, tu perds le contrôle du véhicule, Achille. Je vais te demander un jet de agir. Attention, tu reproduis la boucle. J'utilise un point de ressource. Même pas, je crois, si on rate même le point de ressource. Si c'est quand même automatique. Une réussite automatique. Achille perd le contrôle du véhicule. Peut-être à cause de cette flaque de sang qui est sur la route. Votre véhicule vient heurter un réverbère qui se trouve juste ici. Tout à coup, Blackout, vous entendez un grand bruit et ce réverbère cède. Mm-hmm. Il semble tomber, vous entendez... Il tombe sur les jambes de la fille. Mm-hmm. Le cri d'une jeune fille. Mm-hmm. Et tout à coup, vous vous retrouvez dans le van. Putain, vous vous retrouvez où, du coup? Ça n'a aucun putain de sens. Bah, vous vous retrouvez, il est 23h55, vous êtes sur une route. Ouais. Et au loin, sur la droite, ça trouve être une station essence... Sur la droite? Ouais. Ah oui, parce qu'on est reparti. Je sais pas, vous avez rebouclé le truc quoi. Vous avez refait le merdier, il est 23h55 et sur la droite, au loin, vous avez un bâtiment illuminé qui est une station essence commune à toutes les autres stations essence avec sa deux rangées de pompes. Donc si on va en arrière, on tue la gamine. Avec quel que soit le sens, de toute façon. Les lettres. On est bloqué des deux côtés. En plastique blanc. Sur la porte vitrée, signifiant 24-24. Et derrière le comptoir se trouve être un homme portant un masque blanc et rond, avec un sourire caressé. On remonte jusqu'au moment où il y a l'oncle, avant de tuer la petite. Non, mieux. Salut, Pauline Domino. Salut, on revient. Tu arrives en plein climax de folie. Le gamin arrive avec sa voiture avant de percuter le cercle. Non, parce que si on fait ça, nous on se prend le poteau et on tue la gamine. Nous on arrive. Oui, mais maintenant on le sait. Moi je pense qu'il a inventé. On sait où est la flaque d'essence, on peut l'éviter. La flaque de sang, on sait depuis le début qu'elle est là. Non, mais maintenant on le sait qu'on va percuter et faire tomber. Oui, on peut changer le passé. Et moi je dis maintenant que ça a eu lieu, j'ai l'impression qu'on peut pas le changer. C'est ça les causalités. Si on évite la flaque d'essence, la flaque de sang, putain. Du coup, on tue pas la gamine et tout ça. C'est qui a le plus de trucs non, de... On peut essayer ça. On peut essayer. C'est qui a le plus de ressources? Moi, j'aimerais bien qu'on parle à l'oncle. Qu'on s'adresse à l'oncle, qu'on parle au PNJ. Qui on peut essayer de son truc et après on va... Parce que le plus loin, Parce que le truc le plus loin, c'était ça. Et si c'était tout un truc de causalité dont il disait tout à l'heure, si on change le truc de base, c'est peut-être ça. Faites tous un jet de se contrôler, il faut faire 4. Vous êtes piégés dans ce labyrinthe de Mobius. Ça, c'est chaud là, 4. Pas pour certaines. Hein. Merci, Pauline Domino. Pour certaines, ça va. Tranquille. 1. J'ai volonté de se contrôler. Tous ceux qui ne font pas 4 perdent 1 point de ressources. Vous êtes devant la station essence, qu'est-ce que vous faites? Ouh, joli. Oh. Oh, wow. Il y a eu 4. C'est bon. Ça tient le coup, Elsa. Tu sens que tu commences à percevoir une issue. En tout cas, tu as une clé. Je sens le... Les autres, ça ne marche pas. Je vous laisse réduire votre ressource. Ça marche, bien joué. J'ai 4 aussi. Et toi, Magda? Je l'ai réduit. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous faites? On fait le plan qu'on a fait. On fait ce qu'on vient de dire là, je sais plus. L'oncle et le... Moi j'irais bien en essayant, en évitant la flaque. Allez, on retente. Quelqu'un d'autre veut... Non bah non, c'est forcément moi au volant à chaque fois. Ouais, mais si vous voulez, on peut brancher des trucs de son. Et comme ça, au moment où on passe et qu'il est en train de parler à son neveu, j'essaye de capter en passant ce qu'ils se disent. Et en même temps, comme ça, on s'arrête pas. Ok. Non mais on peut s'arrêter, on peut faire la boucle. On sait ce qu'il lui dit, tu fais gaffe à ça, Non, et il l'engueule, donc je pense que l'autre doit lui raconter qu'il a parce qu'il est en retard. Truc et tout ça. Oui. Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben on prend la route. Vous déboucler, c'est ça? On arrière. Vous déboucler. La station sur la gauche. 54, 53, 52, paquet de chips, téléphone. Top. Donc c'est à 51 que ça se passe. À 51. 23h51, vous passez devant la station essence, il y a un homme bedonnant avec un Marcel qui est en train de engueuler copieusement. Vous avez votre son. Donc là, je branche le son, je dépense un point de ressource pour écouter tout ce qu'il dit. Ils ne font pas attention à vous, vous entendez dire « Putain, Laszlo, mais toute ta vie, tu seras en retard !» Ma parole, c'est impossible, les gamins dans ton genre, mais franchement, ta mère, je l'en foutrais si je le connaissais encore, cette... Pardon, elle est morte, mais... Franchement, c'est n'importe quoi, l'autre lui dit « Tonton, j'ai percuté un cerf, franchement, la voiture, elle est niquée, j'ai pas fait exprès, mais... T'as quoi ?» Bon, je me casse, moi, j'ai chasse, là, avec les copains, donc, tu sais comment ça marche, hein. Je t'ai tout dit au téléphone. Hop, Lancelot rentre à l'intérieur. Le tonton bedonnant part en 4-4. On continue. On évite la flaque. Non, on continue de boucler en évitant la flaque. Et le 4-4, il part dans quelle direction? Avec la station à gauche ou à droite? Avec la station vers la plaque de sang. Donc à la station sur sa droite. Il y a la station à droite. Ouais. Donc on va le croiser. Ouais. Nous, on est en arrière. Ou il passe derrière. Bah on continue, mais il fait gaffe. Ouais, c'est à pas la logique, il part de l'autre côté du coup. Ah, il part du même côté que nous. Ouais. Il part, on le suit. Ouais. Attends, c'est pas logique non plus. Il n'y a absolument plus de logique du tout. Non, mais s'il a la station à droite et nous la station à gauche, on croise. Il a peut-être coupé à travers la forêt puisqu'il a un 4-4 et qu'il va à la chasse. Comme ça, c'est résolu. Magnifique. En tout cas, peu importe le. On le suit pas. Non, on continue, on évite la flaque. Si de ça sang. T'arrange, on le suit pas. Ah oui, si on les évite, on les a dépassés de toute façon. Allez. Continuons en arrière, on va à 50 et ce coup-ci, je ralentis pour pas me faire avoir par la flaque de sang. Fais un se contrôler parce que chaque fois qu'on reboucle, quand même, on est. Allez. On se souvient pas tout de suite de tout. Allez, ouais. Allez, encore. Ouais. 3 réussites. Ouais, non, il se contrôle bien. Tu te contrôles, tu ralentis, la flaque de son n'est qu'une broutille. Ce réverbère reste intact sur la droite. Et c'est une jeune fille. Sur la gauche. Véronica. C'est une jeune fille, du coup, qui vient au milieu de la route, en fait, qui est complètement effrayée. Je ralentis. Elle a plein de colliers en or, du coup, elle est habillée d'une robe noire un petit peu fine et d'un jean. Véronica, elle vient. Elle continue de fuir dans Véronica. Sur la route. Oui, je descends de la voiture et je crie Véronica, Véronica. Vous voulez pas qu'on se casse juste, ouais. On s'en fout de Véronica. Elle a peur d'un épouvantail. Elle est descendue là. Elle se retourne vers vous. Vous connaissez mon nom? Oui. Oui. C'est ton père qui nous envoie. Et là, je lui dis, ramène-nous où tu as eu peur là. Vas-y. Non. Jessica. Bah non. Jessica. Jessica. Elle se met à hurler le nom de son amie dans la nuit. Elle est enfermée dans les toilettes. Comment ça? Quelle toilette? De la station de service pourrie. Vous en venez? Ouais. Et pourtant, vous venez de l'autre côté. Ah! J'ai de se contrôler! J'arrive pas! Ah! Elle court vers la station. Ouais. Bah, nous, on. Mais nous, on continue. Ouais, mais à mon avis, c'est là-bas que ça se passe. Hein. Parce que pour terminer la boucle, il faut aller à la source du problème. Eh ben, peut-être avant que le cerf soit percuté. C'est les premiers qui ont été. C'est le truc le plus ancien dont on est au courant, c'est le percutage de cerf. C'est le. Pour l'instant, ça semble être l'acte originel, peut-être. Ou le cerf, ou justement le. Peut-être que si on refait un tour, le cerf est pas mort. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on arrive avant Laszlo. Là, le but, c'est que d'arriver avant Laszlo. On remonte le temps. Vous remontez le temps. On va à 49. Vous traversez une station essence sur votre gauche, commune à toutes les stations essence. Elle ressemble à quoi? Avec ses deux rangées de pompes, il y a une arène Davidson garée devant. Et collé contre la vitre qui permet de rentrer à l'intérieur, les chiffres 24-24 et un homme, deux personnes qui sont en train de, dans un jeune homme qui est en train de prendre son poste à l'arrière, il a chopé un masque, il est en train de le mettre sur son visage. Il le relève et se remet sur son téléphone. Non, c'est normal. Et l'oncle. C'est normal, en plus vous êtes arrivé doucement. On est à 49. Non, il n'y a pas de 49, puisqu'en fait, quand vous reparcourez dans l'autre sens, vous traversez la station, vous continuez, et vous roulez pendant 10 minutes, vous arrivez jusqu'à un embranchement avec un panneau sur la droite qui semble préciser l'existence d'une petite ville. Sur la gauche, un autre panneau qui semble parler d'un stand de tir. On est sorti de la boucle ? Je sais pas, mais on va dans la ville. On dirait, ouais. Mais attendez. On retourne dans la boucle. Non. On fait demi-tour. On s'en fout, on prend un des deux panneaux. Il est stand de tir ou la ville? Il est quelle heure là? La ville. Bah, il est genre 23h40. Il est minuit passé là. 40, quoi. Bah là maintenant il est 23h. Parce qu'on a roulé 10 minutes. Non, il est ouais, vous avez roulé un peu, il est minuit. Il est minuit. Non, mais il est minuit 20 quand on était. Quand la boucle. Notre essence, elle est quoi? Non. Vous êtes sur la réserve. Elle recommence pas à minuit. Elle va dans la ville. Non, elle était à minuit 20. Non, mais c'était pas une question de. Ça rebouclait quand on était tous morts. Si tu sors du. On n'a jamais tenu plus d'une demi-heure. On va dans la ville. Oui, mais si vous allez dans la ville. Vous arrivez dans cette petite ville. C'est juste là, on est sorti de la baptisé. Mais si on y retourne, on sera 23h55 à nouveau. J'ai plus d'idée. Là, mais au tout début, là, quand on sortait de la boucle, à chaque fois, ça s'appelle Oma O. À chaque fois, on se. Oui, mais quoi, ça se certainement en hommage à une tribu indienne qui vivait par là. Non. Malheureusement, cette ville n'est pas équipée d'une station essence et vous tombez en panne. Oui. Et c'était à chaque fois, ils donnaient ça. Vous êtes un petit peu subjugué. Non, il n'y a pas de. Ok. Il n'y a rien à diminuer. Vous êtes tombé en panne dans cette ville, baptisée Omaro. Pour une autre voiture. Omaro. En hommage à une tribu indienne qui certainement résidait là il y a des lustres. Oh putain, le coup du vieux cimetière indien sur lequel on a construit une ville. Non, une station. En pleine nuit, il n'y a personne dans cette ville. Vos montres affichent maintenant minuit 10. Ah ouais. On cherche un endroit là-bas. Je fume une clope. Et on essaie tous de réaliser ce qui nous est arrivé là. Oui, mais là on n'a rien résolu, c'est-à-dire que pour l'instant on a juste un phénomène étrange. Alors, vos téléphones fonctionnent. Ouais. Cédric, tu reçois un texto. Le vieux. Ton CV a été retenu par une agence de com. Il propose un boulot de publicitaire. C'est bien payé. Pour une petite chaîne locale dans l'Ohio. Ah ouais, encore un coup de Google ça. Et là c'est un passant qui vous dit, vous êtes en panne ? Il promène son chien. Ouais. Oh madame. Non, vous êtes... Si. Oh, mais moi je demande, hein, c'est tout. On hein. est en panne, ouais. Oui, nous sommes en panne. Vous savez où on peut prendre de l'essence. Bien sûr, j'habite à deux pas, mais il n'y a pas de station ici. La station, il faut revenir en arrière, il faut tourner à gauche. Il y a la 160 qui est sur la route. Ouais. Direction de... Est-ce qu'il y a une autre station et service parce... Vous connaissez là... un endroit où on peut passer la nuit en toute sécurité. Écoutez, j'ai ma vieille tante Bertie qui pourrait vous accueillir. À mon avis, ses enfants sont partis de la maison il y a de ça deux semaines pour aller à l'école, l'université. Vous connaissez? Oui. L'université, la grande ville. Vous êtes allé à l'université, monsieur? Non, je n'ai pas eu cette chance. On a eu peur de se perdre, alors on a fait demi-tour, mais il y a quoi là d'où on vient? Comment ça? La direction là d'où on vient, il y a quoi? Il y a un embranchement, si vous êtes tout droit, c'est le stand de tir. Si vous êtes à droite. Non, ça c'est devant nous. La station l'endroit d'où on vient, je lui demande, je lui dis qu'on a fait demi-tour. C'est ça. Il nous dit juste c'est la station de tir. L'embranchement, ouais, si vous prenez à gauche, c'est la station service. Tout droit, c'est le stand de tir. Puis à droite, vous rejoignez l'autoroute et tout ça au bout de une vingtaine de kilomètres. Autoroute qui descend dans le sud. Vous connaissez la... Pas d'ici, vous. Et vous êtes d'ici, vous, du coup. C'est ça. Là, on a entendu parler de cette légende urbaine là, concernant le Moon... Ouais, c'est les conneries des gamins, face. C'est du coin. Mais elle consiste en quoi, cette légende? Oh, pff, il paraît que c'est un gamin abandonné qui tue les gens quand il n'y a pas de lune. Ça s'appelle comment? Comme les soirs comme Moon ça, là. Fake, je crois. Comme les soirs comme ceci. Moi, je l'appelle comme ça. Ouais. Je parle un peu anglais, vous savez. Allez, j'utilise ma déformation professionnelle pour ça. Okay. Au Texas. Vas-y. Ou pas, je sais pas. Est-ce que t'es la bonne personne à qui le faire? Je doute. Pour lui faire quoi? Bah, peut-être pour lui faire lire des trucs qui signe et qui veut pas nous dire, par exemple. Mais je vais pas faire maintenant. Non, je vais attendre quelqu'un d'autre. Vous le connaissez, le proprio de la station service? Non, c'est un vieux con. Hein. Ouais. Un vieux redneck. Ouais. Avec un Marcel blanc. Mais... C'est l'effet qui vous connaissez? Patrick, Philippe, je sais plus, il y a deux frères là. Philippe et Maurice. Mais moi le 4x4 il est au GPL hein, du coup. Hein. Je suis le seul du coup. Hein. Enfin, c'est pas facile hein, pour remplir le réservoir. Ouais, fait un peu frisqué du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va boire un coup chez moi ou. Allez, vous habitez loin? Franchement non, je suis juste là. Allez. C'est vrai? Ouais ouais. D'accord, et puis on va lui raconter notre aventure. Vous m'êtes sympathique. Ouais. Mais c'est quoi ce fourgon? Vous avez l'air. Vous êtes quoi? Vous êtes une sorte de d'équipe technique? Vous faites quoi? On fait de la télé. Oh putain, c'est génial ça! Ouais, mais on s'est perdu là. Moi j'ai l'impression que mon antenne pourrait peut-être jeter un coup d'œil. On s'est un peu perdu là. En tout cas, vous, je sais pas, mais moi, un petit remontant. Ouais, c'est exactement ce qu'il me faut. On va chez lui, on boit des coups. Parce que moi, Moonface, je connais pas. Par contre, les Moonshiners dans le coin, ils nous font une petite gnôle, je vous dis pas. Elle va vous détendre, ma petite dame. Allez, vas-y. C'est de la gnôle du coin? Ah, c'est d'ici, hein. Ça c'est du cru vraiment. C'est légal. Tout à coup. Non. Oh putain. Oh, pas dans la ville. Putain, non, on est pas ça. Attends. Et ça... Putain, de montre à la con. Ah, c'est l'heure que je prenne mes médocs. Putain. Bon, allez, on va à l'intérieur ou pas? Il est quelle heure? Voilà, franchement, il commence à être quoi? Il est minuit et demi là. Minuit et demi. Vous allez, du coup... Archie, il est au volant encore, il commence à taper dessus. Vous suivez Roosevelt chez lui, il vous fait boire sa petite gnôle du coin, il vous demande de raconter son histoire, il vous dit j'ai un problème d'antenne, je capte mal la télé, comme vous êtes de la télé, vous pouvez peut-être me la réparer. Et puis quand elle ne marche plus? Bon, je sais pas, il y a eu un orage, une tempête là, il y a deux semaines, puis ça a tout niqué. Il y a deux semaines. Moi, je m'endors dans son fauteuil après avoir bu des coups jusqu'à demain matin. Bon, c'est la fin de l'histoire. Vous êtes sorti de cette boucle temporelle. Le temps semble suivre son cours normal. Et le clic-clac, là, c'était pour rigoler, juste. Ouais, ça, c'était sa montre, c'était les médocs. C'était son alarme. C'était sa blague. T'es peur. On retourne le lendemain matin? On y retourne le lendemain matin. C'est la fin de l'histoire, les gars. On y retourne. Tu dors une petite musique normale? On y retourne. Non, c'est vrai, on va aller le buter, Moonface. En tout cas, vous êtes sorti de la boucle temporelle. Ouais. Vous avez. Et on y retourne le mois d'après. On fait des plans, on organise, on monte une équipe, on fait venir les autorités. Et un mois après, on y retourne pour la nouvelle lune. On a fini à minuit pétante. Si vous retournez à la station essence, le lendemain, c'est le tonton qui tient le... qui tient le magasin la journée, qui remplit les stations, qui remplit d'essence les réservoirs des petits américains pour qu'ils aillent travailler, tirer aux flingues. Et donc, explique-nous là. Alors les sorties, est-ce que c'était la bonne sortie? Bon, c'est fini, vous avez compris hein, du coup. Et s'ils n'étaient pas sortis, ce serait passé quoi? Puisque ils sont restés dans la boucle, ça les a pas dérangés. Bah, on n'a rien résolu. Bah oui, c'est ça. On n'a rien résolu, on en est sorti vivant. Ouais, mais à votre avis, il s'est passé quoi alors? Attends, il n'y a pas eu d'autres sorties, il n'y a pas d'autres sorties dans ce jeu. Là, dans ce scénario, en tout cas, il s'agit de s'extraire de cette boucle temporelle dans laquelle vous êtes précipité et emprisonné. D'accord. C'était l'objectif principal. Et l'accroche de scénario qui est, vous l'accorderez, relativement minable, du coup, c'est juste un prétexte, en fait. Oui, l'histoire de la maison hantée avec des animaux. Ouais, c'est ça, ouais, c'est juste un peu minable. Alors, à votre avis, c'est passé quoi, du coup? Avant que je vous dise de la vérité. Bah, on est tout au premier degré, nous. Ouais. Face, il existe, et il nous a pris au piège dans sa boucle. On a réussi à s'en sortir. C'est ouais. Bah, le gamin mort, bah, il est... Il retombe toujours au même endroit où il a été enterré, en dessous de la station service, j'imagine. Et ça fait une espèce de cloche, tu vois, dans laquelle il arrive à avoir une espèce de chronologie de ces événements qui se passent, du coup, le cerf, la gamine, vous. Bah, c'est les gens qui sont coincés dans la boucle à ce moment-là, à qui il arrive des trucs, et puis au fur et à mesure où on remontait, on a compris ce qui se passait. Ah non, mais c'est la pleine lune. C'est la nouvelle lune. Voilà, c'est la nouvelle lune qui se termine. Non, ça se termine pas. Enfin, dans un temps, tu vois, genre. Non, la nouvelle lune, c'est la nouvelle lune. Un truc de. Non, je vous lis. Je vais reprendre là, du coup, c'est peut-être plus intéressant. L'équipe de Channel Fear est prisonnière d'une boucle de causalité, un événement qui en occasionne un autre, où l'événement original est causé par un événement qui le précède et le suit, rendant l'ensemble logiquement impossible et sans fin à la manière d'un ruban de Mobius scénaristique. Ce concept se retrouve d'ailleurs dans la géographie même de cet épisode où la forêt succède à la station-service qui se succède à la forêt. Cette boucle temporelle, aussi surnommée principe de l'écrivain, créée par la mort de Véronica, déroule d'une manière tordue et confuse les événements menant à la mort de Véronica. Les enquêteurs surgissent dans cette boucle en ayant accidentellement provoqué le décès de l'adolescente, mais sans en avoir le souvenir et sans que l'univers de la boucle ne le démontre de manière évidente. Chronologie. Jessica et Véronica sont deux fugueuses de 15 ans. Pas de beaux-parents pervers, juste un ennui du quotidien et un avenir démotivant. Véronica est issue de la rencontre d'un soir entre la serveuse d'un bar routier et un motard âgé. Elle a vécu toute sa vie avec sa mère et n'a vu son père qu'une poignée de fois. Ce soir, alors qu'elles font halte à la station-service direction Las Vegas, Véronica se décide à appeler son paternel, oui. Lenny Neumeyer, sans trop savoir pourquoi. Besoin de se rassurer, sûrement, pour le voir en tout cas. Ne le voyant pas arriver, elle décide de repartir en coupant à travers bois. Dans la forêt, les adolescentes sont effrayées par la silhouette d'une créature à tête masquée. Ce qu'elles pensent être, Moonface, qu'elles ont découvert dans la station, n'est autre qu'un épouvantail affublé d'un masque par des adolescents du coin. Mais le mal est fait. Terrifiées, seules, en pleine nuit, elles courent, tentant de retourner aussi vite que possible à la station, mais se perdent de vue. Jessica parvient jusqu'au bâtiment, et surprise, à nouveau effrayée par l'inconnu masqué à la caisse, Laszlo, qui vient tout juste d'arriver pour remplacer son oncle, et court se réfugier dans les toilettes, tandis que Véronica meurt. Le fait est que Véronica a été électrocutée à l'orée de la forêt par un réverbère dont la chute lui a écrasé les jambes. Chute provoquée par la perte de contrôle du véhicule des personnages, d'où le capot enfoncé. Perte de contrôle due à la vision d'une silhouette rampante dans le rétroviseur, Moonface, fantasme, et une chaussée rendue glissante par du sang. Animal présent en quantité. Ok. Sans animal présent à la suite de la percussion récente d'une précédente voiture, Laszlo Morris, avec un cerf, Emion. Percussion due à l'éclairage de la route qui vivote parce qu'un réverbère a chuté à l'orée de la forêt. Ok. D'où les événements en fait qui bouclent à l'infini puisque vous percutez une jeune fille à cause de la tache de sang en ayant perte de contrôle. Du coup, enfin vous percutez le réverbère tombe sur la jeune fille. La jeune fille du coup meurt. Bah, c'est le sang du sanglier, enfin du cerf. Du cerf qui a commencé tout. C'est ça. Sauf que le sang du cerf a été provoqué parce que le poteau était tombé. Parce que le poteau était tombé, ça a causé une chute de tension d'électricité. Et en vérité, ce Moonface n'est que fruit de l'imagination de cette pauvre adolescente qui, effrayée, se prenant un poteau sur la gueule, crée cette espèce de vision de cauchemar dont vous êtes en partie responsable qui vous propulse dans ce cauchemar. On est dans le cauchemar de la gamine. C'est ça. Le fantôme est le fruit de son imagination, de cette... Et il apparaît comme ça... De cette dimension parallèle. Ah, merci les nouveaux follow. Ouais, grave, merci pour les follow. Moi, j'ai eu des vraies excitations, des vraies peurs, des... Je l'ai vécu hyper intensément, hein, c'est vrai. Des fois, je me demande s'il te faut des jeux de rôle pour ça. C'est naturellement comme ça. Après, comme toutes les boucles temporelles, ce genre d'histoire, évidemment, on peut toucher les limites à un moment donné, hein, c'est vrai que ça devient le bordel. Non, mais c'est tout le temps le bordel. Les histoires temporelles, c'est tout le temps le bordel, mais là, j'avoue qu'en jeu de rôle, c'est particulièrement drôle quand t'as le meneur de jeu qui lui-même se perd dans son propre scénar. C'est un moment de rire. Ce qui m'a fait... En fait, vous avez déjà fait remonter. Vous avez déjà fait au premier tiers, vous êtes remonté en arrière et vous avez rebouclé avec la station sur la gauche et personne ne m'a demandé l'heure. Vous auriez demandé quelle heure il aurait été 23h54. C'est vrai. Et en fait, dans le premier tiers de la partie, vous auriez compris qu'on montait le temps. Parce qu'on aurait pu faire ça. Mais personne. T'aurais fait quoi si on avait fait ça dès le départ? Repartir en arrière? Bah franchement, je pense que la partie se serait terminée il y a peut-être 2 heures. Oui, mais comme on heures, savait pas tout ce qu'on allait trouver, on n'aurait pas forcément capté. Fait le lien, ouais. Là, tu vois, ce qui fait qu'une fois qu'on a décidé de remonter, on coupe l'équipe de la station. De toute façon, on a obligé de boucler une première fois, parce qu'on est... Vous auriez fait une fois, deux fois, je vous aurais décrit un événement dans la station un petit peu en avant, vous auriez dit « Ouais, on s'arrête, on va parler... » Oui, c'est ça, on aurait eu la curiosité. Moi, je balance Moonface, il y a quelqu'un qui meurt, vous vous dites « Ah, non, on va reboucler, et puis finalement, on se retrouve à 55. » Et on se permet de faire des boucles, justement, parce qu'on s'est arrêté plein de fois, qu'on a déjà parlé plein de fois au personnage, et c'est pour ça qu'on se permet de faire des boucles rapidement. Et en fait, l'issue, c'est de reboucler 5 fois en arrière pour remonter de minute en minute. Mm-hmm. Mais quand vous êtes à 23h50 et que vous me dites on reboucle jusqu'à 49, là j'avoue que je savais pas quoi faire. Et techniquement, on remonte à l'infini. Non, là vous êtes déjà sorti de la boucle en fait quand vous avez évité la gamine. Vous voyez ce que je veux dire? La gamine n'est pas morte en fait, du coup. Ouais. Bah, c'est ça qui a évité le. C'est ça. C'est là qu'on a créé le. La distorsion. Ouais, c'est ça quoi. Pour ça. Mais après, il y a une histoire de, effectivement, quand tu boucles dans le même sens, mais après tu te retrouves dans la même et ouais, non, on s'en est à peu près bien sorti quoi. Et quand vous revenez en arrière, bah comme vous êtes plus dans la boucle, vous repartez dans le. Tout le monde le sait que les scénarios temporels, c'est toujours ultra casse-gueule. Oh putain. Mais du coup, tu l'as tenté, joli. Ouais, j'avoue, mais je savais bien que c'était glissant. Hein. Et encore là, c'était que sur le temps, mais ça aurait pu partir sur des détails complètement sinon. Parce que tu vois, à un moment donné, on est parti sur le délire de laisser les trucs qu'on avait pris de l'endroit où on a eu le truc. J'ai même proposé qu'on efface toutes les données. Voilà, qu'on n'ait plus aucune trace du passé. Ils ont choisi deux fois le même, tu vois. Mais là, l'erreur que j'ai commise, là où j'ai un peu flippé, c'est que le scénario, il conseille de passer sur la station-service vachement vite. Et en fait, de pas vous donner des détails... Vous voyez, sur la première scène, votre toute première arrivée, avant que ça se passe, en vérité, on a quand même pas mal joué. N'empêche, t'allais pisser. Et moi, à ce moment-là, j'ai déjà une adolescente qui est dans les chats, tu vois. Là, pas trop de questions, pas trop d'approfondissement, tout va bien, tu vois. C'est vrai. Mais finalement, vous avez vachement parlé avec l'Asto, vous avez découvert Moonface avant même d'être dans la boucle, quoi. Mm-hmm. Là, je me suis dit, merde, on s'embarque dans un truc, ils vont vouloir rester là, camper, quoi. Du coup, j'ai fait un Laszlo complètement désintéressé, qui fait pas attention à vous, qui a l'air d'être nul, quoi. Heureusement, vous êtes parti, quoi, parce que sinon, là... Là, j'étais mal quoi. Oui, non, mais si on reste non, là. Quoi, parce qu'au début, on avait encore notre trip de. Bah, surtout qu'on espérait partir pour aller à la. Oui, mais, voilà. Mais là, ce moment-là de l'histoire, je me suis dit putain, pour une scène de préquel qui n'a a priori pas de rapport avec l'histoire, elle est fouillée. Et là, les joueurs, comment ils le vivent? Parce qu'en vrai, c'est hyper cool. Ça fait une espèce de scène d'avant qui est fouillée, mais qui a rien à voir. Oui, mais nous, je me suis dit, il y a Moonface, il y a un truc, il y a une créature et tout. L'histoire, elle se passe là ou pas? On part, on va sûrement la rencontrer plus loin. Moi, je me suis dit, ça va nous servir à dénouer l'histoire après. Ouais, c'est ce que je me suis dit qu'elle allait se passer. Du coup, je pense que là, ça marche. Moonface, tu vois. Donc, le scénario s'appelle 24-24. Je voulais pas la nommer comme ça parce que c'était trop centré sur la station, du coup. Ouais. Tu vois. Non, non, t'as bien fait de pas nous le dire. C'était bien épique. Cool. Hein. Oh putain. Tu dois être crevé. Ouais. Bien joué. Mais c'est vrai que c'est difficile de. T'as bien décrit 58 fois. Bien la même chose. Mais moi, il y a vraiment eu des moments où j'étais. Le cœur battait, j'avais vraiment peur dans les situations. Et j'étais vraiment. J'avais vraiment le rythme qui accélérait dans les scènes d'action. Et pourquoi des doigts en aiguille? C'est quoi le cauchemar? Parce que ça, il le dit, Laszlo, chacun fait à sa propre représentation. La base, c'est un sourire de lune, machin truc. Mais là, la nana, elle. Cette donnée temporelle, c'est un petit peu rajouté, quoi. Du coup, c'est sorti de son imagination. Parce que finalement, oui, il n'y a pas de monstre, en fait. Il n'y a pas de monstre, non. C'est la jeune fille qu'il a créée en perdant la vie. Bah si, il y a un monstre. Ouais. C'est la gamine qui crée des boucles temporelles et... Quel pouvoir. Ouh. Faudra qu'on mène l'enquête sur elle la prochaine fois. Faut qu'on l'enferme. Et sont cool ces petits scénars quand même, ces petits concepts. Putain, ça ressemble un peu à Rosa Parks là, qui est prisonnier dans son rêve, ce dont on parlait quoi. Ouais. Les concepts comme ça, c'est quand même assez cool. Hein. Bien cool, ouais. Tu vois, je voulais vous le faire jouer depuis longtemps. C'est... En fait, il faut le présenter comme une interlude un peu, sauf que la station, c'est le scénario. Cool, bah merci d'avoir joué. Merci d'avoir dirigé. Merci à toi. Bel effort. Cool. Quoi, toi? Ouais, mon zéro de santé, en fait. Zéro non, je santé, on repasse à 6 à chaque fois qu'on boucle, en fait. C'est ça, mais c'est juste que moi on l'a joué, la perte de santé, mais on aurait pu le jouer à chaque fois. À chaque fois que quelqu'un vieillissait, on aurait pu le mettre à zéro. Parce que même les points de ressources, quoi, techniquement. Bah, les points de ressources, non. Je pense que les points de ressources, comme on garde un souvenir des boucles précédentes, les ressources, on les perd vraiment. Ça, c'était ouf aussi. Par contre, la santé, t'aurais pu jouer là-dessus, nous faire perdre des points de santé et à chaque fois nous dire, bah là, vous repassez à 6 de santé. C'est vrai, c'était la première fois. Ouais, ce qui aurait alourdi le truc, ouais. C'est juste là, peut-être les ressources, la santé mentale qu'on pouvait. Première fois où t'as le personnage qui meurt là, au bout de 10 minutes de jeu. Oui, mais on avait déjà fait des boucles, du coup. Mais vous en moi, je me suis dit, s'il la laisse mourir aussi vite, c'est que il va revenir, sinon il la laisserait pas mourir. Oui, moi, pareil, je me suis dit que. Puis c'est le fantasme. De ce genre de truc aussi, c'est le principe des boucles, des jours sans fin comme c'est ça. Scénaristiquement, c'est un truc où tu peux tout faire, c'est un espace dans lequel tu peux tout faire quand ça reboucle. Ça a pas eu lieu. Il y a un moyen de sauver la personne qui vient de mourir, par exemple. T'as toujours une espèce de. De le sauver en essayant de récupérer une ça peut être la mécanique d'un scénario jour sans fin, ouais. De tout changer de manière à ce que tout. Qu'une journée se passe. Dans les trucs fantastiques, là, tu vois. Comme dans Edge of Tomorrow, où justement, il essaye de gagner une bataille en rebouclant tout le temps la même journée. Ouais. Il meurt des milliers de fois, il voit des gens mourir autour de lui, il essaye de les sauver. Mais on savait pas et la meilleure boucle, c'est celle où il sauve tout le monde. Et... Mais quand je suis mort, on savait pas que c'était une boucle temporelle. Bah, puis surtout. Si, on l'avait déjà fait une fois. Je crois. Dans les deux sens. Si, on l'avait forcément déjà fait. Puisque la première fois, on a juste quitté la station service. On l'avait fait deux fois déjà. On l'avait fait une fois par hasard, en se cassant, et une fois Archie tout seul quand il avait pété le plomb. Ouais. C'était la troisième fois. C'est que je captais, que je voulais tester. Parce que j'ai vraiment pété les plombs. Non, plus moi tard. Là où j'ai commencé à flipper, c'est quand en remontant, ça a commencé à reboucler. Je me suis dit, non. Bah, moi, je me suis amusé à faire des trucs stupides en sachant que ça allait reboucler. Une fois qu'on avait compris, je pense qu'on est tous. Quand je suis arrivé, j'ai tué les mecs dans la station. Putain, on se casse! Quel craquage! Et le moment où on a fait péter la station service. Putain. C'était la meilleure. Et Sony qui me dit ouais, vas-y! Partir en arrière. Au début? pas au début du coup, pas la première fois, parce qu'on l'a testé assez vite, mais comme tu dis, on n'a pas compris. Bah, mais c'est... pourquoi après on a voulu c'est quand t'as dit c'est dans le passé que le... la solution se trouve, oui, mais la vous avez déjà fait. C'était le tirage de cartes. C'est ouais. Le tirage de cartes où il t'a dit le... dit la causalité, machin... Non, ou... il t'a dit que ce qui était... Oui, ce qui... le futur était pas... Passé. Ouais, ouais, il y avait du mieux dans le passé, du moins bien dans le futur. Mais n'empêche qu'on l'avait testé une fois, donc... Ouais, ça n'avait pas suffi. On s'est dit qu'on l'avait pas, peut-être pas fait suffisamment. Non, on l'avait pas fait sans qu'il y ait... Sans qu'on ait changé de choses, tu sais. On s'est dit qu'il faut qu'on repose les choses. Ah oui, d'accord. Alors qu'au final, c'était pas ça, mais... Mais en tout cas, ça nous a fait le retester. Ah oui, et c'est parce que t'as fait la petite différence sur il y a eu 30 secondes d'écart et du coup on s'est dit là il s'est passé un truc. Ouais. C'est même pas avec l'art. Dans sa poche. C'est ça. Truc, et qui se dirige vers les bouteilles. Ouais. On a compris qu'on voyait un truc qu'on n'avait pas vu avant. C'était bien cool. Ouais, c'était le moment, fallait improviser, le fallait papa, se démerder pour finir quoi. Ouais, à part avant la fin, je l'avais pas capté. Surtout qu'il nous dit pas pourquoi il est là, ouais. On lui a pas trop parlé. Si on lui avait parlé, il nous aurait dit qu'il était venu chercher sa fille ou qu'il avait été appelé par sa fille. Bon bah nique. Ouais, c'est vrai que vous avez pas trop posé au biker. Oui, j'y ai pensé plein de fois bon, qu'on avait pas beaucoup testé avec lui. Plein de fois j'y ai pensé. Après, il s'intéressait pas beaucoup à nous non plus. Et en même temps, j'ai jamais trop su quoi. C'est bizarre d'aller apostropher quelqu'un, ouais. Bah, c'était le seul autre personnage qui était présent. Sauf quand on faisait du bruit, il venait voir. Non, mais tu sais, quand on a trouvé la fille dans les chiottes, après on est parti sur la forêt. Ah, oui, ça nous a occupé un moment, la forêt. Bah, surtout qu'on avait déjà fait celui où tu termines dans la forêt, tu vois. On a fait un coup. Ah non, c'était la même. C'était la même fois. Sur le toit, ouais, j'ai commencé par le toit et on a fini dans la carrière. C'était une seule boucle. Bon, en tout cas, la semaine prochaine, on joue à Warhammer. Pavillon Noir le mercredi et Warhammer le jeudi. Wouch! Grosse semaine! Wouch! Ah toi t'avais pas... Non, j'avais pas capté. T'avais pas assemblé la boucle. Moi j'ai dit oui à tout le monde. J'ai dit oui à tout le monde et j'ai pas fait gaffe. Donc voilà. Ça joue mercredi et jeudi, la semaine prochaine. Bon bah pas mal. Tu remets un petit coup de générique, oui? Ouais. Puis on coupe le live. Faut que je me remette encore. Je suis encore en train de redescendre de la partie. Un peu comme si j'avais baisé, c'est marrant. Ça devait être bon alors. Faut pas qu'on reste sur ces bonnes paroles. Kurt. Hey, du, ich ist gefahren, sind der so. Non mais même les gamins quand ils disent ça, tu appelles les parents. Ah non mais pas les écoles. Bon, j'ai remis le micro, je sais pas, c'est le temps de dire au revoir. Bah ouais, franchement, je crois que c'est le temps de dire au revoir. Alors au revoir. Merci à tous d'avoir suivi, et puis prochaine partie, semaine prochaine. C'est ça. Ciao. Salut. C'est un petit...